Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast, un nouvel hors-série. Donc Adrien ne sera pas avec et nous, voilà. Il a été cordialement invité, mais il a préféré décliner, lui il préfère parler de comédie française. Et d'ailleurs, autour de cette table, il y a quelqu'un qui était venu nous parler de comédie française, c'est Vesper, on peut l'applaudir. Oh, Vesper, là, là, là. À chaque personne, je vais le faire. Ok, ah ouais, ça me va, okay, ça me va. Okay. Merci, Mélissa, d'être avec nous. Merci, je dirais même plus Vesper Sattler. Voilà, oh, grâce au gros, l'incroyable montage de Ben. Ah oui, c'est vrai. Et merci de me réinviter. Bah, je suis ravie d'être la caution Zouz de ce genre d'événement. Comme à chaque fois. Mais si tu n'es plus la caution Zouz, c'est-à-dire qu'on a vraiment créé une team B pour les trucs de nerd. Une famille, non? Non. Mais on pourra dire une famille quand on fera les faces. Ne t'avance pas trop. Ah oui, les Fast and Furious. Mais oui, c'est, ça c'est obligé. J'en ai que 9. C'est cool. Enfin, on regarde un. T'en as jamais vu, ouais. Non. Quoi? Et pourtant, Universal, il t'adore. Donc, ouais, mais il va falloir vraiment faire un effort. Restez curieux. Vesper est en train de me faire taper par Vesper. Non, je rigole. J'essaye de pas faire des bruits bizarres dans le micro, c'est tout. Nous sommes également avec Joey. Bonjour, Joey. Ravi. Merci d'être avec nous. Bah, c'est un plaisir, comme d'habitude. Ça va très très bien. Ça va bien. Comme je le dis souvent en ce moment, je suis en fin de saison. Oui, il est fatigué. De matinale. Et donc, si parfois vous m'entendez ronquer, c'est normal. Hein, vous me tapoterez sur la main. Il faut savoir que le début de ce podcast est un vrai désastre, hein, puisque je suis quand même arrivé en retard. Parce mais que c'est raccord avec la saga, finalement. C'est pire, c'est une accident en pire. C'est vrai. Et même ma gourde s'est vidée intégralement dans mon sac à dos. Ce qui fait que tout a pris la flotte. J'ai mon chargeur de batterie qui ne marche plus. La mixette grésille. J'ose espérer que c'est le casque et que c'est pas nos voix que vous entendez. Mais normalement, bon, tout devrait aller. Bref. Ça, c'est un désastre pour le moment. Sachant que la dernière fois, on avait déjà effacé un épisode entier sur Spider-Man. Donc, on va quand même essayer de croiser les doigts, serrer les fesses et ça va bien se passer. Nous sommes également avec Ben Anno. Bonsoir. Tu sais que maintenant, c'était le dernier. Là, quel enfer. Heureusement qu'on n'est pas 12. On revient à 12 invités. Ouais. Ben, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me réinviter. Mais non, toujours un plaisir. Alors, on va y aller tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de films. Les gens qui ont l'habitude d'écouter cette série le savent. Toujours des épisodes un peu longs. Alors, sachant que là, c'est la saga la plus courte auquel on s'attelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait parlé un peu de cinéma français. On n'avait même pas fini. D'ailleurs, on avait fait juste une toute petite partie. On avait fait tous ensemble Spider-Man, Marvel. Non, t'étais pas là. Non, c'est pour ça que ça a pas marché peut-être. Ça a cartonné. On l'avait réenregistré. Ah, on en vend par palette. Hein. Oui, on avait fait Star Wars, on avait fait Marvel. Alors c'était pas avec vous, mais on avait fait Pixar aussi. Il y avait Harry Potter. Harry Potter, on en a fait beaucoup. Star Wars, ça remonte. C'était le premier Star Wars, ouais. Non. Star Wars, c'était pour la sortie du 9, non? Ah, je sais plus. Non, avant le 9. Ah non, c'était avant. C'était pas le 9, c'était le 8. Non, oui, non, pardon. Le 8 ou le 7. Peut-être même le 7. Ouais, le réveil de la force, je crois. Peut-être. On sera obligé de faire une deuxième partie avec les séries et tout. Mais alors plein de gens avaient demandé d'ailleurs. Il fallait faire un update de tous les trucs. Je fais, les gars, il y a trop de films adaptés de pop culture là en ce moment. Molo, donc, quand même, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais Fast and Furious, pourquoi pas? En tout cas, là, je suis très ravi de faire Jurassic Park. Avant de commencer tous autour de la table, c'est quoi votre rapport à Jurassic Park? Je vais commencer par Vesper. Cette saga, est-ce qu'elle compte pour toi? Est-ce que c'est des films que tu as beaucoup regardés, etc., etc.? Oui, bah, comme beaucoup. Puis en plus de ma génération, on fait partie des personnes qui ont grandi pour qui Jurassic Park est un film parfait. Je n'ai absolument rien à redire sur Jurassic Park. Pourtant, j'ai d'autres films préférés dans la vie. Hein. Mais s'il y a bien un film où on dit il faut que tu cites un film parfait, c'est Jurassic Park qui me vient en tête. Alors, je ne sais plus en quelle année je l'avais vu non plus, parce que j'étais très petite quand il est sorti. Ah oui. Je n'étais pas au cinéma. Calmez-vous, je ne l'ai pas vu au cinéma. Calmez-vous, les jeunes. Oui, bah, désolé. Voilà, j'ai vu au cinéma. Bon. J'ai vu quand il est sorti. Petite chèque de vieux, c'était mal aux yeux. Bien sûr. Et donc oui, évidemment, incroyable. Et puis comme tout chef-d'œuvre, tout ce qui vient après, c'est de la merde. Souvent. Non. Et si c'est pour dire ça, ça sert à rien de faire des podcasts. Allez, c'est bon, c'est parti. L'élitisme, on les connaît. La 12 là. La 12. dinosaures. Non, mais malheureusement, Jurassic Park fait partie de ces franchises où on aurait préféré que ça s'arrête un peu plus tôt, quoi. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Mais comme ici, Terminator, d'ailleurs, je vais le répéter. Alien, d'habitude, je le fais toujours un petit peu un laïus au début. J'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas fait de hors-série avec vous. Mais je rappelle que on ne parle pas du tout en tant que spécialiste ou de gens qui voulons parler cinéma et tout, mais vraiment en tant que genre juste spectateur, fan. Voilà. Je le répète, je le dis tout le temps parce que il y a tellement de podcasts qui m'énervent à donner plein de leçons. Voilà. Nous, on donne juste notre avis. On discute et on échange. Et tu vois, en plus, on pourra discuter parce que moi, je suis plus tendre avec la saga, moins sur les derniers, mais j'aime encore. Moi, j'adore le 2. Enfin, j'adore le 2 aussi. On aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler. On aura même Joe, l'occasion. Joe, oui, pardon. Alors, comment ça va? Regardez-le. Oh, oui, alors, pourquoi Jurassic Park. Je suis moi-même un dinosaure. Jurassic Park, alors, j'ai eu la chance de le voir non seulement au cinéma, car je suis donc une vieille personne, mais au-delà de ça, c'était vraiment. Ce qui est, je pense qu'on va en reparler dans le courant de l'émission, mais ce qui est cool avec Jurassic Park, le premier en tout cas, c'est que pour beaucoup, on voyait à l'écran quelque chose qui était du domaine du rêve quand on était gamin, c'est-à-dire voir des dinosaures animer l'écran. Et en fait, pouvoir s'immerger dans ce film, c'était un privilège. Et en fait, j'ai eu l'occasion de voir ce film un peu avant qu'il sorte en France, en colo en Angleterre. Ah, c'est fou! Oh, ce qui fait qu'en fait, je l'ai vu en VO alors que j'avais donc 11 ans. Je parlais pas très bien anglais, je comprenais un peu, mais en fait je me suis retrouvé devant un film où les personnages parlaient donc en anglais et je comprenais pas tous les tenants et aboutissants, et donc c'était vraiment, j'en ai le souvenir d'une expérience vraiment sensorielle à 100%, c'est-à-dire que c'est vraiment les images qui ont créé un impact très très fort, et l'histoire finalement elle est passée un petit peu au second plan. Après quand je l'ai revu dès qu'il est sorti en France, mais cette première séance de Jurassic Park en Angleterre, ça reste vraiment un souvenir très très fort parce que j'étais devant une sorte d'objet où non seulement je voyais des trucs que j'avais jamais vus et il n'y avait pas de dialogue pour venir me parasiter. Oui, le ça, truc, quoi, tu vois. T'avais vu le truc à fond, quoi. Donc c'était vraiment une expérience assez particulière. Trop bien. Voilà. Et toi, Ben ? Donc tu l'as vu au cinéma aussi ? Je l'ai vu aussi au ciné car je fais partie de la team vieux. Yes. T'inquiète, on a plein qui nous écoutent. On n'est pas du tout sectaire là-dessus. Non, non, bien sûr. Et en fait, si tu me demandes mon premier souvenir ou à quoi je le rapporte, il y a le film, mais, et c'est marrant parce que ça fait écho à ce qu'on disait sur Batman, le logo. Pas tant le titre, parce que bon, la typo, maintenant que je suis graphiste, je la trouve atroce, mais elle marche. Ouais, mais le logo, en y réfléchissant, et parce que je savais qu'on allait peut-être l'évoquer, je crois que c'est plus ancré en moi encore que le logo de Batman. Je parle le logo de Batman du film, hein, parce qu'on a le jaune avec noir. Voilà, le logo de Jurassic Park, même encore maintenant, 30 ans après, plus que ça, du coup, si, une trentaine d'années après, il me fait toujours autant d'effet, alors que je me suis fait aussi la réflexion que c'est complètement con. Puisque Jurassic Park, c'est des dinosaures vivants et le logo, c'est un squelette. C'est complètement débile. Mais il a une tête un peu rigolote aussi. Non, mais super. Si tu t'achètes le logo, il a une tête un peu marrante, le T-Rex. Il a été designé par Chip Kidd, qui est. Oui, bien sûr. Tu vois, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Designer et très grand collectionneur et curateur de comics vintage, qui fait plein de bouquins. En fait, il design des bouquins où il prend en photo des comics en hyper gros plan des années 60 pour qu'on puisse les lire de manière un peu pour se plonger dans les illustrations, et c'est lui qui a designé le fameux logo de Jurassic Park qui est devenu. C'est marrant que tu fasses référence à Batman parce que c'est un peu le même délire, ouais, de le logo qu'on a vu partout après. Ouais, et puis le social marketing où t'as pas besoin de tagline, t'as pas besoin de bande-annonce, tu vois juste ce truc qui t'imprime la rétine instantanément. Mais d'ailleurs, pendant très longtemps, la fiche du dernier, c'était que le logo. Hein. C'était le logo vraiment en jaune ambre. C'est ça. Non, donc voilà, donc le logo effectivement qui, dès que je le vois, me rappelle des scènes du film et tout, et évidemment la musique, c'est. Je pense que c'est indissociable de la musique de John Williams, donc voilà, que du spectaculaire. C'est pour ça que c'est ça que tu hurlais au début là quand on d'accord. Ouais, donc non, voilà. Et puis pour résumer, tu vois, Vesper dit que c'est le film parfait. Je sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas en termes de spectacle, il y a rien acheté, quoi. Vraiment, c'est spectaculaire de bout en bout, quoi. Même 30 ans après. Et bien quant à moi, je pense que c'est le film que j'ai probablement le plus regardé dans ma vie, plus vu en boucle. Moi, je l'ai pas vu au cinéma comme toi, Mélissa, mais je l'avais en cassette vidéo. Et c'est là où tu vois que c'était un film important, c'est que mon père l'avait acheté en cassette. Il l'avait pas enregistré et découpé. le télécassette pour faire la maquette. Non, on peut pas faire ça. Ça avait été acheté au moment de la sortie. Ce qui est son petit charme, non? Oui, bien sûr. C'était plutôt les Vandamme et Schwarzenegger qui étaient dans la saga des Freddy et tout le bordel. Time Cop, tout ça, on avait le télécassette. Doucement avec les Vandamme, quand même. Non, non, mais. Faut respecter ça. Dans le respect. Non, mais bien sûr. J'avoue, si c'est la cassette originale, c'est qu'il y a un sortir nouvel épisode de Cumité, vous, au lieu de. Mais effectivement, Ben, le logo, ça me fait penser à ça. Je repense en fait vraiment à la collection de cassettes de mon père et de celui-là qui ressort bien par rapport à tous les autres. Avec la tagline, il y a fallu 65 millions d'années pour que ça devienne réalité. Mais c'est fou l'affiche, c'est vraiment le logo noir. C'est pour ça aussi que je le rapprochais à Batman, c'est que vraiment c'est le logo et c'est tout. Il y a pas besoin de plus. Ça marche trop bien quoi. Et ouais, moi donc c'est un film que je connais par cœur. Je suis capable de le réciter. Dans tout ce que je fais, il y a toujours une référence quelque part. Je crois qu'il y a du Jurassic Park dans Bloqué, dans Groom, dans le spectacle de Le Caplan, il y en a partout. Donc voilà, dans Jurassic Park, c'est vraiment un film que j'adore. Tu parlais de film parfait. En tout cas, moi, pour moi, je trouve que c'est le film de cinéma parfait. Quoi. C'est un film. J'ai l'impression que tu as envie de dire à un extraterrestre, ok, c'est quoi le troll cinéma en termes de spectacle. Tu lui mets ce film-là. Je parle vraiment de grand spectacle. Et voilà, donc c'est un truc qui, où je trouve, c'est un film où tu ris, tu pleures, t'es émerveillé, t'as peur. Quand tu le revois, tu te rends compte qu'il y a des trucs cachés, que ça parle de sujets aussi vastes que le cinéma lui-même, mais aussi la science et aussi l'homme qui se prend pour Dieu. Bref, les personnages sont ultra attachants. Jeff Goldblum torse nu. Donc voilà. Non, il y a vachement de choses. Et de toute façon, c'est une date dans l'histoire du cinéma, que ce soit par les effets spéciaux ou même par l'impact que ça a eu. C'est encore aujourd'hui c'est préempté maintenant les dinosaures en fait par ce film. C'est fou parce que avant Jurassic Park, les dinosaures ils sont à l'origine du cinéma quoi. Bertie le dinosaure, c'est le premier dessin dans animé. Dans King Kong, le monde perdu. Ouais, bien sûr. Donc il y a eu beaucoup de dinosaures exploités dans l'animation au cinéma avant Jurassic Park, et après Jurassic Park, c'est presque. Tu peux plus, c'était mais difficile. Ce sera désormais tout le temps ça le point de comparaison quoi. Cela dit, t'avais Godzilla qui était sorti le Godzilla de Emmerich que le Godzilla c'était en même 96, temps que le Monde perdu. Ouais, voilà, c'est ça. 97. Ah, 17, pardon. Et la bande annonce a été un doigt d'honneur un peu à Jurassic Park, mais un petit crachat. C'était la patte de Godzilla écrasée dans le musée d'histoire naturelle de New York, le squelette d'un T-Rex. Voilà, c'est petit, c'est vraiment mesquin. Oui, mais il s'est bien vengé Spielberg puisque la scène de fin du Monde perdu est bien plus impressionnante. Et c'est Godzilla, c'est un dinosaure dans la ville, disons. Et elle est bien plus impressionnante que tout le film Godzilla, quand même. Oui. Après, il n'y a pas Jean Reno dans le Monde perdu, attention. Du coup, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, pardon, ça gagne. Non, mais après, Jean Reno. Non, bien sûr. Mais j'ai revu le trailer dont tu parles, je l'ai revu parce que j'ai rematé la vidéo de Mea sur le Monde perdu qui est excellente. Et il remet le petit teaser de Godzilla dedans. Mais d'ailleurs, à côté ou même avant l'épisode, n'hésitez pas à regarder les deux vidéos de Mea, effectivement, sur Jurassic Park 1 et 2. Ouais. Et je vous conseille aussi la vidéo de Bolche Geek où il compare Jurassic World et Jurassic Park et sur ce que ça dit du cinéma et le cinéma popcorn et le blockbuster. C'est des vidéos vraiment passionnantes. Moi qui pensais être quand même bien calé en Jurassic Park, j'en ai appris quand même pas mal. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Ils sont en plus par des gens très talentueux. Donc n'hésitez absolument pas. Des vidéos qui nous remettent un peu à notre place. Là. Exactement. Parce qu'on est là. C'est tout. C'est bon. Il y a des rêves. Voilà, c'est ça. On commence donc avec le premier film, Jurassic Park réalisé par Steven Spielberg, a-t-on besoin de le préciser, sorti en 1993 effectivement. Alors Jurassic Park 1, tellement de choses ont été dites, vous avez déjà commencé à en parler, donc vous l'avez vu au cinéma. Il y a des souvenirs de salle de quand vous l'avez vu au cinéma ou pas? Est-ce que vous vous souvenez ou non? C'est un peu lointain quand même. Moi je me souviens d'un truc. Ouais. Et qui je pense est directement lié au fait que donc je l'avais vu en anglais et que c'était en expérience sensitive, c'est que quand j'étais sorti j'avais l'impression de marcher comme un vélociraptor. Genre je suis sorti du film et j'étais un peu, tu sais, comme quand tu sors d'un film de super-héros et que t'as l'impression d'être devenu un peu balèze. Je suis sorti de Jurassic Park et tu sais, je regardais autour de moi comme ça là, en bougeant la tête de manière un peu rapide. Mais beaucoup j'avais d'enfants, 11 ans, pardonnez-moi. Oui, avec ton ongle, tu t'avais par terre. Mais vraiment, il y avait ce truc là de. En fait, je me souviens de sortir de la salle et de pas avoir eu envie de sortir du film et donc de me raccrocher à tout ce qui pouvait me permettre de prolonger le truc. Et je pense que dans la salle, on était nombreuses et nombreux à avoir quand même été assez. estomaqué par ce qu'on venait de voir. Oui. C'est sorti en France le 20 octobre 1993. Alors pour la petite histoire, c'est sorti le même jour que True Romance de Tony Scott et Adieu ma concubine. Et alors, il faut savoir à l'époque que en gros, il y avait un petit côté anti-américain. Alors c'était un peu un grand mot, mais en tout cas la, les journalistes et les médias français étaient un peu énervés par le film de Jurassic Park, le film de Spielberg, Jurassic Park de Spielberg, disait-il d'ailleurs, les dinos de Spielberg. Non, parce que il y avait ce truc de c'est le omniprésence du grand blockbuster américain. Et effectivement, il faut savoir, aujourd'hui, ça paraît normal, mais c'était rare encore à l'époque de voir des logos Jurassic Park sur des caleçons, des chewing-gums, des burgers, des trucs comme ça. Et donc, le film était assez mal vu, au final. Ça n'a pas empêché assez que mal reçu. Assez mal reçu, en tout cas en France. Enfin, oui, il a été mal accueilli. Ça faisait chier le monde. Quoi. Enfin, ça faisait chier le monde. Ceci étant, ça reste encore aujourd'hui le plus grand succès de la filmographie de Spielberg, qu'en compte quand même quelques-uns. C'est un film que vous avez revu récemment ou pas, Jurassic Park? Moi, c'est le film, tu sais, c'est les films de Noël. Ouais, c'est ça. Tu te dis, je me le refais cette année. Non, je dis, c'est le film que tu. Si, alors, je regarde plus trop la télé, mais si tu zappes et qu'il est là, tu peux pas zapper. Ouais. Tu regardes au moins pour ta scène favorite ou un truc comme ça. C'est vous que tu dis ça, ça m'est arrivé il y a deux semaines, je crois. Il est repassé sur TF1 ou un truc comme ça. Et je venais de finir mon film et je suis repassé sur TF1 et il y avait Jurassic Park et je suis resté jusqu'à la fin. Non, mais la base. Non, mais effectivement, je compte pas le nombre de fois où je l'ai vu. Je l'ai vu en VF, je l'ai vu en VO. Avec des potes, on l'a vu en japonais aussi. On a tout fait. Ouais. Et pareil, j'avais un de mes meilleurs amis, c'était un énorme fan. Il appelait son chat Ian Malcolm. Voilà, donc c'est dire à quel c'est point. C'est long pour un chat. Ouais. Alors, ça. Je sais pas si c'était écrit ça sur le passeport, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelait. Je l'aurais appelé Timmy. C'est plus rapide. Et vraiment, même pour s'endormir, on mettait Jurassic Park. Donc, du coup, à chaque fois, dès qu'ils arrivaient sur l'île, on s'endormait sur la musique de John Williams. Ça. Génial. Moi, j'avais aussi à l'époque où le film est sorti, donc j'avais 11 ans, et je crois que sur les 2-3 années qui ont suivi, c'est devenu mon film de chevet pendant un moment, parce que quand on est pré-ado, on fait des fixettes. Et mes deux fixettes, c'était donc deux films de Spielberg, les Dents de la mer, qui est, je pense, mon film préféré, et Jurassic Park. Et avec un pote du collège, on s'était carrément fait des cassettes audio. On avait une cassette audio des Dents de la mer et une cassette audio de Jurassic Park. Et quand les autres écoutaient Doc Gineco dans leur Walkman, nous on écoutait les Dents de la mer à Jurassic Park, mon pote. Le film, enfin la bande son du film quoi. Enfin le film. On avait enregistré l'audio des films. Incroyable. Et dans la cour, on se faisait tous les deux des quiz. Où genre on commençait une phrase et si l'autre terminait pas la phrase, il était foutu. Mais vous étiez les deux ados les plus cool du collège de mémoire. Tu savais, à l'époque. Il y avait de la zoulette. Vous avez pécho là. On a pécho, mais alors. Grave. Énormément de boutons sur la gueule. On a pécho. C'est ça. Ouais, et des coups de pied au cul. Bien sûr. On en a beaucoup. Mais cela dit, moi, j'ai du mal à le voir en VO, j'avoue, le premier. Genre, c'est pas tellement je l'ai maté en VF. J'ai ce truc un peu de. Parce que les dialogues sont vraiment. Enfin, je sais pas si. Déjà en VO, c'est très bien, mais les dialogues en VF sont tellement drôles. En plus, moi, je suis amoureuse de Richard Darbois, donc je sais que c'est un peu la règle étant. À la fois amoureuse d'Harrison Ford et de Jeff Goldblum. Bien sûr. Il réunit un peu tout ce que j'aime dans la vie. Et, c'est vrai, et les dialogues, effectivement, je les connais encore mieux en français qu'en anglais. Enfin, ils matchent vraiment super bien. Quoi. Et c'est très, très drôle. Moi, je trouve qu'il y a des tournures de phrases. C'est juste, moi, j'adore ce plan. Donc, il y a le fameux... quand Ian Malcolm fait tape sur la caméra pour dire est-ce que vous avez envisagé d'avoir des dinosaures dans ce parc à dinosaures. Il y a une caméra qui avance, la caméra avance tout doucement sur John Hammond. Et il dit juste... Mon Dieu que je vais cet homme. Ça à chaque fois ça me fait rire. Il a vraiment la tête écrasée comme ça. En plus mais je pense que ça fait appel à la nostalgie. Pareil c'est moi je peux pas. Enfin si j'ai le choix je le mets en VF. Si je le mate pas avec d'autres gens ou quoi. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a un rythme, il y a une musique dans les dialogues auxquels on est habitué depuis qu'on est tout petit. Je l'ai jamais maté en VO. Je pense que c'est très bien. Mais il y a aussi ce truc de. Alors cette façon ça va faire très vieux con. Vu que je mate plus du tout de films en VF maintenant, je pense que j'ai perdu l'habitude. Et maintenant si je tombe sur un film en VF, je trouve que c'est mal doublé alors que je pense que c'est pas le cas. Les comédiens et les comédiennes de doublage sont très bien maintenant, mais quand tu regardes Jurassic Park en VF tu dis putain c'était il y a toutes les pointures, il y a toutes les voix qu'on connaît, c'est toutes les voix qui allaient dans les dessins animés de l'époque, tu vois, tu dis Richard Darbois. J'en profite d'ailleurs, même le dessin animé c'est la voix de monsieur ADN, c'est la voix de Doc. Ils sont tous connus. J'en profite pour vraiment souhaiter avec vous brûlons un cierge ou tout ce que vous voulez pour que la VF ne soit pas refaite comme c'est le cas de nombreux films par exemple. De Spielberg, puisque j'ai Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, je suis tombé dessus sur Netflix. Enfin, je suis pas tombé dessus, j'ai cliqué dessus pour regarder juste une scène hasard, pour le plaisir. Et personne ne clique sur on a choisi pour vous. Non, je voulais juste, en fait, de temps en temps, je me mate des scènes de films que j'aime beaucoup. Et je voulais mater la scène du monologue de l'Indianapolis de Quint. Et au bout d'une fraction de seconde, je me suis dit, mais c'est pas la VF. Mais pourquoi c'est redoublé? Je sais pas pourquoi c'est redoublé. Ils ont fait ça sur des Disney. Peut-être, mais c'est en 4K maintenant, peut-être que le son est plus bon. Parce que autant effectivement toujours un plaisir de mater Jurassic Park en VF, sauf que si tu me refais la VF non, mais Disney c'était les ressorties cassettes aussi, qu'ils avaient changé le cast et tout. Là je sais pas si maintenant il y a vraiment Je sais pas, Les Dents de la Mer j'étais un peu c'est récent là le ouais c'est 2015 je crois. Pareil, vu que quand on était petit, on prenait ce qu'on nous donnait, donc la VF, on s'est habitué à des. Enfin, et puis je pense que c'était adapté aussi à la culture française d'une certaine manière. Il y a des jeux de mots en anglais qui doivent pas fonctionner parce sur la culture américaine, j'ai pas d'exemple précis, mais dans le global. Donc je me dis, si maintenant je le mate en VF, je pense que je me dirais, ah ouais, ok, ils ont traduit ça comme ça, et du coup, je passerais mon temps à essayer d'analyser le truc alors que j'ai juste envie de d'aimer les dialogues. Et puis moi, j'ai l'impression, on fait un petit débat VF en plein Jurassic Park, mais ça m'intéresse. Ouais, moi, j'avais ça sur, je trouvais que c'était plus grossier, la VF était toujours un peu plus grossier. Et quand t'es enfant, il y a plus facilement du ta gueule, du sale con. Ils sont tous que... maté les Goonies en VF il y a pas longtemps. C'est ça s'insulte tout long. Même c'est chaud. Le retour vers le futur, il y a c'est un sale con. Des trucs comme ça. C'est en VO, c'était beaucoup plus calme, quoi. Bon, on va pas faire Milan sur la VF. C'est juste que Jurassic Park, moi je l'ai vu en cassette et c'est fou, je n'ai pas trop de souvenirs de la première fois où je l'ai vu. Alors ce qui est dingue, je pense que je l'ai tellement maté derrière que. Mais je me souviens. C'est ça justement. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Parce que en fait, tu l'as vu en cassette vidéo. Parce que nous, finalement, avec Ben, on l'a vu au ciné. Ensuite, on a beaucoup digéré ce film, je pense, avant de le revoir en cassette vidéo. Alors que toi, si tu l'as découvert en cassette, t'as dû avoir l'opportunité tout de suite de le voir plein de fois. 15 fois l'affilée. Et donc, ta première fois, elle est forcément plus. L'autre truc, et j'ai pas. Mon souvenir est très flou là-dessus, mais je me dis, je suis pas sûr d'avoir vu quelques bandes annonces que ce soit, ou magazine ou autre, avant d'aller le voir au cinéma. Donc évidemment, il n'y avait pas internet et tout, mais tu vois, je me souviens même pas d'avoir vu, au cinéma. Quoi. Voilà, même pas. Et donc, du coup, je pense que la scène hyper connue où il enlève les lunettes là et où il voit le premier c'est pas un diplodocu, c'est un brontosaure. Brachiosaure. Ah oui, pareil, t'aurais dû faire un disclaimer, on n'est pas du tout paléontologue. Donc, déjà, je me suis fait fumer, petit truc, dans Combini, j'ai fait l'erreur de dire. Sam Neill était archéologue. Aïe, du geekos qui m'est tombé dessus. Et l'autre est paléonto-botaniste. Et j'ai dit archéologue, alors ça me suffit. Après, c'est un rip-off d'Indiana Jones, le gars. Tout ça pour dire que cette scène où il voit le premier dinosaure en chair et en os du film, je pense que j'ai dû chier de l'eau. Enfin, directement, j'ai dû perdre ma merde, comme on dit en français. Alors que vous, du coup, peut-être que le temps qu'il sort en cassette, vous aviez peut-être vu des trucs dans des magazines. Je savais pas te dire parce que. Et moi je me souviens de la séance du 2, on en parlera tout à l'heure, mais par contre la séance du 2 m'a vraiment marqué de ouf quoi. Donc mine de rien, je crois quand même que l'expérience sale te fume bien la gueule quand t'es enfant. Il y a quand même un truc qui t'es dans le film quoi. C'est ça, surtout des trucs aussi grands spectacles. Je me suis vengé quand il est ressorti en 3D il y a quelques années. Franchement, tu sais, c'était de la petite. C'est toujours parfait. C'était de la petite 3D. C'était de la petite 3D. C'est comme quand ils ont ressorti la menace fantôme, c'était de la petite 3D gentille, tu vois. Mais bon, c'était le kiff de me dire, là je l'ai vu au cinéma. Oui, tu le redécouvres. Ah oui, je me rattrape. J'étais allé aussi. Aller le voir en 3D. Et il était repassé aussi dans un MK2. Enfin, souvent, quand il repasse au ciné, je me fais un petit kiff. Ça vaut quand même le coup. Est-ce que ça vous a déclenché chez vous, parce que c'est le grand truc quand même de Jurassic Park, une passion pour les dinosaures? Parce que vous étiez peut-être un peu plus grand, mais est-ce qu'il y avait quand même un truc autour de ça? Moi, elle était déjà présente en fait. Ah, avant les dinosaures? Avant Jurassic Park, pardon? Mais comme. J'avais l'impression qu'on était quand même beaucoup de gamins à. Quand t'es petit, t'es fan des dinosaures, quoi. Moi, j'adorais les dinosaures. Je passais mon temps au musée de la paléontologie. Enfin, je demandais à mes parents de m'emmener le week-end au musée de la paléontologie. Oui, mais donc t'étais fan des animaux, pas forcément d'une icône de pop culture dinosaure, genre Denver ou j'en sais rien. Je regardais Denver. Tout ce qui avait trait aux dinosaures, j'étais client, si tu veux. Alors, ma passion, elle était partie des petits dinosaures en plastique que j'avais quand j'étais petit, et des sorties au musée, et des livres. Mes parents, j'avais plein d'encyclopédies sur la préhistoire quand j'étais petit. Je dessinais des dinosaures, donc forcément. Quand Jurassic Park a débarqué, il y avait cette passion qui était déjà là. Je pense même que peut-être que j'en étais un peu sorti parce que à la fin, toute fin des années 80, début des années 90, j'étais très Batman, dans la Batmania et tout le bordel. Et donc je pense que Jurassic Park m'a même plutôt replonger dans mes souvenirs de passion pour les dinosaures qu'autre chose. Mais ouais, grave. Ah non, moi ça m'a. Moi, en fait, vu que je suis né, j'avais 2 ans quand le 1 est sorti au cinéma, donc quand j'étais enfant, ouais. J'étais déjà dans Jurassic Park. Moi, ça m'a vraiment créé un lien avec mon grand-père qui, lui, était passionné d'archéologie. Ouais. Et ça a quand même vraiment créé. C'est un peu cliché hein, ce que je dis, mais c'est le fait est que c'est la vérité. Ça nous a vraiment créé un pont. C'était assez ouf. Il y avait vraiment un truc de ah, mais tu sais, il m'a vraiment fait la phase des mecs avec genre ah oui, alors normalement, ils ont quand même un peu des plumes. mais tu vois. Déjà à l'époque. Ouais, tu vois, mais tu vois ce qu'on dit. Très forward thinking. <toi. rire> Non, mais tu vois, c'est vrai que par contre, c'est devenu des oiseaux. Ça, ils ont raison dans le film, etc. etc. Et je me souviens qu'il y avait des espèces de ça coûtait rien tu vois, mais il y avait des espèces d'expos sur la paléontologie où tu pouvais acheter des petits fossiles, des petites dents de dinosaures, des petites griffes de dinosaures qui étaient de la céramique refaite d'eux hein, mais et je me souviens ça nous avait vraiment créé un truc ouais, de kiff en fait, d'échange avec mon grand-père, de partage quoi. Ouais, de ouf. Mais je pense que ouais, il y a des ça crée des vocations, c'est un vrai truc quand tu regardes, quand tu fais des recherches sur Jurassic Park, t'as vraiment eu un pic d'intérêt sur les dinosaures, la paléontologie et l'archéologie après le film. Bah, Ross Geller déjà, le premier d'entre tous. C'est ça. Et il y a. Je fais une petite parenthèse. Tu sais que Ross Geller, pour le coup, c'est un truc qui une erreur de scénariste dans Friends, parce qu'il y a un épisode où il critique Jurassic Park et il y a un épisode où il dit que Jurassic Park c'est chambé. Et donc, si t'es fan de Friends, tu te rends compte que il y a une petite incohérence sur le personnage. Ouais, il y a que les cons qui changent pas d'avis, même s'ils répondent comme mais pardon, donc d'ailleurs quoi. Non, pas de souci. C'est juste que alors on va pas parler du film tout de suite, mais lors de la projection de Jurassic World Dominion, donc le dernier en date. Le monde d'après. Il y a mon pote Nico Pratt qui était allé à la projection presse et il m'a dit on était 3 dans la salle. Parce que c'était pour des journalistes, donc il n'y avait pas grand monde. Et il sort et il commence à discuter avec un autre mec qui était dans la salle pensant que c'était un journaliste. Et en fait, non, c'était juste un spécialiste des dinosaures qui était devenu spécialiste des dinosaures à cause de Jurassic Park. Et qui, en sortant du film, Nico Pratt a pas trop aimé Jurassic World 3. Et donc le mec lui dit t'as aimé ? Et Nico lui dit pas trop. Et là, le mec sort un carnet et dit tu veux que je te donne la liste de tous les dinosaures qui apparaissent dans le film ? Il avait noté tous les dinosaures qui apparaissaient un par un. Ah, mais c'était vrai dans le dernier. Je croyais que c'était des trucs où il y avait des mutants. Tout était modifié. À part le mutant, il y a un dinosaure mutant, l'Indominus. Mais à part ça, le mec avait noté tous les noms. Non, c'était moi aussi. Je pensais qu'il y en avait, c'était des faux parce que j'ai trouvé dégueulasse. En fait, c'est des vrais. Enfin bref, mais en tout cas, le mec avait tout noté et tout. Et Nico me disait, il me parlait avec des yeux d'enfant quoi. Oui, mais moi, tu veux que je te dise tous les dinosaures qui étaient dans le film ? Non, mais c'est bon, on peut pas avoir le contact de ce gars, on passerait une super soirée, je pense vraiment. Moi je trouve qu'il y a un truc qui marche vraiment bien et qui fait que parce que encore une fois tout a tellement été dit surtout sur le premier mais quelque chose qui marche vraiment bien je trouve que c'est les personnages. Vous avez des blagues sur Ian Malcolm, c'est vrai que Ian Malcolm c'était vraiment la rockstar du 1 et en plus bon on aura l'occasion d'en parler sur le 2 mais je pense que c'est une idée de génie que ce soit le héros du 2. Est-ce que les personnages c'est des personnages qui vous marquent, est-ce que c'est des personnages que vous aimez? Évidemment, mais de toute façon une gamine comme je suis, tu mets une fille comme Ellie Sattler en personnage principal, mais c'était incroyable. J'avais pas énormément de rôle modèle comme ça. J'ai grandi en étant je suis toujours obsédée par Lara Croft entre autres et c'est vrai que une Ellie qui à la fois elle vient parce qu'elle a aussi sa propre spécialité, sa légitimité, ouais. Exactement, et donc elle s'intéresse aussi à son propre domaine et son savoir apporte quelque chose. Elle arrive à la fois à rabattre le caquet de John Hammond quand du coup il faut aller faire des vrais trucs physiques, elle les fait. La première scène d'échange être humain dinosaure qui a véritablement d'impact, c'est lorsqu'elle s'occupe du tricératops. Exactement. Tu vois, c'est là qu'il y a vraiment un premier échange entre l'être humain et l'animal et où vraiment son expertise tente en tout cas d'améliorer l'état d'un animal dinosaure. Donc elle est vraiment au centre des thématiques du récit du film quoi. Et je trouve que c'est vraiment assez rare, souvent quand il y a ce genre de personnage, le personnage féminin, et souvent c'est ça un peu, enfin pas complémentaire, mais elle a un peu le faire valoir du personnage masculin quand il y a ce genre de dynamique. Encore et plus au début des années 90. Évidemment, oui, quand je parle de cette période. Parce que c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, mais ouais, ça s'est quand même un peu calmé. On a quand même certaines personnes ont appris à écrire des personnages féminins entre temps. Pas merci. Dans la saga. Oui, on parlera du reste après. Mais en attendant, et Ellie évidemment arrive à la fois à faire ses trucs, et je trouve qu'elle a une très belle relation avec Alan Grant, même si évidemment. Je n'avais pas du tout remarqué à l'époque. J'ai remarqué genre cette année qu'ils avaient 20 ans d'écart. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai jamais fait gaffe. Eh bien, je l'ai remarqué cette année quand ils ont fait tous les deux des interviews et qu'on leur a dit quand même, vous avez 20 ans d'écart. Ça veut dire que il y a cette espèce de truc non dit. En fait, c'est ce que j'allais dire. Couple, c'est-à-dire qu'il y a un. Justement, j'allais dire exactement ce que tu dis, c'est qu'à part un moment, t'as Malcolm qui est un peu intéressé et qui dit, vous savez si elle est célibataire. Et lui dit, oui, genre on est ensemble. Mais à part juste dialogue là, tu peux pas être sûr et certain qu'ils sont ensemble. Jaloux, mais tu sais pas trop. Tu sais pas s'ils sont vraiment ensemble. Elle aime bien le voir avec des enfants. Littéralement, le propos du film, c'est apprendre à Alan Grant d'être un père, c'est qu'ils sont en couple. Ouais, tu vois, mais c'est pas méga explicite, ça que je veux dire. Mais il y a pas de bisous. Ils s'embrassent pas à la fin. Voilà, il y a pas de bisous. Heureusement d'ailleurs. Il y a pas, ils se sauvent l'un l'autre et voilà, grosse galoche, on connaît pas. Et c'est tout ce genre de trucs associés qui font que j'avais vraiment adoré le perso et que d'un coup et donc évidemment mon obsession pour Jeff Goldblum comme beaucoup de personnes a démarré à ce moment-là alors que c'est un personnage assez antipathique en plus, enfin antipathique c'est, il pourrait vite être le mec qui meurt en premier dans le film. Il est hyper cynique et hyper antipathique et il devait mourir et au final il est tellement marrant, tout cool, tout d'ail. C'est vraiment ça, c'est pour ça qu'après il bouge plus et qu'il a plus trop d'impact dans le film et qu'il est un peu cloué au lit parce que il devait mourir, il devait se faire bouffer par le T-Rex. Mais trop cool. Il pouvait pas mourir. En perso antipathique, moi je trouve que Grant, c'est le. Moi j'ai pas spécialement envie de le kiffer. Alors il est construit comme il ça évolue, pour ensuite. En fait. Après, avec les enfants, via les enfants, il va un peu se faire un genre de rédemption. J'aime bien son côté ours, moi. Moi j'allais dire ça pour. Mais il y va reculons, quoi. C'est vrai que moi c'est un truc. Et d'ailleurs, c'est un problème qui, moi, pour moi, est vraiment relou dans le 3, du coup. Mais dans le 1, il a une évolution qui est assez chouette. Donc ça, c'est intéressant. Et tous les persos sont très bien écrits, même le chasseur petite futée là qui est censé être un peu une merde parce que c'est juste un chasseur. Muldoon. Voilà. Alors, il est bien écrit à ceci près que on le voit pas trop. Non mais surtout c'est lui qui explique comment, enfin tu vois au début t'as Grant qui dit alors ils attaquent sur le côté machin et lui il se fait bouffer exactement comme ça. Si t'es censé être le chasseur, t'es censé un peu connaître. C'est un chasseur de lion, le gars. Je vois ce que tu veux dire. Non mais ce que je veux dire c'est que tous les persos sont intéressants, bien écrits jusque vraiment au plus petit rôle. Mais quand je l'ai revu là récemment, notamment pour ce soir, et en fait c'est pas tant les personnages qui m'intéressent, c'est le parc en fait. C'est con de dire ça. Mais moi quand j'étais petit et encore maintenant, j'ai juste envie de voir. Ok, montrez-moi encore du. Même si je connais par cœur, j'ai. Ok, c'est quoi le prochain truc? Ah là il va y avoir ce dinosaure là, je veux le voir. Là il va y avoir. Tu vois, c'est l'endroit parce qu'au final. Il y a même aussi ce côté un peu coulisse. Ce qui te fascine chez Disney et que tu vois pas parce que c'est derrière les grandes portes en bois, tu vois les trucs. Là dans Jurassic Park on te dit tu peux passer l'œil derrière la porte pour voir un peu comment ça se passe, la salle des ordinateurs, la cantine et surtout le truc c'est le principe du plot, c'est que c'est genre je vais ouvrir un parc, validez-le, et évidemment rien ne va se passer, tout va partir en couille, tout va, et t'attends que ça en fait. Bah ça c'est encore une fois, je vous invite à vraiment regarder la vidéo de Mea sur justement sur les messages un peu cachés, enfin cachés, pas si cachés que ça d'ailleurs, mais sur ce que raconte Jurassic Park, sur effectivement John Hammond qui veut ouvrir un parc d'attractions où les dinosaures ont l'air plus vrais que nature, c'est évidemment Spielberg, que Jeff Goldblum c'est le critique de cinéma, que lui c'est vraiment l'avocat, c'est vraiment le patron de studio. Enfin, alors ça, j'ai une question pour toi, de métaphore. Parce que toi c'est ton métier, même un peu tout le monde vous touchez un peu ça. Si tu le sais pas, si t'es vraiment le spectateur, la spectatrice lambda, t'as pas trop, tu captes pas trop ce message-là. Si, parce que quand il parle du cirque de puces. Même au-delà de ça, de toute façon, c'est pas un niveau de lecture qui est indispensable à ton appréciation. Si on te l'explique après et que tu regardes, tu revois le film à cette aune-là, c'est génial parce que ça lui apporte une couleur en plus. Ouais, encore plus de densité. Mais rien que le prendre juste au premier degré de grand spectacle de blockbuster, ça marche. Mais c'est même moi ce que j'aime en fait dans le cinéma, c'est quand c'est ça. C'est quand d'abord c'est un spectacle, mais vu que pour moi, et c'est très important pour moi, le cinéma, mais comme toute œuvre d'art, c'est pour toute la vie. C'est-à-dire que le film, jusqu'à la fin des temps, Jurassic Park, ce sera ça. C'est les grands films qui arrivent à faire ça. Mais pour moi, et c'est parfois des fois ce que je reproche à des films qui s'intellectualisent, c'est d'abord un grand spectacle. Et moi, j'aime quand le cinéma surtout ce cinéma américain de blockbuster, c'est d'abord un grand spectacle et après s'il y a des petits messages, des petits trucs, des questionnements et tout, ça je trouve ça vachement malin. Non mais par contre moi Jurassic Park, c'est vrai que c'est un film que je cite beaucoup des fois quand j'écris, donc j'ai un film d'aventure, alors une comédie d'aventure qui va sortir à la rentrée, on revenait souvent sur Jurassic Park dans la façon dont les personnages sont mis en place en deux secondes, pourtant le film n'a rien à voir, hein. Vous verrez c'est une grosse comédie, mais il n'y a pas de dinosaures. Il n'y a pas de dinosaures. Ah là, dommage. On aurait, mais pas le budget. Non, mais donc c'est des films qui reviennent souvent et l'intelligence de, enfin c'est là où Spielberg est vraiment un génie, c'est que il y a plein de trucs et toutes les vidéos YouTube se sont éclatées à souligner les incohérences. Mais en fait, quand c'est fait par un très grand cinéaste, et c'est le cas de Steven Spielberg, toutes les incohérences, tu t'en fous complètement. Je trouve que tout passe. Il y a plein de trucs incompréhensibles. Enfin, tu vois, il y a les serrures, par exemple. Moi, c'est un truc qui me fait toujours un peu rire, mais les serrures marchent par ordinateur, tu vois. Tu te dis, bah, c'est évidemment que c'est une idée débile. Tu vois, que quand il va y avoir un bug d'ordinateur, bah oui, ça va être compliqué de fermer les portes. Ouais. Voilà, tout le truc du fait. Enfin, la tempête qui sert juste à mettre tout le monde pour qu'il n'y ait plus que 8 personnages dans le film. Bref. Mais ça vu marche. Que c'est extrêmement bien mis en scène et que les personnages sont très bien écrits, donc tu as envie de les suivre, donc tu t'en fous un peu du folklore, même si je suis d'accord, mais au final, tu t'en fous des incohérences parce que tu es à fond dedans. Et c'est ce que je reproche parfois. Alors là, c'est mon petit coup de gueule. Voilà, à des espèces de. à des face cam parfois un peu YouTube où le concept de critique, c'est souligner toutes les incohérences. Sauf qu'en fait, on s'en fout. C'est pas ça le concept. C'est quand c'est bien fait. Quand c'est bien réalisé, quand les personnages sont bien écrits, les incohérences, t'en as rien à foutre. Jurassic Park regorge d'incohérences. Ça reste un chef-d'œuvre. Et du coup, on l'a peut-être pas encore cité, mais donc c'est l'adaptation d'un roman que j'ai pas lu. C'est vrai. Deux romans, du coup, de Christian. Et on voit même là, parce que j'avais au moins regardé un peu les différences par rapport au roman, d'où le fait aussi de Ian Malcolm qui décède dans le premier roman. Mais même là, comme en plus, c'est pas une adaptation d'un roman qui a été écrit super longtemps avant. Enfin, c'est ils ont acheté les droits avant. Exactement. Avant que le film, avant que le timing est très serré et en plus Spielberg lui-même a modifié des trucs dans le 1, surtout dans le 2, pour aussi remettre à sa sauce. Enfin, du coup, il y a des bonnes idées qui étaient déjà dans le roman, il y en a d'autres, c'est de lui. Enfin, c'est ça qui est aussi super intelligent. Michael Crichton dit qu'il y a 30% du livre dans le film. Ouais. Il dit qu'en gros, 70% ont été changés. John Hammond n'était plus machiavélique. Genre, c'était vraiment un méchant là où Spielberg tenait. Et c'est pour ça aussi que c'est un réalisateur en fait qui joue. John Hammond, c'est le mec qui a fait Gandhi, qui a fait Chaplin, enfin Richard Attenborough. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, Richard. Sœur Richard Attenborough. Ah, je confonds toujours avec son frère. Ouais, le frère qui fait des documentaires sur la BBC. Jean-Michel Attenborough. Et non, mais voilà, et moi j'ai jamais lu le bouquin non plus, mais c'est vrai que j'aime vraiment énormément ce film et ouais, j'ai l'impression même les FX ils font forcément plus daté aujourd'hui, mais je trouve et que ça marche très bien. Ouais, non mais c'est ça. Non, j'allais mais... dire ça fait 30 ans et si tu la regardes maintenant, alors tu le vois évidemment, surtout qu'on on voit tout le temps l'œil tout, voilà. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'est niveau d'un documentaire animalier sur la préhistoire maintenant en fait. Mais vraiment, ça me fume hein. En le revoyant là. Il y a plein de films qui sortent maintenant qui sont pas aussi beaux. Et le talent de Spielberg est aussi de, parce qu'on parle tout le temps des effets spéciaux. Enfin, il y a toujours un peu ce, je suis très coup de gueule aujourd'hui. Ouais, t'es énervé. Non, mais il y a toujours un débat. Pareil, il y a ta gourde qui a fui dans ton slip. c'est normal de vouloir. Non, mais il y a aussi ce débat qui m'énerve un peu, qui disait, ah, quand même, la bonne vieille animatronique, c'était quand même autre chose que mais les effets spéciaux. Non, mais c'est ça où je trouve que Spielberg est très fort, c'est qu'il la filme très bien. L'animatronique comme les effets spéciaux. Ça fait partie de ta mise en scène qu'il faut penser. Souvent, les effets spéciaux sont très bien fait, c'est juste que parfois la réalisation, le cadre ne rend pas hommage et à l'animatronique et aux effets spéciaux. On parlera de l'animatronique parfois sur Jurassic Park 3 et c'est incomparable que d'un coup ça fait robot bizarre alors que le 1 on dirait des dinosaures. C'est organique quoi. Exactement. C'est le talent de Spielberg, t'as bien raison là-dessus. J'aimerais faire un tout petit détour avant de passer au 2 parce que moi personnellement, et là je vais me tourner vers Joe parce que je sais qu'il est calé dans le sujet, moi on me dit Jurassic Park, c'est aussi beaucoup les jouets de Jurassic Park. Ah oui. Moi, ah bah oui. Ce qui a fait aussi, je pense, que j'ai autant aimé ce film, c'est que tu pouvais acheter le dino avec un petit perso. Bien sûr. Ça, c'était quand même incroyable. La voiture. Et la voiture, etc. Et tu pouvais refaire le film comme bon si te semblait. Si t'avais pas trop envie que les jouets ressemblent aux personnages du film. Voilà. Ça n'avait aucun sens. Fallait pas trop avoir. Tu voulais les dinos. Mais il y a vraiment une histoire à raconter sur les jouets Jurassic Park des personnages. Parce que ça n'a absolument aucun sens. C'est rare que les jouets ressemblent. Oui, mais là, c'est même pas qu'ils ressemblent pas. C'est qu'il y a certains personnages qui, déjà, premièrement, ne sont pas dans le film. Ouais, et d'autres personnages comme Dennis Nedry. ouais. qui n'est pas du tout c'est même pas qu'il ressemble pas, c'est que c'est un autre bonhomme quoi. Ouais, c'est vraiment comme s'il avait pris un G.I. Joe et qu'ils avaient juste dit bah c'est ce personnage là. Ouais. Donc c'est assez étonnant, mais en revanche effectivement ouais, les jouets Jurassic Park ça a vraiment été un sacré truc quoi. Toi j'imagine en plus vu l'âge que t'avais. Ça devait être fou. Moi j'ai acheté des jouets jusque tard parce que j'adorais les jouets. Donc les jouets Jurassic Park, j'en ai eu à Noël, en anniv et tout, même si j'étais déjà un petit peu ado. Mais surtout pour je sais pas si Ben avait ça, mais là par exemple quand on enregistre le podcast, on est chez Bastien Vives, donc il y a des jouets autour de nous et derrière toi, tu vois, il y a les Dino Riders. Ouais, Dino Riders, c'était vraiment les jouets de quand j'étais petit. J'en étais très très fan. Bah ça voilà, c'est pour répondre à la question de est-ce que vous aimiez les dinosaures avant, il y avait les Dino Riders, ça a vraiment beaucoup joué. Il y avait le dessin animé. Et j'ai encore la VHS et quand les jouets Jurassic Park ont débarqué, tiens genre yes, à nouveau des jouets de dinosaures, ce qui était pas si enfin tu vois les jouets de dinosaures c'était souvent des petites statuettes que tu trouvais dans les musées, les trucs slèches un peu ou les, voilà. Et il y avait pas de jouets dinosaures. Tu te souviens du tyrannosaure qui faisait du bruit quand ouais, tu... Génial. Bien sûr, et puis tu pouvais enlever un petit bout de peau et tu voyais le sang avec un squelette. Ouais. Non, c'était vachement. Et puis moi, j'avais les voitures. Ça, c'était stylé. J'avais la voiture où tu pouvais arracher des bouts quand le dinosaure l'attaquait. Donc, tu pouvais enlever le capot, tu pouvais enlever le truc. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. De toute façon, d'une certaine manière, et je crois que c'était, si je me trompe pas, c'était un peu intentionnel de la part de Spielberg. Jurassic Park, il l'a conçu de base comme un film qui allait éventuellement pouvoir donner une saga et à merch, c'est-à-dire qu'il voyait Lucas se faire des couilles en or avec tout le merch de Star Wars et il s'est dit il me faut cette petite licence lucrative. T'as le plan dans le film où tu vois tout le merchandising que tu vas pouvoir acheter et en fait c'était le truc que tu pouvais acheter directement à la sortie du film quoi. D'ailleurs j'ai vu ça récemment, je suis allé au ciné récemment et dans mon Gaumont pâté ils vendaient les Minions et j'étais genre mais quelle idée de génie, dans le ciné vendent les peluches des Minions là les gosses ils sortent, mais évidemment t'as envie de claquer 10 balles pour faire plaisir à tes gosses. Après il est un peu con de faire une saga de film et de dépenser des millions pour faire des jouets de dinosaures alors que personne a les droits des dinosaures. Tu peux faire des jouets dinosaures. Ah mais justement, t'avais le petit tatouage JP. Le petit tatouage JP là, s'il n'y a pas le tatouage JP sur ton dinosaure, c'est le J qui faisait la base du P. Oui, là, mais je vois bien, c'est obligé. Design et tout. Non, mais de toute façon, avec le logo, rien n'était laissé au hasard. Évidemment que non. Bien sûr. Bien sûr que non. Ce qui nous emmène tout doucement à la suite de Jurassic Park, Le Monde Perdu. Alors, Le Monde Perdu, c'est le film que j'ai vu au cinéma. Alors, je sais pas si c'est ton cas aussi. Non, toujours pas. Non, j'étais encore trop petite le coup. Non, mes parents m'ont interdit de regarder des trucs très longtemps. Donc. Ah, alors que moi. Alors les trucs qui font peur. Bah oui. Alors que moi, c'est un de mes plus vieux souvenirs de cinéma, même tout court. C'est le plus vieux, parce que j'avais. Donc, c'est en 97, donc j'ai 6 ans. Et ça joue entre ça et Space Jam, un autre chef-d'œuvre qui méritera. Attends, mais t'avais pas le droit 4. Trop. C'était pas moins de 12 non, ans, Le Monde Perdu. Ah ouais non. Oh, c'est pas vénère quand même, hein. Ah, Jurassic Park, c'était moins de 12 ans. Ouais, Jurassic Park, c'était moins de 12 ans. Le Monde Perdu, en Angleterre, ils nous avaient fait rentrer un peu en stade. Ah non, moi, c'est sûr, je l'ai vu au cinéma. Non, mais oui, mais t'as été passé pas normal. Vérifié. Oui, c'est ça. Si, normalement, je pense. Et toi, ça me surprend que ce soit pas moins de 12 ans, Le Monde Perdu. Moi, je l'ai vu à 6 piges. Et c'est. Pour continuer ma petite histoire pour mon grand-père. Vous pouvez le laisser parler. Non, c'est moi, je fais que parler, tu rigoles. Non, mais pour continuer ma petite histoire avec mon grand-père, j'y suis allé entre autres avec mon grand-père. Mais ce qui était fou, parce que mon grand-père n'allait jamais au cinéma. Mais là, il a dit c'est la seule fois de ma vie. Avec toi, il a dû kiffer. Mais même, en plus, c'est génial, parce qu'il y avait mon père aussi, donc il y avait père, grand-père, Dragon Ball carrément. On avait déjà des quatre singes à l'époque en plus, donc c'est vraiment. C'est assez logique. Oh waouh! Mais tout ça pour dire que je me souviens extrêmement bien de cette séance. Je me souviens de la flip, de la peur. Je me souviens de la scène des hautes herbes. Je me souviens de la peine que j'ai eue quand. Parce que ça, on va y revenir, mais c'est un film très méchant, Le Monde Perdu. C'est un film très sombre. Il est très dark. Je me souviens de la mort du gars qui se fait. Alors, j'ai oublié son nom. De leur pote. De leur pote qui essaie de les aider pendant 20 minutes pour se faire bouffer, découper en deux. Et je me souviens de la peine que j'avais eue après ça. Genre. Oh la vache, putain, c'est un peu dur ce que je viens de vivre. Parce que même dans le 1, les morts des gentils sont un peu hors champ. Ouais. Et c'est les méchants qui meurent violemment. Il n'y a pas spécialement de sang non plus. Il me semble t'as quand même le bras arraché de. C'est qu'un bras et il est déjà arraché. Ouais, parce que tu vois, l'avocat dans les chiottes, je suis pas sûr qu'il y ait une giclée de sang. C'est juste qu'il est croqué. Il n'y a pas de sang, mais tu l'as en full. Oui, bien sûr, mais bon. Ouais, tu l'entends mâchouiller. Non, c'est un peu vénère quand même. Truc. Mais dans le 2, il est beaucoup plus violent. Bon, t'as beaucoup plus de personnages à tuer aussi. Et les dinosaures sont vicelards. Ils sont très vicelards. Là, comme tu parles de la scène des hautes herbes, c'est vraiment une scène de prédateurs purs et durs. Mais c'est comme ça que les vélociraptors sont vendus depuis le début. Oui, bien sûr, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé au premier, c'est beaucoup plus. Ça joue avec les proies, ça attaque en meute, tu vois le truc, c'est filmé de manière hyper. Faut le dire, le film s'ouvre sur une attaque d'une petite fille. C'est-à-dire que déjà, je trouve qu'il y a une. Parce que Spielberg était beaucoup attaqué. Alors, c'est vraiment parce que moi, j'étais un peu jeune à l'époque, donc je comprends pas aujourd'hui, mais c'était toujours dire, ouais, de toute façon, Spielberg, c'est pour les gosses, et puis c'est des franchises de 1000 épisodes, alors qu'il a fait très peu de suites de films, mais il en produisait quelques-unes. Puis les gens oublient un peu que la même année que Jurassic Park, il a sorti La Liste de Schindler. Ce qui lui a été reproché. C'est-à-dire que les gens disaient comment tu peux faire la post-prod de La Liste de Schindler en tournant Jurassic Park en même temps. C'est que voilà, bon bref. C'est pour ça qu'il y a un dinosaure à un moment avec ça. Hitler dans les chiottes là. Ça, c'est une fin qu'on aurait aimé voir. Putain, si Tarantino avait terminé Inglourious Basterds comme ça, le Deus Ex Machina avec un dinosaure. C'était une blague d'Adrien dans le combini qu'on a fait sur Jurassic Park. C'est l'avocat est mort comme Elvis, il est mort sur les chiottes. C'est vrai. C'est très beau. Et donc oui, Le Monde Perdu était beaucoup plus dark, mais en même temps, même le message est plus dark, puisque là, c'est les militaires qui veulent choper du dinosaure. Ouais. Alors, Ben, toi, tu l'as vu quand, ce film ? Si tu m'avais posé la question avant-hier, je t'aurais dit je ne sais plus. Ah oui. Mais je l'ai revu pour le truc. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'avais vu. J'ai très peu de souvenirs. Je me souvenais juste de Julianne Moore et de la première scène où on voit. Alors, c'est pas la première scène où on voit des dinosaures, mais la première scène, on va dire un peu waouh, quand ils sont les stégosaures. Voilà, quand ils sont dans la rivière. Je me souvenais de cette scène. La queue avec les pics. Mais je me souvenais pas de la scène avec la petite fille, les espèces de mini trucs horribles, comme des piranhas finalement. Ils sont horribles. Et au final, alors, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis là-dessus parce que. Je vais pas dire que j'ai été déçu parce que j'en attendais pas grand chose parce que je m'en souvenais très peu, mais. Non, c'est pas ça, mais je l'ai trouvé long, j'ai pas trouvé ça fou. Et tu vois, j'ai bien envie que tu me dises pourquoi c'est une idée de génie de mettre Goldblum en premier rôle. Parce que pour moi, il était magique dans le 1, aussi parce que c'était un second rôle, un peu le comic relief et tout ça. Et là, de le mettre en avant, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est qu'en fait, je trouve qu'il fait pas grand chose. Il a un peu perdu son flegme et son bagout du 1. Enfin, après, Tu peux pas dire qu'il a perdu son bagout. Il a quelques vannes un peu sympas. Il a les meilleurs. Il enchaîne les punchlines de manière. Non, alors moi, déjà, j'ai pas été séduit. Non, mais déjà, moi, je vais mettre une intro. Il y a de grandes chances que la nostalgie parle. Parce que pareil, le 2, je l'ai vraiment beaucoup maté. Et comme je te dis, c'est mon plus grand, enfin, c'est mon plus vieux souvenir de cinéma. Donc voilà. Ceci étant, moi, pourquoi je disais que Jeff Goldblum, je trouvais que c'était une idée de génie ? Parce que je trouve que c'est le personnage qui n'a pas d'arc narratif dans le 1. C'est-à-dire que dans le 1, on ne sait pas où est-ce qu'il en est. Il n'a pas d'enjeu, on ne connaît pas sa life. Oui, justement, c'est le comic relief. Dans le 2, ils lui ont créé une petite backstory. Alors qu'apparemment, en plus, quand tu revois, n'est même pas vraiment, marche pas très bien avec le 1. Genre, je crois que c'est sur le nombre d'enfants. Dans le 1, il dit qu'il en a qu'un. Donc il en a deux, là, il en a qu'un. C'est un peu le bordel. Bon, bref. Mais je trouvais ça malin de le mettre lui en héros parce que justement c'est le mec désabusé, c'est le mec qui dit les gars c'est une connerie vraiment faut pas faire ça, mais en même temps il le fait avec des vannes là où Sam Neill, on en reviendra au moment du 3, ce serait juste un gars qui dirait j'y vais pas, c'est bon allez, c'est de la merde, faut pas faire ça, enfin, voilà. Là je trouve que c'est un bon motif par contre pour y aller, c'est genre je vais sauver la meuf que j'aime, c'est une écolo ça je suis d'accord, c'est une bonne raison, assez malin, interprété par Julianne Moore qui est une grande actrice qui viendrait sauver aussi n'importe quoi tous les matins. Il y a aussi Vince Vaughn quand même, on oublie Vaughn qui a un petit rôle aussi dedans, l'activiste Peter Stomar, bon acteur à gueule, il était limite BG dans celui-là, j'adore. Non, mais il a une gueule, il fait ce truc que j'adore dans les films de monstres, c'est-à-dire qu'il fait chier un truc électrique. Et alors, du coup, il est puni par la vie. Évidemment, la punition. Pardon, je vais être le relou, mais qui veut aussi se faire contredire. Cette scène, je trouve, entre le moment où il va chier, là, il va chier, et finalement, au sens propre du terme, il se fait poursuivre par les espèces de petits trucs là du début pendant très très longtemps. Je trouve que cette scène, du début à la fin, elle dure vraiment longtemps. Il se fait poursuivre, il s'arrête. Il se poursuit, il s'arrête, et hop, il meurt. Ça dure très longtemps. Mais je sais pas, moi pour moi c'est le Apocalypse Now de Jurassic Park. Il y a vraiment un truc où il marche dans la jungle pendant les trois quarts du film. Je sais pas, il y a quelque chose qui moi me plaît. Ce que j'aime beaucoup dans Jurassic Park 2, c'est que ça va. En gros, et c'est ce que je reproche bizarrement à Jurassic World, c'est que je trouve que ça prend tous les sujets qui seraient abordés si les dinosaures étaient à nouveau créés dans le monde. C'est-à-dire, il y aurait des activistes qui diraient, mais c'est infâme de faire ça. Des militaires, des chasseurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, c'est-à-dire que l'écolo, c'est quand même lui qui va les enlever les dinosaures et qui va quand même condamner pas mal d'humains par la même occasion. Et en même temps, c'est quand même bien les militaires, les bâtards, et le gars qui veut ramener le dinosaure à Chicago. Voilà. À San Diego, ouais. Pardon. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait autant de personnages qui représentent comment sont les humains avec la faune, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'adore la scène du safari. Où justement il est avec avec les noms de dinosaures sur le papier. Enfin, je trouve qu'il y a un nombre de scènes impressionnantes dans ce film, et je ne parle même pas, qui est pour moi une des meilleures scènes de suspense de l'histoire du cinéma, de la caravane ouais. Avec la vitre et la brisure, et machin, et le sac à dos qui glisse et machin. Bon, bref, même si elle est gâchée par une des pires vannes pour le coup de l'histoire de Jurassic Park, les Big Mac, les Woody, ouais, ramenez-moi, vous voulez quoi, un Big Mac et des frites, ça dégage, un petit cut de montage là, mais bon, non, mais je trouve qu'en fait je sors du film avec tellement de scènes impressionnantes, tout le final à San Diego, enfin, je sais pas, je trouve ce film très généreux, et peut-être que maintenant je le revois même encore une fois avec ce qui a été fait après, où je trouve ça justement pas généreux souvent, je trouve ça même assez pas réfléchi en effet waouh avec les dinosaures, quoi. Là je sais pas, j'ai un truc, alors moi je l'ai revu il y a moins longtemps que toi, cela dit, hein. Je l'ai revu je crois l'an dernier, tu vois, donc bon, c'est quand même assez frais, oui, hein. Oui, bien sûr, mais, bien sûr. Mais je me souviens en tout cas avoir pris beaucoup de plaisir, il est très drôle ce film, enfin moi je le trouve vraiment marrant, et il y a une scène que je trouve un peu ridicule, mais je dirais tout à l'heure, et puis au final on la connaît ouais. Et puis au final bien. Avec les Jurassic World elle passe crème cette scène, finalement, hein, finalement. Pour finir, après je laisse mes petits copains non mais parler. C'est intéressant, c'est, non, bien, c'est important, non parce que ou pardon, tout à l'heure il y a que moi qui parle, mais juste c'est peut-être aussi, alors est-ce que le fait d'avoir vu le 1 et le 2 quasiment back to back en 2 jours, ça a fait aussi que tu vois le contraste est fort, je sais pas, mais je trouve que enfin, le film est pas. Enfin, d'un côté, il est linéaire parce qu'on voit que l'action elle avance, et d'un côté, des fois, je comprends pas le choix des persos. Notamment, j'ai l'impression qu'à un moment, les gentils et les méchants, on va dire ça comme ça, ils team up juste parce qu'il faut survivre. Et en même temps, je sais plus comment il s'appelle cet acteur génial qui joue le chasseur là, qui joue le père, Patrick, aussi dans Inception. Je vais regarder. Tu sais qu'il a la peau plus tard, il a la peau vachement mangée sur les joues là. Comment il s'appelle cet acteur? Bref, lui. Il joue dans les Goonies. Non, il joue le père dans Inception. Il joue dans Roméo plus Juliette, non? Peut-être aussi. Bref, lui, en fait, en gros, lui, au début, tu dis, ok, c'est un gros connard, il veut juste buter un T-Rex. Et au final, il team un peu avec les gentils parce que tu dis, ok, en fait, il est gentil. Puis finalement, il veut quand même faire le T-Rex. Enfin, je sais pas, je trouve que les persos, même s'ils sont hyper caractérisés et c'est des archétypes, je sais pas, leur choix est pas très logique. Des fois, ça se mélange un peu. Mais voilà, c'est. Comment? C'est Pete Postlesvald. Ah, Pete Postlesvald qui a passé l'arme à gauche il y a pas si longtemps. Et le dernier des Mohicans. Et le nom du père avec. Avec Daniel Day-Lewis. Et l'attaque des Titans, s'il vous plaît. Incroyable. Donc voilà, mais bête que je cherche la petite bête. Si ça vous a plu, je suis pas du tout. Non, mais en plus, c'est super intéressant. C'est un film. Moi, en gros, pourquoi je le défends aussi? C'est parce qu'il se fait souvent critiquer, ce film. Quand tu regardes sur IMDb, il est moins bien noté que Jurassic World, par exemple. Allez. Non, mais c'est intéressant. Petit parce que... scandale, ça, hein. Non, mais parce que c'est un film qui avait beaucoup déçu. Alors que moi, je trouve que c'est tellement difficile de faire une suite, d'autant plus à Jurassic Park. Je trouve ultra malin de la part de Spielberg, même si lui-même, avec le temps, hein, il renie pas le film, mais il dit j'étais vraiment pas bien dans ma vie et le film est trop sombre. Je trouve que c'est malin de faire un film aussi sombre comme suite à Jurassic Park. Pour moi, tout est résumé dans la phrase de Ian Malcolm où il dit ça commence toujours par des hurlements. Des hurlements. Je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que surtout quoi, quand on verra ce que fera Jurassic World avec le leg Jurassic Park, tu vois, un peu trop le cité, un peu machin. Je trouve ça très malin ce qu'ils font dans le 2, à savoir on peut pas refaire la même chose, on peut pas refaire le parc, donc il faut qu'on trouve un truc de intelligent, on fait un truc le rapport à l'animal, tout ça, et au final tout faire le troisième acte dans la ville, ça je trouve ça tellement généreux, quoi, je trouve. Et puis encore une fois, j'ai l'impression que quand je vois le film, tu te parles de manque de logique, ce que je peux entendre, mais je trouve ça logique dans les méchants, même de dire en fait ils auraient craqué, ils en auraient ramené un. Vesper, c'est un film que tu aimes bien? J'adore le 2, ça faisait très c'est un Jeff Goldblum fest. Goldblum porn, le nombre de fois où la caméra avance sur lui au moment où il va dire une punchline. Maman est très en colère. Ça c'est moi. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu, et j'avais même des moments que je confondais avec le 3. Je savais plus trop parce que je les ai souvent regardés aussi back to back. Enfin, pour moi, c'était un peu tous ensemble. Donc j'ai revu le 3 la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, et le 2 hier. Donc c'est frais pour être sûr d'être bien dedans. Vous êtes des bosseurs. Vous êtes des bosseurs. On te respecte. Effectivement, la scène du sac, enfin de la caravane et du sac qui tombe, c'est enfin pour moi c'est une des meilleures scènes de son genre. Ça a été repris dans tellement de films et tout. Allez, bah, nous-mêmes dans le film qui sortira en octobre, Jack Mimoune, c'est un film qu'on citait beaucoup cette scène-là parce qu'elle est dingue et elle marche toujours autant. Et moi je me rappelais très très bien, c'était cette scène-là. Alors la petite au début, dans mes souvenirs, elle mourait. C'est de dire. Bon, c'est pas. Il joue justement. Il le dit. Non, il dit qu'elle a été blessée. Ah ok. Goldblum a peur. Goldblum fait. Oh non. Il fait. Non, vous inquiétez pas, elle va très bien. Okay. Mais dans mes souvenirs, elle mourait. J'étais là. Ouais. Oh, c'était quand même couillu quand même, hein, que la petite elle meure. Et je dis c'est ça. C'est quand pote même couillu qu'elle se fasse agresser. Ouais, voilà. Mais qui m'a dit non, mais elle meurt pas. Mais les dinosaures, ils voient pas les couleurs, ils voient pas les sexes. C'est vrai. C'est vrai. Ils défoncent tout. Ils défoncent tout. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, ça devait être dans le premier, justement, c'était l'intro du premier. Okay. Et qu'ils ont, du coup, ils ont pas osé, enfin bon, bref. Et donc, oui, donc c'est celle-là, et je me rappelais très très bien de, je sais pas pourquoi, la gamine qui faisait de la gymnastique, ah bah, et que ça l'aidait, pour péter le raptor. Alors qu'elle fait 10 kilos toute mouillée et que le raptor il fait 200 kilos, mais bon, c'est la scène qui était pas. Mais moi, c'est là que je pensais. Franchement, je la trouvais super. Enfin, bah oui, parce qu'elle a de la gueule, mais voilà, c'est ça, quand t'es un enfant, tu dis yes. Non, mais évidemment, non, mais voilà, mais ça m'avait quand même. Quand t'es un adulte, tu dis jamais elle se serait retrouvée dans cette situation, Oui, alors déjà, ils ont pas ouvert la camionnette. Non, mais avec les barres bien parallèles, nickel. Évidemment, bah, c'est bien fichu. Mais c'est, enfin voilà, effectivement, les punchs de Ian Malcolm dans celle-là, elles sont toutes. Et donc, évidemment, en plus, le fameux meilleur ami qui appelait son chat Ian Malcolm cite Le Monde Perdu encore plus que Jurassic Park. Et vraiment, ça coûte plus cher que toute ton éducation. C'est la pire idée de toute l'histoire des mauvaises idées. Tu vois, tout est super. Et vraiment, rien que l'intro, enfin, l'idée de se dire, non, mais en fait, on a nié un peu ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, du coup, ils font passer Ian Malcolm et, par extension, les autres pour des gros mythos. Donc, ils sont décrédibilisés, même sur la scène scientifique et tout. Et rien que ça, de se dire, mais oui. Bien sûr. Évidemment, évidemment que si tu veux faire la suite de ce qui s'est passé là, ils vont chercher à étouffer l'affaire et à faire du profit, et ils vont décrédibiliser les gens qui vont dire que c'est une idée de merde. Et évidemment, et ça, je le trouve tellement, tellement malin que ça justifie l'idée d'une suite d'un film qui aurait pu ne pas avoir de suite. Avoir, bien sûr. Et on se portait très bien. Ouais. Et on en parlera plus tard pour, par exemple, Jurassic World et autres films qui ne devraient pas exister. Ça, pour le coup, c'était justifié. Et pareil pour l'histoire du leg. Du premier film, là c'est pas des clins d'œil ou des on sait qu'on est moins bien qu'eux. Ça se cite jamais. Il y a un moment où vraiment c'est Vince Vaughn, je crois, qui il rentre dans une pièce et il y a un poster, enfin une espèce de grand poster contre le mur de Jurassic Park, et en fait il croit que c'est un dino en fait. Et en fait c'est pas le dino, enfin c'est une vieille affiche. Ouais. Mais c'est pas refaire, ils ont pas déjà le fait de mettre ça dans une autre île. Ouais. Ça évite justement le délire de. Alors, on retombe sur la même. Oui, mais. Non, mais pardon, je suis vraiment le dernier à faire chier avec les incohérences, comme tu disais. Ouais. Mais là où ça m'a. Et c'est peut-être parce que du coup, c'est une suite où je me suis dit, au tout début, Amand, il dit oui, en fait, il y a une autre île. Oui, parce qu'en ça, fait, on les fait naître là-bas et ensuite, ils viennent à Jurassic Park. Alors qu'une des scènes cool du 1, c'est quand il dit j'ai assisté à toutes les naissances et il y a l'œuf qui est clos. Donc, là où c'est chiant, c'est pas que c'est une incohérence, c'est que c'est une incohérence qui justifie un scénario du 2. Oui, tu vois, c'est parce que c'est la base du 2, tu vois, le monde perdu, c'est ça. Ouais. C'est un peu con, enfin, tu vois, il aurait pu trouver autre chose. Quoi. Oui, non, mais ça, je comprends. Mais de l'autre côté, je trouve ça cool que du coup, grâce à ça, on n'est pas le ah bah tiens, tu revois la Jeep, ah t'as aimé la Jeep, on va te remettre la Jeep. Oui. Alors, là, c'est. C'est le seul truc où j'aurais un tout petit bémol à apporter. Un bémol aux russes. Parce que justement, pour moi, la scène de la bagnole dans le 2. Ouais. Et un peu une sorte de miroir, mutation de la scène de la Jeep qui tombe mais c'est pas cela dit moi ça me va très bien, c'est pas un truc in your face comme tu vas avoir plus tard en mode c'est pas genre on refait le même truc là, oui, c'est clairement, la banderole clairement. Dans un coin clairement. Là c'est machin, enfin t'as quand même d'autres trucs. Et puis de toute façon je pense que Spielberg a quand même ses effets qui marchent, encore une fois, dans je cite Mea, comme quoi on va beaucoup le citer dans cet épisode, mais lui, il comparait il comparait les Dents de la Mer, justement, t'en parlais, à Jurassic Park, et il disait par exemple le Vélociraptor est travaillé de la même manière que l'apparition du requin, à savoir t'as un long monologue où il t'explique comment ça fonctionne, tu vois toujours des petits bouts de trucs, énormément de ponts à dresser entre les Dents de la Mer. Le film de Spielberg qui se rapproche le plus de Jurassic Park, c'est les Dents de la Mer. Il y a énormément de, déjà le fait de créer du spectacle avec des monstres, mais qui sont des monstres qui existent ou ont existé. Il y a ça, il y a le personnage du chasseur Muldoon dont on parlait, qui sur plein de points est calqué sur le personnage de Quint dans les Dents de la Mer. Ne pas vouloir fermer un truc de divertissement alors que les animaux sont hors de contrôle, oui, c'est le même dire, c'est l'amusement qui part en couille et qui devient l'horreur. C'est vraiment, il y a beaucoup de ressemblances entre ces, et d'ailleurs c'est alors ça a été beaucoup dit, je vais pas raconter un truc qui va faire un main blow aux gens, mais non, mais je pense pas qu'on exagère en disant que Spielberg a créé le blockbuster avec les Dents de la Mer, si tu veux, et que avec Jurassic Park il a créé le blockbuster des années 90, quoi. Enfin, en fait c'est une update des Dents de la Mer, Jurassic Tous Park. Tous les films catastrophes des années 90 sont des films post Jurassic Park. Comme tous les films catastrophes et blockbusters des années 70 doivent énormément aux Dents de la Mer, et d'une certaine manière Jurassic Park redonne à Spielberg toute sa légitimité en tant que faiseur de blockbuster, parce que même si on parlait de la nostalgie tout à l'heure, on peut être nombreux et nombreux à regarder Hook avec nostalgie, ou quand il fait Jurassic Park, Spielberg il sort quand même de Hook qui a été un échec au box-office, de Always qui a été un échec également, et Jurassic Park c'est une sorte de bon, alors attendez, on va remettre les choses un peu à plat. En fait, j'ai fait les Dents de la Mer, donc je vais vous faire le même coup mais avec des dinosaures. Et c'est un vrai pari, hein, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai là-dessus, mais c'était un vrai pari d'ailleurs d'Universal, hein. Faut savoir que quand ils font Jurassic Park, au même moment ils créent l'attraction Jurassic Park, c'est-à-dire que l'attraction a commencé à être construite avant le film, un tournage. Et pour revenir rapidement sur les Dents de la Mer, l'une des raisons, il y en a eu plusieurs, mais l'une des raisons qui a motivé Spielberg à faire aussi Le Monde Perdu, c'est qu'il se souvient d'avoir refusé de faire la suite des Dents de la Mer, et puis ensuite d'avoir vu le film. Il s'est dit, j'aurais peut-être dû le faire en fait, parce que c'est de la merde. Oui, parce qu'à la base, c'était Joe Johnson qui devait le faire, et au final, il a fait le 3. C'est ça. Et tu penses qu'il a fait Le Monde Perdu parce qu'il voulait pas que quelqu'un d'autre le fasse ? Parce qu'il voulait pas faire la même erreur qu'avec Les Dents de la Mer, c'est-à-dire refuser pour que finalement avoir une suite un peu au rabais faite par un faiseur, quoi. Mais il faut savoir qu'il a fait très peu de pauses dans sa vie, Spielberg, et à la fin du duo Liste de Schindler Jurassic Park, il a pris une année sabbatique, et après, en gros, autant te dire que tout le monde lui a dit Jurassic Park 2 serait pas mal quand même. Et donc il a repris David Keop et tout, et il s'est forcé à le faire, et c'est pour ça que je trouve ça super que le film soit aussi dark. En fait, c'est un cadeau du ciel presque que la suite d'un des plus grands blockbusters soit fait par un réalisateur qui à un moment dit bon, en fait c'est bon, là on va tuer le chien, on va agresser un enfant, parce qu'en fait la vie c'est de la merde, je viens de faire un film sur la Shoah et du coup je me rends compte que l'espèce humaine c'est, enfin tu vois, et quel chien se fait tuer par un animal dans un autre film de Spielberg, les Dents de la Mer, laissez les chiens tranquilles, mais c'est pour ça que je trouve ce film c'est une erreur presque que ce film là il existe, je trouve, et encore une fois les suites nous le prouveront, en fait c'est génial qu'il ait eu autant enfin autant de liberté pour faire un truc aussi nihiliste quasiment, mais quand même avec des scènes mémorables. Moi j'adore la fin, je sais que la fin elle était pas spécialement au scénario original, elle a été rajoutée assez tard en fait dans San Diego. Qu'il y ait un T-Rex à San Diego. Mais moi je me souviens que c'était le truc qui m'avait dit d'un film. Un T-Rex à San Diego. Ouais. Je pense que c'est un mélange. Un T-Rex avec un chapeau de cowboy et un cigare. Non mais je pense que c'est un mélange entre le flingue. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une des conséquences logiques à des dinosaures sur une île, c'est qu'à un moment quelqu'un va les ramener, et en même temps ça fait un peu effectivement King Kong, Godzilla. Oui, bien sûr, c'est peut-être ça qui a plu aux gens aussi, de se dire ah bah maintenant ils sont dans la ville, bah voilà autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je trouve ça cool. Mais à la rigueur, c'est en plus c'est que la fin, tu vois, c'est pas comme si en fait moi ça me va que ce soit que la fin, c'est ça. Que c'est si ça avait été le début le début sur l'île et tout le reste en ville, comme par exemple Jurassic World 2, ça m'aurait fait chier. Oui, c'est genre Martine à la plage, Martine à la fête. Voilà, ou par exemple. Mais attention, le manoir il est cool. Arrêtez, non. Mais effectivement, et du coup Spielberg disait que, enfin voilà, ce qu'il aimait, que pour lui l'horreur ça venait du fait que tu prenais une scène et que tu le mettais dans un contexte familier. Donc à la fois la voiture, à la fois la cuisine pour le 1, ce genre de truc, et c'est ça qu'il aimait, qu'il aimait bien aussi dedans. Il est fort, hein, quand même. Il est fort. Il est pas mal. Et je peux le dire ça, je l'ai entendu parce qu'il l'a dit la semaine dernière. Allez, elle était obligée. Tu expliques aux gens, c'est fou ce que t'as vécu. Je drop, j'ai réussi, je reviens d'une semaine, mais des vacances à New York pour la première fois de ma vie. Donc c'était les vacances de ma vie, c'était trop bien. Et donc j'ai réussi à choper des places pour aller voir une projo des Aventuriers de l'Arche Perdue avec après une séance. Enfin, masterclass, c'est sur réponse, on va dire, animé par Lin-Manuel Miranda avec Spielberg. Okay. Incroyable. Voilà, donc deux des personnes que j'aime le plus sur cette planète. et c'était vraiment chouette. Bah, et avant, j'ai vu Daniel Craig, donc autant vous dire que voilà, mes ovaires ont du mal à. Standing ovation d'ovaires chez Mélissa. Ouais. Et Spielberg, et pour le coup, enfin, c'était. Enfin, voilà. Pour une fois que je peux flex, hein, voilà. Ah bah, moi, je tourne pas de film, moi. Tu plaisantes, pour le coup. Lin-Manuel Miranda, quand il a, parce qu'apparemment il l'a fait plusieurs fois déjà. La dernière séance, il avait invité Spike Lee. Pas mal. Et là, la prochaine, il a dit que le film ce serait Black Panther, donc je suppose que ce sera Ryan Coogler. Oui, il y a des chances. Et là, quand il l'a introduit, il a commencé à vouloir introduire Spielberg. Il a dit non, mais en fait, je vais pas vous dire qui est Spielberg. Ouais. Et vraiment, le gars commence en disant ouais, non, mais en fait, vous allez sur Google, vous tapez meilleur réalisateur de tous les temps, c'est lui qui est premier. Enfin, meilleur réalisateur encore vivant de tous les temps, et c'est lui qui sera premier sur n'importe quel top. Bien sûr. Donc voilà. Donc, mais bien je, sûr, me sens toujours, je me sens toujours, bon, c'est le moment fanboyisme, hein, mais très. Je suis très heureux d'être un contemporain d'un gars comme Steven Spielberg en fait. Non mais tu vois, c'est, j'ai l'impression vraiment que c'est un gars. Il y a des gens qui ont vécu du Mozart ou du, tu vois, du Van Gogh ou. Et moi j'ai vécu Spielberg quoi. C'est-à-dire que et en plus au meilleur moment de ma life, c'est-à-dire du pur divertissement quand j'étais jeune, enfant ouais. Et des films historiques super intéressants. Quand maintenant que je suis jeune adulte, ça. Et son cinéma m'a quand même accompagné tout le long et j'y reviens souvent et. Mais tu reviendras quand tu le montreras à ta fille. Bah ça, je suis comme ça. C'est ça qui est cool aussi, c'est de le redécouvrir. J'ai déjà la main sur la télécommande, mon pote. Elle en kiffera au moins un. Faut pas que je la saoule avant qu'elle aille là, je l'ai regardé. Sinon, c'est une cata. Ouais, mais il en a fait tellement différent qu'il y en a au moins un qu'elle kiffera. Je me dis. Elle peut pas faire un rejet complet de tout Spielberg. Commence pas par la liste de Schindler, par contre. Oui, ça, on va peut-être commencer par E.T. On va peut-être y aller mollo. Mais et je vous conseille d'ailleurs sur Spielberg, c'est les amis de Rokirama qui ont fait un triptyque super intéressant sur l'intégralité de sa filmographie en fait. Chez Rokirama ils ont fait trois hors-séries et l'ami Pratt a écrit le bouquin sur Jurassic Park. C'est vrai. Je comptais le citer à la fin, mais effectivement. Non, mais t'inquiète. Désolé, mais j'ai lu. Je voulais revenir juste parce qu'après Spielberg sera un peu moins présent dans cette saga, donc je voulais conclure sur Steven Spielberg, qui est toujours producteur hein, d'ailleurs de tous ces films-là. C'est même d'ailleurs je me demande son implication dans tous ces films, tant il a l'air absent, quoi. Enfin, on a du mal à retrouver sa patte, je trouve. Mais en même temps, on retrouvait pas sa patte dans les suites de Transformers non plus. Enfin, tu vois, c'est difficile. C'est sa aussi... patte de dinosaure. Ah, pas mal. Et à la base, le 3, il avait quand même. Alors, il n'avait jamais. Il n'a pas voulu le faire, le 3. Donc, Jurassic Park 3 n'est pas réalisé par Steven Spielberg. Il est réalisé par Joe Johnson. Est-ce que je peux me permettre un petit truc? Je voulais en parler sur le 2, mais. Ah, mais vas-y, j'en prie. Je sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais pourquoi le 2 s'appelle Le Monde Perdu et en tout petit Jurassic Park? Et ensuite, c'est Jurassic Park 3, c'est-à-dire, il n'y a même plus de titre. J'ai l'impression qu'on espère, on descend une petite le pente. Monde, le Monde Perdu, je pense que. Parce que Le Monde Perdu tout seul, c'est cool. Je pense que c'est un mal. Oui, mais pourquoi il y a Jurassic Park en dessous tout petit? Parce c'est bizarre. Qu'il faut bien vendre le film et dire c'est dans la franchise Jurassic Park. Et moi, je me souviens de l'affiche du 2. Jurassic Park 2, dans ces cas-là. L'affiche du 2, c'était plein de feuilles et juste une œil de dinosaure avec quelque chose à survécu. Excellente tagline. Excellente tagline. Tous les films, ils en ont tué aucun dans le 1, mais quelque chose à survécu. Et aussi pour dire que du coup, le 3, s'appelle tristement juste Jurassic Park 3 et là t'as l'impression qu'on passe sur un nanar direct ou DVD En fait ce qui est terrible mais c'est aussi une petite le cas vibe c'est ça. Mais ce qui est aussi le cas du 2 je trouve, ce qui est terrible c'est en plus que les suites ont décidé d'annihiler ces films de l'histoire de c'est fou que Jurassic World existe après Jurassic Park 2 où un dinosaure a tué des dizaines de gens à San Diego mais il y a toujours quelqu'un pour refaire des conneries c'est quand même une grosse connerie enfin bon bref l'argent ils en parlent même pas, c'est ça que je veux dire. C'est vrai, mais Jurassic Park 3 ne parle pas de ça. Jurassic Park 3, alors ça c'est un truc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert ça, ce qui est quand même assez fou. Donc c'est réalisé par Geoff Johnson, donc qui est quand même un très bon réalisateur, qui a fait Rocketeer, qui a fait Captain America First Avenger, qui a fait Jumanji, voilà. Mais c'est écrit par Jim Taylor et Alexander Payne, ce qui est assez fou quand même. Alexander Payne qui a fait Monsieur Schmidt, Nebraska ou Sideways, donc avec ce co-auteur là avec Jim Taylor, donc du cinéma américain très auteur, auteur américain. Et c'est eux qui ont écrit Jurassic Park 3. Donc c'est vrai que c'est un film qui a déjà un boulet au pied, c'est qu'il n'est pas réalisé par Steven Spielberg. Ouais. Est-ce que ça se sent tant que ça? Oui. Un peu quand même. Tu l'as revu toi, Mélissa? Ouais, aussi, j'ai revu juste avant. Et c'est comme ça, vraiment une petite vibe téléfilm quoi. C'est une petite histoire en fait, c'est ça je trouve qui est aussi difficile pour Jurassic Park 3. Mais je trouve qu'ils sont tous insupportables en fait. Ouais. C'est ça, alors, un peu ça aussi, le problème. Ouais. Alors, encore à la rigueur, l'idée de faire revenir, enfin le prétexte pour encore une fois les faire revenir sur l'île, déjà c'est, t'as l'impression que c'est un peu un aveu d'échec de bon bah en fait oui c'est un film Jurassic Park donc en fait forcément on va les faire revenir sur l'île. Enfin, ouais. C'est vrai, ça va être voilà le seul moyen de déclencher l'histoire, ça va être ça. Et dans mes souvenirs du coup je me rappelais plus que Alan Grant on lui a menti en fait. Ça va, dans ma tête il avait fini par céder. Pour revenir sur l'île, mais en fait on lui a menti, donc vraiment bout. Alors pour peut-être pour, parce que les gens l'ont peut-être pas en tête. Park 3, Oui, c'est vrai que je l'ai revu aujourd'hui. Mais justement, en fait, en gros, Alan Grant, donc il est encore en train de faire des fouilles et tout, il a des nouveaux assistants, etc. Et on vient le chercher pour lui dire. Mais il a pas de thunes. Il a zéro thune. Voilà. Et justement, je vais venir sur ce point qui m'a un peu énervé. Non, mais t'as raison. C'est qu'en fait, il y a un gars qui est joué par William H. Macy, que j'aime beaucoup, excellent moustache. Très bon acteur, Fargo. Absolument. Qui lui dit, j'ai besoin d'aller sur cette île. Et en plus, j'ai besoin du meilleur et tout. Il dit, mais non, mais j'ai jamais été sur cette île. Je ne la connais pas. Dit, non, mais venez. C'est sur clavier qu'il le joue d'ailleurs. Ouais. Mais je ne vous connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce beat? Ça, c'est la VF. Et bref, et il lui dit, venez, j'ai besoin de vous, machin. Et c'est là que ça m'a énervé. C'est qu'il a dit, mais combien je dois vous payer. Ouais. Il y va. Ouais. Et alors, dans le 1, c'était cool parce que c'était genre pour financer ses recherches. Là, t'as juste l'impression qu'il a besoin de thunes. Ouais. Et je trouve que ça défonce tout son. Et dans le 1, il n'a jamais vu de dinosaures. Donc en plus, il est fait pour l'argent, mais tu dis, il est quand même un peu excité. Exactement. Et là, je trouve que le fait qu'il accepte la thune, c'est pas que c'est bien ou mal, c'est que ça casse toute son image d'amoureux des dinosaures sous toutes les formes que ce soit. Bien sûr. C'est juste, ok, il y a un job avec de la thune, j'y vais. Bah non, parce que s'il a besoin de la thune pour mener ses recherches. Ouais, mais c'est moins bien dit que dans le 1, tu vois. C'est pas de la thune pour genre se faire une piscine. C'est que là, il fait. Ça fait un peu, on a besoin de thunes. Enfin, je sais pas, ça fait un peu mercenaire. Et du coup, dans l'absolu, ça me dérange pas, mais là, je trouve que ça ressemble pas au perso. Quoi. Moi, je trouve que justement, tu le vois, il est en galère de ouf. Il est avec pas son étudiant, mais son. Oui, bah, second, son fouilleur, quoi. Voilà, ouais. Fouilleur. Ouais, son demi-lune à lui. C'est un peu son demi-lune. C'est ça. C'est, ça. C'est affreux. Donc, Jean-Michel, je sais plus comment il s'appelle. Billy Fouille. Et tu vois qu'ils sont tous les deux en galère. Moi, je me suis juste dit. Purée, mais après tout ce qui t'est arrivé, mon gars, tu vas revenir encore à épousseter les os. Déjà, après, pour sa défense, il croit que c'est juste pour survoler l'île en avion. Ça, et genre, moi, il va leur montrer problème. Ah, regardez sur la droite, il y a ça machin. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est mytho 3000. Mais personne n'y croit. C'est ça, tout le touristique tout... dans le bus c'est ça. De Paris. Mais c'est le problème de tout le premier acte du film. Non, mais c'est ça. Mais tu sais très bien que ça sera pas ça. C'est ça. Et ce que disait Vesper, c'est qu'ils lui ont menti. En fait, c'est pour aller chercher un enfant qui est sur l'île en mode Robinson Crusoe. Oui, là, c'est l'enfant de ce couple-là. Et je l'ai pas dit, mais la femme est jouée par Téa Leoni, qui est un peu absente dans ce film-là, mais qui est une bonne actrice. Et en plus, ils ont pas de thunes. C'est un bon acteur, c'est ça qui est terrible. Oui, en plus ils ont pas de thunes, ils disent ils ont vous payent, en fait ils ont zéro thune. Moi c'est ça parce que j'ai pas compris en fait. Oui, ouais, moi c'est ça que j'ai pas compris dans ce film. Moi je comprends pas pourquoi il y a autant de twists. Il y a autant de ils ont pas de pognon. En fait, c'est pour voir un enfant qui a disparu et en fait, et tu dis mais pour quel intérêt tout ça? Ouais. On va sur l'île. C'est ça, tu dis et pourquoi du coup Sam Neill. Où il dit, en fait, non, je suis pas allé sur cette île. Alors là, t'as vraiment envie de dire, pas de peau. Enfin, tout est assez décevant, quoi. Et en fait, tu passes au deuxième acte avec que des infos décevantes. Et du coup, tu te dis, à la limite, si au début, c'est genre, on va sauver un gosse, et t'as Sam Neill qui dit, allez, maintenant, à la fin du 1, j'avais kiffé les gosses, donc peut-être que. Non, mais que personne n'a pas bougé. Mon souvenir, c'était ça. C'était, évidemment, que s'il y a un truc qui pourrait le faire craquer, entre guillemets, en tant qu'humain, c'est d'aller sauver un autre humain. Non. Et en plus à la fin il y a l'armée. Désolé, je spoil le 3 hein. Mais à la fin il y a l'armée. Donc tu te dis mais pourquoi ne pas avoir dit à des gens il y a un enfant abandonné. L'armée à la fin c'est un... j'ai aucune leçon à donner à Alexander Payne. Mais je trouve que ça fait un peu constat d'échec, quoi, de bah à la fin il y a l'armée parce qu'il faut bien les sauver, quoi. Donc mais c'est pour ça qu'en fait Machina facile. un petit peu, mais c'est pour ça qu'en fait c'est on a l'impression qu'ils cherchent des prétextes et ils tricotent des prétextes parce que le premier casse, donc faut en mettre un autre, faut en mettre un autre, etc. Pour au final c'est on prend des gens, on les met sur l'île, ils sont en galère et ils s'en vont. Ouais. Techniquement c'est le même scénario que le 1, sauf que dans le 1 t'avais la découverte du parc, les persos étaient bien écrits et t'avais pas besoin d'excuses, en fait t'étais content qu'ils soient là, t'avais pas besoin de savoir pourquoi ils étaient là. Et là c'est ok, pourquoi ils sont là, ah non ça colle pas, ok, bon en fait ils vont juste se faire défoncer par des dinosaures, bah dites-le en fait. En fait c'est vraiment, t'as pas besoin, c'est comme dans un film de bagarre, t'as juste envie qu'ils se battent. En fait c'est, je sais pas si c'est aussi le problème, ce que je disais plus tôt, les incohérences quand le film est très bien fait, peut-être plus t'en fous. C'est ça. Mais tout le long tu te dis mais attends, comment ils peuvent, même au début quand ils font du jet ski là, enfin pas du jet ski mais du parapente, c'est comment vous pouvez passer aussi près d'une île où il y a des dinosaures, comment c'est possible que personne ne, parce que pour le coup dans celui-là ils assument le 1 et le 2 au début du film il dit ok, est-ce que vous avez... d'ailleurs c'est une scène très marrante ça, où il dit il fait un question réponse, tout le monde lève la main, il dit alors pas sur Jurassic Park, t'as la moitié des mains, et pas sur le monde perdu, t'as tout le monde qui blesse encore les mains. Mais du coup t'as envie de dire mais comment un avion a le droit de se poser sur cette île? C'est fou que personne ne vienne. Enfin, tu vois. Et c'est... puis c'est vraiment un enchaînement de plein de petites scénettes. C'est pour ça Vesper parlait de téléfilm dans le sens péjoratif du terme. C'est plein de petites scénettes qui s'enchaînent. C'est ok, là il va y avoir. Et puis le dinosaure, on en a pas parlé. Mais excusez-moi, c'est quoi cette gueule? Pardon. Toi, Joe, c'est un film que tu aimes bien. Alors, que c'est tu... un film pour lequel j'ai une petite affection. Ouais. Pour plein de raisons. La première, c'est Joe Johnston, qui est un réalisateur que j'aime bien. Je trouve que alors effectivement, il a pas du tout le génie d'inspiration. Spielberg, mais en fait il a pas le scénar, il a pas le scénar, il a pas le scénar qui va avec. Et, mais en revanche, quand il trousse une scène, je trouve que c'est pour un téléfilm, je trouve que c'est quand même un peu plus. Et surtout, en fait, j'aime bien ce film parce que c'est, j'ai l'impression que c'est une attraction en fait. Donc, tu vois, c'est même la manière justement dont dont les petits passages, les scènes s'enchaînent et tout, t'as vraiment l'impression d'être dans un train et d'être à Universal Studios et de voir une attraction ultra friquée Jurassic Park. Donc c'est pas dingue. Plus cher que les deux autres d'ailleurs. Alors il y a l'inflation, il y a plein de choses, mais le film a coûté plus cher que l'un et deux. Parce qu'en fait il y a un peu une sorte de débauche de d'effets spéciaux, d'animatronique, de tout ce que tu veux. C'est moins bien vieilli que ce deux. C'est encore le film qui raconte pas grand chose en fait. Et que donc plutôt que de te concentrer sur les personnages, sur ce qui se passe, tu regardes trop les... Mais c'est comme dans un parc d'attractions, en fait, où pour que tu arrives à t'immerger dans une attraction et que tu vois pas les automates ou les trucs comme ça, il faut que ce soit vraiment très très fort. Et je trouve que Jurassic Park 3, c'est un peu ça. Enfin, il y a ce côté un peu... un peu parc d'attractions que j'aime bien, en fait. C'est vraiment pas un grand film. C'est ça, c'est pas un mauvais film de dinosaures, c'est pas un bon film Jurassic Park. Non, mais c'est pas un mauvais film de dinosaures. Il y a quand même des scènes sympas. Moi, la volière, je l'aime toujours autant. Ouais, mais c'est parce qu'on est content de voir des trucs volants. Mais c'est difficile. Et en plus, c'était la petite frustration de tout le monde dans le 1 et le 2. C'est-à-dire, on voit jamais les. Parce que c'est une tannée de l'expliquer, mais on voit jamais les dinosaures, les ptérodactyles, les machins. Et là, on les voit enfin. Voilà, pareil, moi j'adore. Je les adore, donc j'avais hâte de les voir. Surtout, quand t'es petit, tu crois que les ptérodactyles c'est des pélicans de la préhistoire. Ouais, l'attaque vénère. Et puis tu te rends pas compte de la taille aussi, t'as l'impression que c'est des petits dinosaures, alors en fait ils sont gigantesques. Ça c'était sympa, et j'ai quand même gardé la sonnerie de téléphone pendant ce temps-là. Ouais, j'ai d'accord. Yes. Excellente idée! Le téléphone qui sonne dans le ventre du. Parce qu'il s'est fait bouffer. Parce que c'est le premier. C'est carrément ok. Et qui l'utilise tout le film. Ouais. Ça devient un running gag. Alors en fait, je hais les gens qui sont pas sur vibreur, mais après. T'as vu la gueule du téléphone? Imagine si ça vibre. Alors évidemment, c'est un peu comme le cheeseburger, le Big Mac. À un moment, t'es là, genre bon. Mais l'idée est ludique en fait. C'est ludique. Moi j'aime beaucoup la scène du spinosaure dans le bateau quand il tire une fusée prend feu. C'est une scène ultra impressionnante encore aujourd'hui, je trouve, dans Jurassic Park 3. Parce que je parlais tout à l'heure de la maestria de Spielberg pour filmer les dinosaures en animatronique. C'est, je trouve, là où le bas blesse un petit peu sur celui-ci, c'est qu'en fait je trouve, et en même temps c'est difficile, c'est le troisième, mais il n'iconise pas tant que ça les dinosaures, sauf dans cette scène et dans la volière. Ouais. Effectivement, dans la volière, il y a tout un truc avec la fumée, dans le truc, dans le spinosaure, dans la flotte, il y a tout un truc avec les flammes et tout. Mais sinon, je trouve que les dinosaures ne sont pas très iconisés. T'as des espèces de gros plans. Ils sont pas beaux, enfin, c'est pas très. C'est ça. La première fois que tu vois le T-Rex, quand il lève la tête, il y a vraiment un plan moyen d'un T-Rex où tu te dis putain, on l'a vu dans deux films méga. C'est le T-Rex quoi. Ouais. Et en plus, il y a l'idée qui, moi, je trouve est débile et qui va être reprise dans tous les Jurassic World pour dire hey, c'est plus gros, plus fort, plus machin, c'est il tue le T-Rex avec le spinosaure, qui est en fait une idée ultra déceptive en fait. C'est-à-dire que ça n'a, je pense que l'effet, c'est très malin sur le papier, c'est de dire ok, on va montrer qu'il y a un dinosaure plus fort que le T-Rex. Ceci mais en dit, fait c'est l'équivalent de tuer Michael Myers dans un Halloween au milieu du film. Tu dis bah du coup ceci dit, dans les trois suivants qui sont pas défendables pas autant, bah le T-Rex finit toujours par se venger et être le gagnant à la fin. C'est un peu Rocky. Iconique, voilà, c'est Rocky. Le problème, c'est ça, c'est plutôt cool. Oui, c'est que ça en est ridicule. Il en est devenu gentil, quoi. Mais oui, mais non, un peu, c'est vrai. Tout un peu gentil. Jurassic, c'est le quoi. D'accord, good guy T-Rex, quoi. C'est, à la limite, c'est ce qui a gardé Jurassic Park 3 de la leçon Spielberg. C'est de les dinosaures restent des animaux. C'est-à-dire que les dinosaures sont quand même des bestioles et tu peux te faire attaquer comme tu peux ne pas te faire attaquer, même si c'est de mémoire la première fois. Avec l'espèce de fossile qui est la corde vocale du vélociraptor. Il fait de la flûte de porc. Imprimé avec une imprimante 3D du futur, quand même. Incroyable. Un visionnaire. Hein. 10 ans d'avance. c'est la première fois qu'il y a un mini, pas dressage, mais il y a un mini truc où les dinosaures, ils peuvent être gentils. C'est-à-dire que quand tu rends les os et que tu souffles dans la peau à dinosaure, les vélociraptors ne t'attaquent pas tout de suite, etc. etc. C'est ça qui va être mille fois repris. Le début de la fin. Début de la fin, oui, mais c'est vrai que si je dois donner un point positif aux trois, j'ai bien aimé d'explorer cet aspect de dire finalement, c'est pas que des bêtes sanguinaires, ils chassent, bon, ils chassent en meute, ils le faisaient déjà, mais en fait, ils nous poursuivent parce qu'on leur a volé un œuf. Enfin, tu vois, c'était un peu différent. Ça me déçoit, toi, t'aimes pas ça, toi? Moi, je trouve que, mais c'est comme dans les films d'horreur, quand tu commences à expliquer, je trouve que tu perds la peur, quoi. Enfin, c'est d'un coup, tu dis mais c'est parce que j'avais pas peur de base. voilà, non, mais c'est ça. Ah, t'as pas peur des raptors, toi? Non, mais dans le 3, je veux dire, dans le 3. Non, mais je comprends. Quand il y a un truc où tu dis, mais en fait, les raptors, ils protègent leur bébé, je trouve qu'il y a un truc très gentillet. Okay. En plus, malheureusement, c'est là où c'est rigolo. C'est que moi, Jurassic Park, quand le 3, je le vois, j'ai 10, 11 piges. Mmh. Donc ça y est, jeune tu ado. Tu veux du sang. Ça y est, il y a un truc de. Oh, bah super. Ah, bon, d'accord. Ils sont gentils. Oh, l'enfant, il survit sur l'île. Bon, d'accord. Bouffon. Faut savoir que ça, c'est une. D'ailleurs, c'était une idée de Spielberg. T'aurais dû être youtubeur à l'époque. Ouais. Ah, bah, alors là, c'est n'importe quoi, excuse-moi. Là, t'en aurais vu de la figurine pop, du t-shirt Rick and Morty. Là, t'aurais pu te servir. Non, mais il y a ce truc. C'est une idée de Spielberg à la base. L'idée de Spielberg sur le 3, c'était que ce soit Sam Neill qui vive sur l'île avec les dinosaures et qui vivent un peu au loin dans une espèce de cabane en hauteur. En mode Robinson Crusoe, en mode de toute façon mes fouilles ne marchent plus, donc maintenant je vis en autarcie avec les dinosaures du côté des herbivores, etc., etc. Donc le truc n'était pas gardé parce que les scénaristes et Joe Johnson estimaient que Sam Neill c'était pas le perso qui pouvait. Enfin, il en a tellement chié dans le 1 qu'il trouvait que c'était pas logique qu'il fasse ça. Et donc du coup ils l'ont transposé sur le gamin, tu vois, le gamin qui vraiment le 3 est quand même le gamin, il a tout fait, c'est un gamin de riche, le gamin là, il a 48 ans, il a fait 10 comment il peut être aussi débrouillé. Ah non, ils sont pas riches, c'est vrai. Et en plus, bon, bref, et en plus au bout de 10 secondes il se fait capturer par un ptérodactyle. Tu dis bon, putain, il est pas très bon en sauvetage. Mais ce que tu dis sur Sam Neill, ils en remettent une couche limite, parce qu'à un moment il lui explique, il dit il y a une différence entre astronaute et astronome, il y a ceux qui restent dans un bureau pour checker et ceux qui vont sur le terrain. Donc c'est vraiment non Sam Neill, ta gueule, reste dans ton bureau. Enfin, c'est pas, tu vois, mais après bon, c'est un anti-héros donc ça marche je l'ai revu moi il y a pas longtemps, Jurassic Park 3, il est quand même assez vénère, hein. Il y a une mort d'un des pilotes par un vélociraptor où il y a vraiment une griffe dans le dos ou dans la nuque. Et vraiment, le truc est un peu pervers, il lui arrache la tête, enfin il lui le dénuque à moitié. Oui, puis il y a aussi quand il décolle avec l'avion, il y a un dinosaure qui le croque, et en fait il y a du sang sur le pare-brise, giclée de sang, tu fais bon bah. Ah ouais, non, il est bien vénère. Mais sur le début, après il n'y a plus rien. Mais un peu gratos. Pendant une heure, plus personne ne meurt. Beaucoup de blagues après. Mais c'est pas le meilleur. Il y a quand même 2-3 trucs que je me suis noté. Il y a quand même cette scène qui est assez folle et on finira, je pense, sur ça sans vouloir nous moquer de Jurassic Park 3. Mais c'est la scène Alan. De Alan, c'est le rêve quand il est dans l'avion et qui se réveille et où tout le monde est mort dans l'avion. Il se retourne et il y a un vélociraptor qui fait Alan. Et ça, c'est quand même une très mauvaise idée. Ouais. Et c'est tellement pas dans moi, le. Moi, je pense qu'il aurait fallu aller au bout et qu'il y ait une scène de cul. Ouais, ou les dinosaures, mais qu'il y ait que des dinosaures. Bah oui, dinosaures dans pilote l'avion. Le pilote avec un cigare et tout ça. Il y a un humain géant qui marche. Mais sans Jurassic Park. Pas de hashtag dinosaure porn. C'est un hashtag qui existe, ça. Ah bon? Ah bah oui, c'est un hashtag qui existe. Ah bah, tu vois, j'aurais dit dino porn perso, mais après, mais chacun. Ou, et c'est quoi dinosaure porn, ça veut dire? Bah, c'est du porn avec des dinosaures. Ah, mais cela dit, c'est ça. Hein, cela dit, j'ai vu. C'est pas vu, il y a une jaquette qui a tourné il y a pas longtemps. C'est moi qui l'ai balancé. En fait, en gros, je matais Jurassic Park, je sais plus combien, le 4 ou le 5 pour aller voir le dernier au cinéma. Et du coup, je me suis dit. Mais il y a forcément une version cul. Et j'ai regardé, la jaquette est horrible. Une meuf qui est maquillée, qui plus elle a des prothèses en mode, elle a une queue de dinosaure, des grosses cuisses de dinosaure, c'est très bizarre. Mais il y a même des costumes de dinosaure. Universal avait commercialisé. Pas, pas sexuel. Ah non, pas sexuel, mais, ah, non. Mais du coup, ridicule. Ouais, enfin, ouais. C'est genre, t'as une vieille tête de T-Rex, genre un costume d'humain. Enfin, c'est très, très étrange, bizarre, tu vois, ça marche bizarre. Pas du tout. Oui, non. Sauf si tu veux refaire cette scène du 3. Si tu veux faire Alan. Alors avant de passer au Jurassic World, il faut savoir qu'il y a eu plein d'idées folles pour faire un Jurassic Park 4. Une des idées date de 2004, c'était écrit par John Sayle, c'est un scénariste qui a écrit Hurlement de Joe Dante et des années plus tard les Chroniques de Spider-Week, c'est le genre de film où on a tous vu l'affiche, la jaquette, mais qu'on n'a pas vu le film. L'idée du film était de mettre en scène une compagnie rivale d'InGen, celle qui est derrière Jurassic Park, qui aurait inventé de nouvelles races de dinosaures, comme quoi. Celle-ci aurait ainsi contenu de l'ADN de dino, de l'ADN humain et de l'ADN de chien. C'est horrible. Ces nouveaux modèles auraient ainsi pu utiliser une arme à feu et tirer, par exemple. Alors, faut savoir qu'il y a des images qui existent de ça. Et c'est vraiment des humains. Mi-humain, mi-arme, mi-robot, mi-dino. Avec des dents, avec tu vois, j'avais pas cette info et je m'étais dit, en ayant vu les 6, je m'étais dit, putain, mais personne n'a testé de mixer avec des humains. Bah, en fait, ils ont bien fait de pas le faire. Non, mais bah, c'est vraiment. Y a pas ça dans Super Mario Bros. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Non, mais même le lézard dans Spider-Man, ça fait un peu un mec dino, un peu. Ouais, non, mais là, vraiment, c'est affreux. Ah oui, c'est horrible. Affreux. Ouais, cela dit, franchement, c'est un petit côté. Mais pareil, en fait, c'est que c'est pas Jurassic Park. C'est-à-dire qu'il y a des films sur des dinosaures mutants, mais ça ne dit pas que c'est Jurassic Park. Vélocipastor. Parce que stress, oui, voilà. C'est un vrai film. Hein. Ah merde, film. Avec un curé. Ouais. Ah, très bien. Que j'ai pas vu encore, mais que je dois voir. Vélocipastor. Qui est sur Prime à skip. Je vais mater ça en rentrant. C'est souvent sur Prime, ces trucs-là. Ça finit souvent sur Prime. Mais oui, et même j'avais vu des trucs sur les dinosaures qui sont utilisés comme pour par l'armée. Et déjà à l'époque, je trouvais que c'était. Mais pour moi, c'est tellement pas une histoire d'armée militaire. Alors ça dépend. Pourquoi? Parce que, encore une fois, après avoir vu les 6 où je me dis putain, ils ont pas fait ça. On parlait de Dino Riders avec Joe tout à l'heure. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Ouais, mais alors, j'aime pas le côté militarisé et tout ça, les animaux et tout. Mais voir des dinosaures avec des lasers, franchement, bah c'est pas Jurassic Park. Ah non, c'est pas Jurassic Park. C'est pas Jurassic Park. Faites pas un film Dino Riders. J'y vais demain. Je veux bien, mais j'aurais peut-être préféré ça que les Jurassic World, tu vois. Je sais pas. Justement, tu m'offres transition. Pas, en fait, alors bah ouais, vas-y. Tu m'offres une transition à parler de Jurassic World. Je pense que Jurassic World, on va y venir, hein, mais loupe ce qu'on voulait, quoi. C'est-à-dire, en fait, je pense que ce dont tu parles, c'est-à-dire pas de l'armée, pas tout ça, c'est genre, en fait, la suite logique des trois Jurassic Park, c'est il y a des dinosaures partout, en fait. Et comment on se démerde dans un film apocalyptique où les dinosaures sont revenus, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une première partie dans Jurassic World qui est réussi, c'est-à-dire on voit le parc. C'est-à-dire qu'on voit vraiment c'est un parc. C'est pour ça que je pensais que t'allais dire la suite logique, c'est l'ouverture du parc. Non, mais effectivement, ça tient. Moi, j'avoue que. Alors, vous savez, j'adore égrainer des petites histoires perso. Jurassic World est le premier film que j'ai vu au cinéma avec ma meuf. Mère de mon enfant, etc. Comme quoi, ça peut donner des choses bien. Faut jamais miser sur ce premier film. Et c'est le premier film qu'on a vu au cinéma, elle et moi. Et à la fin, c'était genre bon, bah c'était pas ouf. mais je me souviens, elle a kiffé, elle a posé te le dire, et du coup c'est comme non, ça. Non, alors elle m'a dit que elle a découvert mon rire sur aigu assez agressif lors de cette séance de cinéma où j'ai eu un ou deux. Tu vois, genre parce qu'il y a des dinosaures qui mangent des gens. De joie. Oui, des rires de kiff d'enfant. Parce que même si on va dire sûrement du mal de la trilogie Jurassic World, c'est des dinosaures. Donc moi, quand même un truc qui marche toujours avec des dinosaures. Et moi, le World, je ne le déteste pas. En fait, le Jurassic World, je l'aime pas, mais parce que j'en attendais quelque chose, mine de rien. Là où je préfère Jurassic World Fallen Kingdom, parce que j'en attendais rien. Aujourd'hui, je trouve que c'est un meilleur film. On y viendra tout à l'heure. Mais Jurassic World, moi, effectivement, j'aime beaucoup qu'il y ait un Starbucks, il y a plein d'idées. Je trouve que l'idée géniale de Jurassic World, à mon sens, c'est de montrer à quel point l'idée de John Hammond était débile sur le papier direct en fait, et de voir des enfants qui font du poney sur des bébés dinosaures, ça, je suis d'accord. De voir Jimmy Fallon qui explique, il y a un truc très absurde autour de ça que je trouve du coup assez brillant. Le problème que j'ai, et c'est le problème que j'aurais surtout, c'est que je trouve que c'est un peu trop un film de petit malin qui dit un petit peu trop genre. Mais tu penses que c'est ça, s'il y a un message vraiment cynique sur ça, tu... Je sais pas si le film est cynique, parce que je pense vraiment que c'est des gens qui aiment Jurassic Park, mais ça veut un peu trop dire j'ai compris ce que critiquait Jurassic Park, et du coup c'est perso, je dis pas du tout que c'est ce qu'ils ont voulu faire, non, mais c'est pour ça que je me pose la question. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai comme sentiment, c'est un truc qu'ils sont fiers d'eux en fait, tu vois. Il y a ce personnage assez insupportable du fan du 1 en gros, qui est le mec qui a le t-shirt de Jurassic Park et qui arrête pas de dire de toute façon Jurassic World c'est nul, moi ce que j'aime c'est Jurassic Park. Et il y a deux trois trucs où dans le film tu te dis ça c'est un peu gros sabot. Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, où pour moi un film doit d'abord être un grand spectacle et ensuite tu mets les messages que tu veux, les trucs un peu malins. Là sur celui-là, moi ce qui m'a gêné, c'est l'inverse, c'est que je vois un petit peu trop, alors que la première partie ça marchait super pour moi, je trouvais ça génial, le côté parc d'attraction, le côté comme au Marineland, t'as le dinosaure qui éclabousse les gens, enfin tu vois, j'avais un truc de ça descend, j'ai hâte que j'étais vraiment genre j'ai hâte que tout parte en couille, ça va être trop bien. Et comme très souvent dans cette trilogie, quand j'attends que tout parte en couille, je suis assez déçu. Ben, Jurassic World 1, tu l'as vu au cinéma? Qu'est-ce que t'en attendais? Je ne me souviens pas. Ah, c'est rigolo. J'ai aucun souvenir. Enfin, j'ai pas de souvenir du. T'avais pas de date. Est-ce que tu attendais ce film? Est-ce que au moins tu. Est-ce que tu étais défiant? En fait, je pense que je l'attendais pas, parce qu'effectivement, le 3, j'en avais un très mauvais souvenir. Il y avait un côté renouveau, il y avait quand même une espèce de promesse. Effectivement, c'était genre, ok, les gars, ils rebootent le truc d'une certaine manière, donc ils vont repartir aux origines, ils vont essayer de reprendre. Et en fait. Oui, j'attendais forcément des choses. Ce qui m'a saoulé vraiment dès le départ, c'est... Mais enfin, après, j'ai pas la réponse. Peut-être que c'est parce qu'il faut choper, entre guillemets, les jeunes de maintenant en refaisant exactement la même recette. Mais c'est genre, ok, donc on avait Grant qui aimait pas les enfants et qui il faisait son propre business. Là, t'as Bryce Dallas Howard qui est ses business. Elle a pas d'enfants et puis elle va avoir ses neveux dans ses pattes. C'est la même chose. Pourquoi vous... Enfin, ça sert à rien. Refaites pas exactement la même chose. Tu vois, c'est chiant. Alors, c'est pas exactement, mais en tout cas, sur ce personnage, c'est la même chose. Ouais. Et en même temps, Chris Pratt, c'est un peu Sam Neill aussi qui dresse les dinosaures. Et les militaires sont un peu là avec Vincent D'Onofrio. Enfin, c'est refaites la même chose. Les militaires arrivent assez tard dans mes souvenirs. Ouais, ils sont pas tous. Enfin, on sait truc. Pas trop. Ouais, c'est un peu quand un espèce ça de manque twist. Un peu de méchant. Ouais, voilà, et en fait, on voulait en faire ça pour faire des militaires. Alors, tu touches un peu du doigt. Je vais vous demander à chacun ce que vous pensez du film. Mais moi, un truc qui m'a pas séduit, parce qu'en plus je trouve que c'est mal comprendre en tout cas je suis pas sensible à ce qu'ils pensent du public qui prend d'aujourd'hui. Des pincettes celui-ci parce qu'encore une fois je comprends. C'est tellement dur de faire, moi aujourd'hui je pense que si les gens enchaînent les hors-série, ils s'en rendront compte. Maintenant je me rends compte à quel point c'est dur de faire des trucs, de faire des films, de faire des séries, de faire des bordels. On crache pas sur une personne en particulier, mais je suis pas du tout en train de dire c'est le résultat qu'on juge, mais du coup maintenant c'est vrai que j'ai tendance à mettre des pincettes, mais ça n'empêche pas que j'aime pas Jurassic World, je trouve pas que c'est un bon film. C'est ce truc de croire qu'il faut des j'aime pas du tout le concept de les gens sont lassés des dinosaures et donc maintenant il faut des dinosaures mutants. Je pense que c'est la pire chose du film. Je crois que le spectacle, enfin jamais le public a dit on veut plus quand on achète des places de film. Mais d'autant qu'en plus je suis pas d'accord. Pour moi c'est renier en plus ce qui différencie un Jurassic Park d'un film de monstres qui ne peuvent pas exister. C'est-à-dire mais que c'est ça, Jurassic c'est ça. Park, même si évidemment c'est de la science-fiction parce que ça ramène les dinosaures à notre époque. Oui, mais il y a un truc de la vraie vie dedans. En fait, en fait, je trouve que le premier de Spielberg, c'est la jonction parfaite entre le cinéma réaliste, si tu veux, et le cinéma d'effets spéciaux à grand spectacle, mais qui mine de rien te présente un truc qui pourrait être plausible et qui de toute façon te montre des animaux qui ont marché sur cette terre. Et effectivement le fait de vouloir impérativement faire plus gros, plus fort avec des dinosaures mutants, pour moi c'est un peu une sorte de négation de ça, et ça rend la saga Jurassic World beaucoup moins forte à mes yeux, parce que on tombe dans le film de monstres pas très bien fait en plus, parce que j'adore les films de monstres, mais en plus avec c'est ce même côté pas des nouveaux monstres, c'est des dinosaures, c'est toujours ce truc, c'est des dinosaures mutants, quoi. Il y a un peu ce truc, c'est comme les films où tu dis alors c'est dans l'espace et il y a des dinosaures, il y a aussi des cowboys, tu sais, il y a vraiment un truc de chantilly sur des nuggets où tu dis non mais là c'est bon, j'en ai. C'est exactement ça. Je crois que c'est même pas genre les dinosaures sont roses et du coup ils ont des trucs incroyables, c'est genre les mêmes que ceux qu'on a, mais plus violents et plus méchants, plus gros et pas très beau, quoi. Mais ça reste, ça ressemble quand même à des dinosaures. Non, puis c'est vraiment genre, alors c'est quoi les dinosaures préférés de 90% du public? Bah ils adorent le T-Rex, ils adorent les raptors. Bon, faites un dinosaure qui ressemble aux deux. Un gros raptor noir. Et puis il y a on lui met du sang de je sais plus quoi pour qu'il devienne invisible. Oui, alors ça. Enfin, c'est quand même prédateur, mon vieux. Qui veut un animal invisible dans un zoo? C'est prédateur. Mais ça, je crois qu'ils ont pas fait exprès. Enfin, ils ont pas, ils ont fait, oh merde, c'est vrai, on a mis ça. Mais alors pour rejoindre ce que dit Joe, c'est vrai que peut-être que du coup ça va te pair avec l'analyse que tu faisais en disant c'est des petits malins. Peut-être qu'ils se sont dit des petits malins, ils sont intelligents, pas les petits lapins. Peut-être qu'ils se sont dit ah ouais, on va critiquer la société de consommation qui veut de toujours encore plus. Peut-être, tu vois. Mais si c'est même que ce soit ça ou pas, très cynique. Je suis d'accord. Moi ça me plaît pas. Moi c'est ça qui me vénère. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Joe, limite s'ils avaient foutu un dinosaure. Tu vois, je vais pas aller vérifier sur Wikipédia si le dinosaure il existe quand on me dit un nouveau nom. Mmh. S'ils avaient mis un truc qui existe pas en l'appelant un peu d'un nom stylé, sans dire que c'était créé par l'homme, je prends. En me disant, ok, ça existait. Et tu vois, j'aurais préféré ça. Même si après je m'étais dit ah ouais en fait il n'existe pas, pas grave. Là dans le scénario en fait, dans le scénario il crée un nouveau dinosaure et c'est ça qui est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout qu'il y a un truc dans le Jurassic World où il y a plein de nouvelles idées. C'est-à-dire que ils te disent alors donc maintenant il y a des dinosaures qu'on a créés, maintenant on peut les dresser. Ouais. Maintenant et du coup tu dis mais maintenant il y a le vrai parc. Du coup tu dis mais vous auriez pu vous limiter à juste maintenant on peut les dresser. Le méchant, enfin le méchant, ça reste le T-Rex disons et en il fait est impressable. Et t'as quand même un film ultra impressionnant quoi. Bien sûr. Et il y a cette espèce de truc de vouloir en mettre trop. Et alors je passe, enfin moi j'ai un vrai problème avec les personnages aussi que je trouve vraiment antipathiques. On parlera pas du fait qu'ils sont pas consistants en plus sur la saga, c'est-à-dire que le personnage de Bryce Dallas Howard, c'est ça n'a, enfin entre elle a pas de, qui elle est dans Jurassic World 1 et le 3, tu dis mais c'est 14 persos différents, bon bref. Et Chris Pratt ou alors moi sur le papier, j'étais pas contre le on peut dresser des dinosaures. J'étais un beauf quand j'ai vu le teaser et qu'ils font de la moto avec des vélociraptors. J'étais pas contre. Je suis un peu un beauf. Écoute, j'avais même le poster chez moi. Voilà. De Chris. Moi, le principe de. Il y avait l'affiche, c'était Chris Pratt. Donc, on est post-gardien de la galaxie, Parks and Rec. On savait pas encore et que c'était une grosse. Trump. Voilà. On savait pas encore que c'était une grosse merde. Donc, j'étais amoureuse de Chris Pratt. Tu mets Chris Pratt avec des raptors à moto. Il y avait un truc de la bande-annonce où tu t'es dit, OK, ils ont lâché les chevaux. Pourquoi pas? C'est tellement con que ça peut être. Mais même le dressage, en fait, au final, tu dis on peut dresser certains animaux qui existent, donc c'est un long shot. Dans mais le ça 1, peut. Ça, dans le 1, ça fonctionnouille au début. C'est-à-dire que le truc de je mets la main et je donne des trucs, moi je pouvais l'acheter. Bon, oui, après, il n'y avait pas les lasers. Dès le 1, il y a un truc où le vélociraptor s'approche de lui, il va pour l'attaquer, il lui touche le museau. Il lui touche le museau. Il y a le méchant dinosaure Indominus Rex qui arrive. Vraiment, le vélociraptor fait un double take, c'est-à-dire qu'il regarde le méchant dino. Il regarde Chris Pratt. Chris Pratt lui fait oui de la tête. Et le vélociraptor. Pour moi, c'est le truc qui me va pas du tout avec Jurassic World. Encore une fois, à titre perso, c'est que ce ne sont plus des animaux, ce sont des personnages. À partir du moment où même le vélociraptor. C'est ça. À partir du moment où le vélociraptor a un prénom et devient le pote de Chris Pratt, moi, je suis dans un film qui n'est plus un film où je peux avoir peur d'un dinosaure, où je peux être en stress pour les personnages, où je peux. J'en ai mais tu plus peux vendre le foutre. Jouet par contre. Oui, ouais. Mais en plus, même pas, parce que je trouve que leur campagne promo est beaucoup moins vénère que quand on était nous. Oui, c'est moins jeune. Stylé en plus. Ouais, non, c'est ça, ils en font pas tant que ça. Donc moi j'ai un vrai souci avec ça. Toi Vesper, quand t'es allé voir le film, t'étais dans quelle optique? J'étais hypé. J'étais hypé de dingue et le début. Même si quand il y avait la musique de John Williams, j'ai un peu soufflé du nez parce que ça fait un peu aveu d'échec. C'est comme quand du coup dans Star Wars on te met le thème de la Force 18 fois après dans les récents. C'est non mais on sait que c'est bon. Mais donc, ça marche toujours. Mais le début quand même, l'ouverture du parc, je kiffe. Comme tu dis, le Starbucks, les petits. Oui parce qu'on a jamais vu ça. On a jamais vu. Je vois, ils se baladent dans les grosses boules et tout. Et le Marineland un peu vénère. Moi c'est oui direct. Et le dinosaure marin qu'on attendait aussi, on n'avait jamais vu, ça fait plaisir de le voir. Et je le trouve super stylé aussi. Ils l'ont mis dans les trois. Je le trouve plus stylé dans le 2D. Mais voilà, donc ça je kiffe. Et en fait, c'est au fur et à mesure, ça descend. C'est vraiment, c'est un peu la dégringolade. Bryce Dallas Howard, c'est un peu compliqué, enfin zéro consistance et tout. En fait, elle n'est pas assumée, ça aurait pu être un grand méchant génial. Elle aurait pu être une connasse jusqu'à la fin. Mais en fait, elle shift assez vite. Chris Pratt, qui dit littéralement dans le film, je suis le mal alpha des Raptors, moi j'avais envie de rage quit. Enfin, tu n'es le mal alpha de rien, frère. Ouais. Tu es peut-être le mal alpha du petit là, qui a 14 ans, le petit ado là, qui a envie de serrer. Ouais. Mais eux, ils sont terribles aussi, les enfants. Ouais. Les enfants, mais ils sont. T'as envie qu'ils meurent en fait. T'es le mal alpha de rien, ouais. Déjà. Donc les gamins, ouais, t'as vraiment envie qu'ils meurent. Mais bon, après, ouais. Moi j'ai souvent envie que les gamins meurent dans les tirs. C'est son côté Alan Grant. Vincent D'Onofrio, il est ok. Il est peu là, mais il est ok. Bah, il personnalise une idée de merde. Donc, oui, mais il le joue bien. Voilà. Ouais. C'est un méchant. Oui. C'est un méchant. Ouais. Donc ça, c'est compliqué aussi. Et comme tu dis, c'est vraiment moi le côté cynique qui me saoule en mode ouais, non, mais nous on a compris la demande des gens parce que. Vous savez, les spectateurs, c'est un peu des connards. Ils veulent ils se lassent des trucs, donc il leur faut plus gros. Donc du coup, dans notre parc, on va inventer des nouveaux dinos qui justifient le fait que dans notre film, on invente des nouveaux dinos. Enfin, et ça, c'était trop. C'était vraiment Je trouve qu'ils ont tort, en fait. Ça qui est bizarre. Je trouve qu'ils ont tort. Je crois vraiment. J'arrive pas. Je sais que t'es pas vraiment d'accord. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient tort dans le sens où. Enfin, oui, quand il y a une suite de films qui sort, par définition, les gens veulent deux fois plus d'action. Regarde The Batman, tu vois, je parle d'un peu d'autre chose, mais quand il y a The Batman qui sort, les gens sont pas dans un truc, oh, on veut plus de méchants. Ouais, mais c'est pas plus... la suite directe. Enfin, tu vois, c'est bon. Mais... Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait Tout est une question en plus de comment tu le vends, ton truc. C'est-à-dire que tu peux garder des dinosaures qui existent, qui sont déjà présents dans les autres films, mais... Les magnifier ou faire en sorte qu'ils redeviennent impressionnants. D'autant plus que là, en plus, il y en a beaucoup des dinosaures. Il y en a beaucoup. Rien qu'avec le dinosaure marin, il y avait moyen de faire choses. Oui, tu pouvais faire deux fois plus gros. Qui ne sont que. Parce qu'en plus, le dinosaure marin, c'est pas un dinosaure inventé, c'est un mésosaure. Ouais. Il existait, quoi. Donc, il y avait tellement de... Pardon, je vais en arriver à mon avis sur le film avant que tu aies terminé. Je suis désolé. Non, mais justement, t'avais peut-être fait, encore oui. des trucs à dire. Mais, pardon. Effectivement, non, mais je suis d'accord avec toi pour cette idée. Je sens que je m'emporte, alors je m'arrête. Non, mais c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi. Justement, c'est cette idée de se dire non, mais comme les spectateurs veulent deux fois plus, nous-mêmes, on va justifier notre mytho. Mais c'est pire, en fait. Comme on pense qu'on est sûr que les spectateurs pensent ça, mais t'en sais rien, en fait. T'as fait quoi ? T'as fait une étude de marché. Mais c'est surtout que dans l'absolu, je veux bien. C'est-à-dire toujours plus de spectacles, toujours plus d'explosions. Mais là, quelle est la référence de ce public, justement ? Si c'est les jeunes, est-ce qu'ils ont vu les Jurassic Park d'avant, oui ou pas ? Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils voudront plus de dinos, plus gros, plus forts. Je suis au regret de te dire que, du coup, j'en ai parlé avec des potes qui avaient des jeunes dans leur entourage, parce que ça ne m'arrive plus, je n'ai pas de jeunes dans mon entourage, qui préfèrent Jurassic World et Jurassic Park, parce que dans Jurassic Park, il ne se passe pas grand-chose. Ah, ils préfèrent reprendre leur terme. Ah non, ils préfèrent Jurassic World. Ouais. Ah. Parce qu'il y a plus d'action. Ça, oui, il y a assez peu de dinosaures. Non, mais il y a assez peu de dinosaures dans Jurassic Park. Mais du temps arrivé. Que là, du coup, c'est. La surenchère. Et donc, et vraiment. Mais peut-être que quand ils grandiront, ces enfants-là, ils. Mais peut-être. A posteriori, ils diront. Et comme j'en parlais tout à l'heure, vraiment, les moments où j'ai failli rage quit, c'est vraiment les coups de coude dans les yeux du premier. Ah oui, tiens, on est perdu, on tombe sur la Jeep. Ah tiens, c'est même les lunettes. Après, l'autre pièce, c'est la banderole. Enfin, après, c'est bon, on a compris. Enfin, tu vois, rien ça, que le fait que le dans le dernier, parc... c'est fou, ça aussi. C'est un musée. Rien que le fait que le parc dernier, existe, c'est bon. Enfin, on a déjà compris, c'est de nouveau sur la même île. Enfin, stop, quoi. S'il y a un truc que j'ai bien aimé, qui me fait sourire, c'est effectivement le mec qui est fan de Jurassic Park. Ah ouais, d'accord, ok. Et... le fait qu'on lui dise ton t-shirt est de mauvais goût, des gens sont morts. Voilà. Ça me fait rire. Je le justifie pas du tout parce que ça m'a énervé aussi, mais je pense que ça, c'est la mode et le goût des gens pour les easter eggs et pour les clins d'œil. Ouais, les gens ça, de notre génération, même, je veux dire. Ça, c'est même pas digne d'un article BuzzFeed, genre des clins d'œil que t'as raté, tu vois. Là, c'est vraiment. Watchmojo.com, c'est pas Ready Player One. Non, je suis d'accord, c'est méga, c'est une chose pied de ouf. Là, c'est vraiment. Ah, tu te rappelles, t'avais bien aimé. Bah, je sais, si je serais pas là, j'avais pas aimé, je serais pas là en fait. Donc. T'as dit ça dans le ciné, t'as gueulé. Je sais, ok. Non, mais vraiment, c'est ces moments-là qui m'ont. Mais vénère. Ouais, c'est ta sortie vénère, en plus. Vénère. Parce qu'en plus, moi, j'aime bien le méta de Jurassic Park parce qu'il est fin, quoi. Là, c'est vraiment. Ah, bah, c'est sûr que c'est pas les deux ceintures femelles qui se ferment. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, oui, alors, Joe, toi, le film. Est-ce que tu l'attendais déjà, ce film ? Un peu. Ouais. un peu pas tant j'avais, en fait j'étais très défiant, je l'attendais mais j'étais vraiment sur mes gardes. Okay. Et j'avais un peu envie, je t'avoue, de savoir ce que Colin Trevorrow avait dans le bide. Moi je connaissais pas, hein, j'avoue, j'avais vu aucun de ses films, mais moi non plus, je le connaissais pas, et puis on en parlait pour Star Wars, j'étais là alors mec, je sais pas d'où tu sors, je sais pas ce que t'as fait, là t'es sur Jurassic Park, on parle de ton nom pour Star Wars, donc j'aimerais bien juger sur pièce. Ouais. Donc en fait j'attendais son film, pas le couteau entre les dents, mais un peu genre bon, on va voir, tu oui, vois. Parce que Hollywood est assez fort, hein, ça. Parfois, tu avais des réalisateurs. Alors bon, aujourd'hui c'est un autre chose, mais à l'époque, Bryan Singer, quand il lui avait filé X-Men, il y avait un truc, il n'avait pas fait tant de films que ça, non, des petits trucs indés qu'en Europe on n'avait pas encore forcément ça vu. Ça, quasiment, c'est quasi tous les Marvel maintenant. C'est ça, c'est ça. Voilà, voilà, Ryan Coogler, Ryan, film, voilà, c'est ça. Et après, il est plus malléable, quoi. Donc je suis allé le voir en salle. J'attendais un peu le truc. Et vraiment ça a été une très très grosse douche froide en ce qui me concerne, parce que même les trucs sur lesquels vous êtes ok, c'est-à-dire le parc et tout, moi j'ai trouvé ça assez anti-spectaculaire, ça m'a pas du tout emporté. Et puis c'est vraiment entre autres le début de mon désamour de Chris Pratt, quoi, où vraiment avec ce film le mec m'est devenu antipathique avant même qu'on sache tous les alors je t'aime plus en fait, quoi, enfin, tous les petits ressorts sur lesquels cet acteur s'appuyait auparavant sont devenus là des tics qui me crispaient au plus haut point. Tu dois être fan de Ryan Reynolds alors. Bah écoute, Ryan Reynolds a eu presque pour moi le parcours inverse de Chris Pratt, c'est-à-dire que Ryan Reynolds m'a vraiment crispé pendant très longtemps. Il te Chris Pratt, petit check. Ah, ils sont forts. Ah bah oui. Et maintenant, c'est qu'un détail, parce que Chris Pratt est loin d'être le seul et unique et plus grave problème de Jurassic Park. Il faisait déjà des vannes dans le 1 ou pas, je me souviens plus. Parce que dans le 3, j'étais surpris, il en fait dans Jurassic World 3, il est plus du tout marrant, mais il était un peu marrant dans le 1 ou pas trop. Vraiment j'étais triste un peu, je crois, en sortant, en fait. Plus que de rage quit ou quoi, j'étais un peu emmerdé parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de suite, parce que Jurassic Park 3 commençait à dater pas mal. Je me disais, il y a moyen de repartir sur un truc un peu propre, un peu enfin 14 ans. Il y avait moyen de faire un peu table rase et de proposer quelque chose dans une continuité, mais de s'écarter un peu du truc. Et moi, j'attendais vraiment ce qu'ils ont voulu nous proposer par la suite et qui, à mon avis, en plus se plante. Mais j'attendais qu'ils fassent ça dès le début, c'est-à-dire ça y est, on est dans un monde où en fait les dinosaures sont là, ils sont pas dans un parc. Ça fait longtemps. Il y a eu 15 ans en fait, ils ont largement eu le temps de s'échapper. C'est sûr que. Enfin bref, il n'y avait pas du tout ce que j'attendais. Donc ça a été très frustrant. Et en plus, j'avais l'impression d'être devant un film qui faisait croire justement de manière très roublarde, genre on sait exactement à qui on s'adresse et comment on doit s'adresser à eux. Et moi en fait, je suis ressorti de ce film en me disant, je sais pas à qui il parle en fait ce film. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas à qui il parle. Je sais pas si c'est un film pour les gosses. Je sais pas si c'est un film pour les nostalgiques de Jurassic Park. Je sais pas si c'est un film. Mais peut-être qu'ils essaient de toucher tout ça en fait. Oui, c'est ça. Mais donc du coup, au final, j'avais l'impression que ça parlait à. Ça m'a vraiment pas parlé. Les mecs de Jurassic Park. Non, ils n'existent pas. Les mecs d'Universal, quand ils ont fait leur benchmark, ils ont pensé à toi. Tu vois, en public type, c'est quand ils font les cibles, tu vois, en premier cœur de cible, toi, et après les gens qui aiment les films d'action, et après les plus jeunes, quoi. Mais ils osent se dire, ouais, c'est vraiment eux, ceux qui ont vu le premier Jurassic Park au cinéma, qui ont tel âge maintenant, qui ont tel pouvoir d'achat et tout, qui n'ont pas eu de film depuis qui vont se ruer dessus. Qui ont des enfants. Ouais, C'est le drame d'Hollywood en ce moment. Et voir la babysitter arrachée. Alors moi, ça, c'est mon autre souci avec le film. Je trouve ça horrible. C'est marrant parce que j'en parlais sur le 2 en disant, j'aime bien Jurassic Park 2. Ah, des fois, c'est un peu noir, mais c'est jamais gratos. Là, je trouve Jurassic World sur le meurtre des gens très gratos. C'est gratos, Carlos. sur la baby-sitteuse, ouais. C'est horrible. C'est-à-dire ouais. que ça, c'est ricanant, tu ouais. vois. Mm-hmm. Parce que tu crois qu'elle va s'en sortir et en fait oui, en fait non. Ouais. Et tu dis, mais quel est l'intérêt de faire ça, ça Alors, j'ai eu un grand débat parce que j'ai fait un podcast sur Jurassic World, juste okay. Jurassic World avec la saga. Donc, ah bah ouais, si jamais, écoutez, voilà, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas votre dose. Ouais, exactement. Ah oui, il y a de quoi faire. Hein. Là, et pareil, eux, ils ont fait un podcast par film. Et d'accord. dans le premier, il y a une paléontologue. Donc, ah si bah, vous voulez un avis scientifique, pas mal. Donc, que je recommande. Et là, on était sur un 50-50 autour de la table sur le meurtre de la babysitter. Ouais, bonne idée ou mauvaise idée. Alors, pour moi, je trouve ça horrible. Alors après, on m'a dit oui, mais le fait de faire mourir de manière atroce un personnage positif, c'est pas nouveau dans la saga. Enfin, alors, positif, alors, la pauvre, certes, elle en galère pendant tout le truc, elle court après les gamins. Oui, non, mais elle est pas méchante. Oui, oui, d'accord. Toi, okay, c'est oui, c'est oui, pas d'accord. L'avocat. Oui, oui, hein. D'accord. J'ai ouais, enfin là, quand même, il y a une diff entre le monde perdu. Où bah voilà Jean-Michel voilà il essaie de les sauver, le pauvre il se fait croquer, bon voilà, ouais, parce que la menace était là, ouais, ouais. Et là un truc totalement gratos, et il sauve la gamine de la meuf, oui, enfin ouais, il arrive à faire quelque chose, il a, et il sauve les gens aussi, enfin ouais, il les attache, arrive, il fait un truc. Sans eux il y a le Malcolm, tout le monde meurt en fait, et là elle, donc là mort, c'est un gratuite, peu triste, ouais. Et que là vraiment c'est elle passe par, enfin elle passe par là, non, mais c'est la scène de panique et tout. Il la chope, et c'est même pas juste il la chope, il la croque, c'est il se l'envoie en l'air 12 fois, ouais, ouais, et ouais, elle ouais. finit bouffée par le monstre marin. Tu dis, ouais, mais ça, c'est une mort que je réserve à un personnage que j'aime pas, ouais, pour un truc un peu jubilatoire, alors, en mode chet, tu vois. Ou mais... alors, c'est encore dans la théorie que c'est des petits malins, ils veulent faire genre, vous voyez, c'est quand même des animaux sauvages, ils font pas la, oui, la distinction, mais... entre les gentils et les méchants. Non, mais là, tu fais pas des raptors que tu dresses, tu vois, en plus. Et surtout, je trouve qu'en fait, ça, c'est une première, j'ai l'impression. En scénario, souvent on aime bien faire ça. Tu places un peu des choses au début qui vont payer, ouais, plus tard. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent te montrer que les dinosaures, d'une certaine manière, cohabitent entre eux, ouais, malgré les humains. À savoir, quand l'oiseau en chope un, enfin, l'oiseau, oui, le pterodactyle, ouais, en chope un, ouais, et le lâche, t'auras celui du dessous qui, ouais, va se choper. Spécialement et en gros, c'est ce qui va se passer plus ou moins, ouais, à la fin quand ils vont attaquer le mutant et il y a l'animal marin qui va le choper. Ouais. Quoi. Ça, qui est d'ailleurs un niveau de bêtise aussi qui est aussi assez folle. Mais j'ai l'impression. La suite, hein, d'ailleurs, on leur parlera. Les dinosaures qui se font des checks et qui team up, là. Mais c'est ce qu'on disait avec ce truc de ne plus les considérer comme des animaux, mais comme des personnages. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là, tu as le T-Rex qui team avec, ouais, le Vélociraptor, qui lui-même est copain avec Chris Pratt, donc du coup le T-Rex va pas les attaquer, et ça, je trouve que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces animaux mutants, les dinosaures mutants, c'est pour dire qu'il y a des dinosaures méchants, ouais, mais que ceux avec lesquels vous avez grandi, ils sont gentils. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre, ouais, même, parce que même moi, on aime tous ex, le T-Rex, mais le on aime Deus tous. Rex Machina, ouais, oh, hein, oh, pas mal. Ouais. Elle est très belle, elle est très belle. Ouais. Mais non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, effectivement, les dinosaures normaux, entre, ouais, guillemets, sont tellement insipides maintenant, selon, dans la théorie, ouais, que dans, le, ouais, dans le lore de Jurassic, voilà, World, que bah, du coup, ils deviennent gentils et que l'humain a créé mieux et donc plus vénère, donc les méchants. Et c'est vrai que c'est, en fait, en gros, ils écrasent les vrais dinosaures. Et c'est là où le message, ouais, marche plus pour, ouais, moi. C'est-à-dire que le message de dire, et à l'époque, c'était peut-être plus sympa, ces dinosaures, ouais, qui étaient des vrais, mais en fait, d'un coup, ça devient ridicule, ouais, parce qu'ils, bah, sont, oui, vraiment gentils. C'est ça. Et que Bryce Dallas Howard aille littéralement ouvrir la cage. Non, mais comme Alan Grant en reprenant, ouais, le, ouais, petit, la, mais d'ouvrir la cage du T-Rex en se disant, c'est bon, il va. Enfin, c'est-à-dire, ça n'existe pas dans le. Elle va, pardon, oui, elle va attaquer le dinosaure mutant. C'est qui est dans le film, une idée d'un enfant, hein, quand même. Ouais. Il faudrait de l'aide à ce pauvre Vélociraptor. Mais oui, il faut le T-Rex. Enfin, sur le papier, c'est-à-dire que c'est anti. Aucun personnage normalement écrit peut penser comme ça, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et même quoi, pour cette idée de dinosaures mutants et tout, dans le premier, on te fait bien comprendre que en fait, modifier l'ADN et compléter avec des autres trucs, c'est une idée de merde. Ouais. Et c'est exactement parce que tu te dis, bon, ok, dans le premier, on comprend que le parc, c'est une idée de merde, il faut un parc. Oui, mais l'argent. Voilà, le capitalisme, tout ça. Là, de se redire, ok, mais on va du coup utiliser un peu cette même technique en prenant de l'ADN et en rebouchant encore une fois les trous pour faire des super dinos, et que tu te retrouves avec un dino invisible, c'est encore plus con, en fait, de se dire. Et en plus, c'est toujours le même mec, c'est le même docteur que tu. Oui, que c'est vrai. Qui est devenu un méchant de Batman. Hein, ouais, oui. C'est fou, c'est trop étrange. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il joue un méchant de Batman dans une série Batman. Ah oui, ouais, c'est drôle, j'ai même pas fait exprès. Mais c'est le seul acteur qui est dans tous les Jurassic Park, du coup. Alors, il n'est pas dans le 3 et dans le 2. Il n'est pas dans le 2. Ah oui, non, pardon. Ah, pardon, c'est vrai. En revanche, il sert à créer le lien. Oui, entre les deux trilogies. C'est ça. Mais tu vois, c'est même, il refait la même chose. Enfin, alors que il sait que du coup, c'est bancal de compléter avec des trucs qui savent pas. C'est-à-dire qu'en voulant dénoncer des trucs, je trouve que Jurassic World fait son propre constat d'échec. Moi, perso, je suis la sensation. En étant le plus grand bloc, un des plus gros succès au box-office. C'est ça, de l'histoire du cinéma. Le constat d'échec. Bancaire, bien sûr. Et je vous invite encore une fois à regarder la vidéo de Bulge Geek qui est super intéressante, qui justement explique en quoi le côté méta dans Jurassic Park est malin, et là où dans Jurassic World c'est assez cynique en vrai. Il l'explique beaucoup mieux que nous, mais c'est vachement intéressant. Passons à la suite de Jurassic World. Alors où je sens qu'il va y avoir un peu débat, parce que moi c'est un film que j'aime beaucoup, alors tout en sachant ce que de ce dont on parle, c'est Jurassic World Fallen Kingdom. Falling Kingdom, pas Falling. Donc Jurassic World, Falling Kingdom, qui n'est pas réalisé par Colin Trevorrow. Parce qu'à ce moment-là, Colin Trevorrow, il est censé faire Star Wars 9, qu'il ne fera au final pas, qu'il écrira, je crois, ou produira, je sais plus. Il a un petit orteil dedans, je crois. Il a fait des concept art qui ont fuité. Oui, c'est ça, qu'il a fait fuiter tout seul, d'ailleurs, de ce que j'ai compris. Je sais plus, ouais. Mais il a quand même écrit, celui-là, attention, avec son scénariste, mais ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Celui qui l'a réalisé, c'est Antonio Bayona, réalisateur que moi j'aimais déjà à l'époque énormément, qui avait fait deux films, enfin il en a fait plus, mais il y en a trois en fait. Moi j'aime tous ces films en fait. Non, mais j'aime beaucoup L'Orphelinat, qui est effectivement le film avec lequel il s'est fait trouver. Enfin, c'était produit par Del Toro à l'époque. Exactement. Mais j'aime aussi ces deux blockbusters qui sont The Impossible, qui sur le papier peut être assez bizarre. The Impossible, c'est une famille américaine. C'est pendant le tsunami. Je l'ai pas vu. Mais c'est le génie de Bayona, je trouve. C'est que je trouve que c'est un film où tu es agrippé à ton siège pendant deux heures avec le tout jeune Tom Holland, qui prouve déjà que c'est un bon acteur quand même, parce qu'il est génial dans le film. Et il a fait quelques minutes avant minuit, après minuit, je ne sais plus, qui est un film pas connu, enfin pas connu, qui n'a pas vraiment eu le succès escompté après minuit, quelques minutes après minuit. Avec Sigourney Weaver entre autres, et c'est un film que je vous conseille, qui est vraiment un très très beau film de Bayona, qui est, alors pour le coup, tu sens tout l'héritage de Spielberg, tu comprends qu'il lui est fini un jeu Jurassic World après celui-là, parce c'est que la chiale, moi j'ai chialé toutes les larmes de mon corps sur ce tous film les étages, et c'est un très beau film. C'est sur Amazon Prime d'ailleurs, si vous voulez. Ah, il n'y a pas que des merdes, il n'y a pas que on a été sponsor à une époque Prime, donc c'est génial, j'adore, c'est trop bien, c'est génial de là. Mais non, mais voilà, ce film je vous le conseille vraiment. Et donc Fallen Kingdom, alors déjà, qui l'aime bien autour de sa table? Est-ce qu'il y a que moi? C'est ça? Je suis middle. T'es middle, je crois en middle, je sens que c'est plus de mon côté. Et en face, ça l'aime pas trop. Moi j'aime la réal. Ouais. Parce que j'aime Bayona et que je vois quand il fait les choses bien. Vous l'avez vu au cinéma? Vous l'avez vu au cinéma? J'ai vu au cinéma. Tout le monde l'a vu au ciné. Ok. Je l'ai vu au cinéma. Et moi, la réal, j'ai pas grand chose à dire, parce qu'il y a une vraie patte de réalisateur. En revanche, je trouve ça con comme la lune. Donc, le scénario, il y a un petit peu. Ben, peut-être tu peux commencer. C'est certains passages qui ne font pas honneur à la réelle derrière, parce que ce qui se passe c'est tellement. Alors, Ben, toi, pourquoi t'es middle? Qu'est-ce qui te plaît déjà? Ce qui me plaît, c'est justement. En fait, c'est débile, mais c'est vu qu'on. Je trouve que dans cette saga, à part le 1 ou même le 2. On nous resserre toujours la même sauce. Et même sur les 6, c'est toujours ah ok, il y a des gens, on va aller voir là où il y a les dinosaures, on va être en galère, machin, bon bref. Et donc du coup là on me propose quelques trucs, pas le scénario, mais quelques scénettes où c'est un peu, ah tiens, ça ils l'ont pas encore fait. Notamment faire ça dans un manoir. Bon pardon, mais le côté Resident Evil, ça me plaît beaucoup. Moi j'aime beaucoup, Le côté vente aux enchères, la scène n'est pas spécialement folle, mais je trouve que l'idée elle est assez débile, débile. J'avais quand même envie de voir ce que ça pouvait donner, même si après c'est trop bizarre, parce que c'est genre ok, j'ai acheté un T-Rex, il va dans une camionnette et bon débarras. Enfin la scène se finit bizarrement. Cela dit, ça c'est très Jurassic Park, de caler des trucs dans le 1. Oui, quand oui, il perd, je sais pas si tu te souviens, quand il y a comment il s'appelle, le hacker, le méchant, Dennis. Il se fait attaquer par le dinosaure, il fait tomber le truc dans l'eau, et t'as un long plan qui montre le truc, tu sais que ça va resservir, que ça n'a jamais resservi. Peut-être qu'il posait des jalons pour sa suite éventuelle qu'il avait dans sa tête à ce moment-là. C'est ça. Ça, on va le retrouver peut-être. Hein. Bon, bah là, dans le film, en tout cas, non. Bah, mais, non, ouais. Donc voilà, il y a des petites idées où et je me suis dit. Si. Oui, au final. Ouais, ouais, voilà. Il y a des petites idées où je me suis dit, ah ok, c'est cool, je passe quelques minutes cool, mais au final, ça fait pas le film, quoi. Et surtout, après, c'est encore une fois, c'est un truc qui m'énerve. C'est ah, mais en fait, on vous avait pas dit, mais Amande, en fait, il avait un pote avec qui il a fait Jurassic Park. Ouais. C'est pas grave que je le sache pas avant, mais c'est oui, vraiment oui. Genre, on a cherché à rattacher oui, oui. À Jurassic ouais. Park 1, alors que t'es pas ouais. Obligé, tu vois. Ouais. Plein de petits trucs comme ça, le côté clonage et tout, où ils ont poussé le ouais. Potard à fond. Ouais. Non mais le en fait puis surtout c'est dit, grillé hein. À 50 km ouais. C'est vraiment chauffier quoi. Et puis enfin c'est moi il y a un moment où je me dis quand c'est même écrit avec le cul on peut le dire. Non non, ah, non mais après moi j'ai aucune leçon à donner mais c'est vrai que j'ai un truc de mais vous pensez vraiment que c'est ça qu'on veut. Moi c'est toujours ouais, non, mais c'est ça qui moi me surprend oui, toujours vrai, avec les Jurassic World c'est je trouve ça fou de penser que c'est ça que les spectateurs attendent de ce genre de film de dire là ce que vous avez quand même envie de voir c'est qu'on va cloner une gamine tu sais. c'est incroyable de penser qu'à un moment parce que même moi à la fin du 2 j'étais moi, encore une fois j'ai bien enfin Jurassic World 2 je veux dire j'avais un truc de ok peut-être cette gamine va servir à un truc de machin mais même pas c'est à dire que dans le 3 c'est ça attends ça, attention ne spoilons pas encore spoilons pas le 3. Non puis c'est toujours la même chose c'est voilà un mec qui veut faire de la thune avec enfin c'est vraiment toujours la même chose mais de moins en moins bien fait quoi c'est la même recette mais le plat est de pire alors là pire. C'est mieux fait cela dit Ah le méchant tu veux dire ah non je parle juste de manière tout à fait formelle de filmé. Réalisation ouais. À la réelle par contre je suis d'accord oui. Je contredis pas ce que tu dis il y a quand même un step oui, parce que oui, ça peut paraître c'est toujours plus classe, oui, ça peut toujours gros paraître un peu facile parce qu'encore une fois comme je dis c'est tellement des grosses machines que parfois en vérité le réel n'a pas de pouvoir en fait les story enfin faut savoir par exemple que les storyboards parfois genre tu peux avoir des producteurs à Hollywood qui disent aux réalisateurs mais c'est ça le storyboard donc tu tournes ça tu choisis pas ton cas les scènes de baston de Marvel qui sont pas faites par les réels en amont et les réals les font pas quoi c'est ça exactement mais tout ça pour dire que sur celui-ci à l'inverse effectivement c'est quand même très visible d'autant plus si vous avez vu les autres films de Bayona tu sens la patte d'un metteur en scène tu sens pas toujours je trouve que parfois t'as des scènes où tu sens qu'il est peut-être un peu trop contraint j'en sais rien encore une fois j'étais pas aux réunions mais qu'il était un peu contraint effectivement par le scénario mais je trouve qu'il a réussi à faire quand même 2-3 trucs typiquement moi je trouve les personnages je parle des nouveaux moins insupportables j'aime bien les deux petits jeunes c'est ça la petite meuf et son pote je sais pas je les trouve pas antipathiques en tout cas non ça va t'as envie de savoir ce qui va leur arriver mais alors justement j'avais oublié le début parce qu'on a tout de suite sauté sur le manoir mais il y a le début qui peut faire partie des scènes qui me font défendre le film déjà parce que je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait péter le volcan pourquoi les mettre sur un volcan en fait je me suis demandé si parce que je crois que dans le 1 il doit y avoir un volcan sur l'île mais est-ce qu'ils avaient mis un volcan parce que c'est stylé ou parce qu'ils se sont dit ah cool dans un autre film on pourrait le faire péter j'en sais rien mais pourquoi pas et en fait ce qui est dommage c'est que en fait il y a cette espèce de bonne idée de dire ah quelles seraient les conséquences écologiques et peut-être au niveau des activistes et de voilà de mais en fait c'est ça éclate en 2 secondes en fait ils utilisent pas du tout ce thème alors ça aurait pu être une conséquence cool moi même le volcan à la limite j'avais vu la bonne annonce où il y avait ce volcan je m'étais dit cool il y a un truc de on remet les dinosaures en gros dans une espèce d'île où la vie suit son cours comme ce qu'ils auraient c'est dû vivre c'est ça. Et c'est la catastrophe bien, vous parliez tout à l'heure de l'affiche avec Chris Pratt sur la moto moi là l'affiche avec la petite bulle enfin plus le tyrannosaure le T-Rex qui était vraiment mis au centre du truc genre putain ils sont dans la merde parce que là maintenant ça y est c'est le T-Rex qui et le volcan et tout pourquoi pas et la scène est dans le film en plus ouais, elle est iconique la scène mais encore une fois tu vois ça pour moi ça me vend ce qu'on a les 10 premières minutes du film en fait c'est après c'est toujours c'est quoi ça ouais. Dégage après et après c'est après ça devient donc, le thriller le T-Rex c'est à peine là hein. C'est-à-dire qu'il est là au tout début d'ailleurs à la base c'était une transfusion sanguine n'oublions pas non ça c'est au milieu mais oui où ils prennent du sang de T-Rex pour le mettre dans le blue mais non au tout début ça devait être au début au tout début c'est et d'ailleurs Bayona voulait que ce soit un dilo c'est Dilophosaure ce qu'on la traite ça devait être une attaque de The Dinosaur et en fait ils se sont rendu compte qu'il y avait tellement pas de T-Rex dans ce film qu'ils étaient obligés d'en foutre le T-Rex au début donc il y a le T-Rex au début, il y a le T-Rex au moment du volcan et il y a le T-Rex au moment de la transfusion sanguine et vite fait à la fin évidemment parce qu'il faut toujours tuer le méchant avec un T-Rex mais sinon le T-Rex il est pas trop là dans le film normalement il a pas d'intérêt tu vois et pourquoi je dis ça non, je ne sais plus non mais je parlais de la scène du début et j'avoue que non mais justement la scène Jojo parlait de la réel, mais c'est vrai qu'on sait pas de quoi est responsable le réalisateur ou pas. Mais la scène où justement l'île est perdue, quoi, et où ils se cassent tous en bateau, bon, les humains on s'en fout à ce moment-là, mais je me dis, tu vois tous les dinosaures, bah j'ai pas chialé non plus, mais tu vois, c'est une scène où je me suis dit, quand tu vois la fumée avec le petit. La mort du brachiosaure. Franchement, avec le cri et tout, tu dis, bah putain, bah merde. En fait, d'une certaine manière, les films n'ont rien à voir, mais il y a un peu le même syndrome que j'ai trouvé Sam Raimi sur Doctor Strange, c'est-à-dire qu'il y a des moments où t'as la patte d'un réal qui se dégage d'un projet très très formaté studio et où tu te dis tu sens les moments où il s'éclate c'est des et où tentatives il a fait son truc, quoi, tu vois. Là, c'est surtout que tu ne le sens pas dans les deux autres en fait. Moi c'est ça, c'est-à-dire que je serais incapable de te le dire si les deux autres étaient parfaits, mais le fait est que ces moments-là n'existent pas, je trouve, dans Jurassic World 1 et 3. Donc là, le fait est que je sois ému pour un dinosaure, c'est ça. Bah, que tu n'es pas le cas dans les trois, et qu'ils arrivent à me rendre qu'ils arrivent à que lui vraiment par la réal arrive à rendre un peu iconisé, je crois que c'est un barbarisme de dire ça, mais un dinosaure mutant méchant, c'est-à-dire qui est tout sur le papier pour que je déteste, et arrive à le faire hurler à la lune comme un loup-garou dans une image qu'on dirait sortie d'un film de la Hammer un peu. Il y a des petits partis pris où je me dis c'est pas Jurassic Park. Mais je pense qu'il y a une volonté de te vendre un truc, de faire vivre des images sur l'écran. Mais moi aussi j'ai un cœur. Tu vois. Et donc là j'étais. C'est des petites touches, mais. C'est plus le pourquoi quand tu sais l'enjeu. Voilà. C'est encore une fois, c'est dès que t'as le malheur, mais même pas de réfléchir, tu vois. Mais on est avant la réflexion, mais juste de là de se dire quand tu sais toute la thune que ça représente, tous les efforts, comment ils font pour les récupérer et tout, et là tu te dis c'est sur une île avec un volcan en activité et à un moment le volcan il va péter, ils vont faire c'est la nature qui crève. Oui, mais eux ils réfléchissent pas comme ça, les mecs qui ont fait, c'est pas des dinosaures qui étaient là et ils vivaient leur vie, tu vois. C'est à la rigueur, c'est pas merde, du coup c'est la Sorna, enfin tu vois, c'est pas le monde perdu, tu vois, à la rigueur, le monde perdu, tu vois, l'île B, et encore parce que c'était créé pour, bon bref, il y a aucune vraie justification. T'as aucune vraie justification pour ça, quoi. Et en attendant, oui, la scène est quand même triste. Bon, après tu dis, mon Chris Pratt, il était censé mourir dans la lave, il est pas mort dans la lave. La lave ils sont assez cool, hein, quand même, hein, parce que t'as la scène où ils sont enfermés dans la cave, il y a un moment un dinosaure, un carnivore qui s'approche, il se prend de la lave sur la tête. Et ça marche. Il fait juste tout. Ouais. Alors que techniquement, la lave les a tués. Hein, donc, tu parles de la scène où il est engourdi là. Elle est un peu débile. Mais non, mais il est censé être mort. Mais c'est parce que tu voulais qu'il meure. Tu voulais qu'il meure. Non, moi j'aime bien. Moi, ça fait partie des scènes. Tu t'en parlais tout à l'heure, Ben. C'est où je me dis, bah, je sais pas. Sur le moment, ça m'a chopé. J'étais genre, je m'attendais pas à ça. Je suis d'accord. Ça aurait été sûrement mieux fait avec plein d'autres acteurs, mais je sais pas. Ça fait partie des idées que j'ai kiffées. Comme tu dis, le manoir à la fin, c'est con, c'est des images en fait. C'est des images du lit. Le dinosaure qui s'approche. L'image du lit, je te la prends. Tu vois, je te la prends. Tout ce truc-là me plaît. Mais effectivement, il y a les défauts de Jurassic World qui sont imputables, je pense, au scénario. Pareil, qui sont les dinosaures, sont des vrais personnages, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un souci. Là, celui qui a la tête dure, alors je connais pas les noms. Ah oui, celui qui a la calvasse, là. Voilà, c'est ça. Le calvosaurus. Le calvosaurus, bien sûr. Il tape dans le mur, Qui tape dans le mur et donc il l'utilise. Alors tu sens qu'ils essaient de te faire comprendre qu'il l'utilise et que c'est pas juste lui qui pète une porte, mais au final, c'est quand même lui qui pète une porte. C'est un pachycéphalosaure. Attends, je vais vérifier. Je crois que c'est pas qui. Le dinosaure mutant, il y a quand même cette scène où il sourit. Enfin, tu sais, où il y a le méchant qui s'approche, il y a la queue qui bouge, il se retourne et tu vois le dinosaure qui a un espèce de petit sourire. Les enchères. Non, mais désolé, moi, le principe des enchères. Les enchères, j'ai trouvé ça un peu cool. Si t'en fais quelque chose, moi, j'ai trouvé ça un peu cool. C'est débile, c'est complètement débile et méchant et tout, mais j'ai trouvé ça un peu cool. Ouais, mais là, juste. Puis l'ascenseur, parce que c'est-à-dire que. Il y a aussi un moment où ils vont dans l'ascenseur, ils le ferment et quand il y va et qu'il se retourne, sa queue pète. Et donc ça ouvre les portes, bien sûr. Ça ouvre les portes. Évidemment. Ça, c'est Jojo. Très très con. Je suis encore un gamin fan de dinosaures puisque c'est un pachycéphalosaure, donc je l'avais Mais attends, juste pour dire un truc, je cherche pas des points positifs ou à le défendre, mais. Dans je trouve que moi j'ai kiffé ma séance. Ouais. J'ai jamais eu envie trop de le revoir. Mais j'ai trouvé que c'était un chouette film. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans celui-là, il y a un nouveau méchant mutant. mais il est pas plus gros, plus fort. Il a limite, il est un peu plus gros qu'un Vélociraptor. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. Mitaine, ils en ont non, fait non, un croc. Je sais. Non, non. Alors ouais. il est. D'autant plus dans le manoir. C'est non, Freddy Krueger. Il est humanisé. Enfin, non, ça c'est nul. Mais en forme, c'est ouais. pas toujours plus gros, toujours plus fort. Je sais pas pourquoi ils ont Parce fait ce choix. Parce que ça rentre pas dans le manoir, en vrai. Ah, pas con. C'est vrai, c'est peut-être ça. C'est juste ça. Ou dans l'ascenseur. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est en termes de scénario, c'est surprenant de repartir sur un dinosaure mutant. Tu te dis, mais pour. Pareil, vous avez déjà, vous ramenez des dinosaures en ville, donc c'est déjà, en plus, ça c'est, alors c'est, bon, on va surtout en parler sur celui d'après, mais ils avaient déjà commencé à axer un peu leur promo en disant, regardez, il y a des surfeurs et il y a un dinosaure derrière, donc ils commençaient à dire, putain, elle est vénère, cool. Cette image d'ailleurs, j'ai trouvé très cool cette mais image. Mais oui, mais le T-Rex face au lion, c'était un des posters quand mais même. C'est ça, mais c'est ça que tu veux voir. Et attends, c'est... ça c'est la fin du 1 ou la fin c'est du 2? C'est la fin du 2. C'est la fin du 2. C'est la fin du 2, mais c'était une des affiches promotionnelles parce du 2. Parce que la fin du 1, c'est un petit raptor qui est dans une ville du Nouveau-Mexique ou je sais pas quoi, là, c'est la fin du 1, ça, non? Non, ça je crois que c'est le 2. Ah bon? La fin du 1, il n'y a pas un. C'est un plus de la fin du 1. Je crois qu'il y a un petit dinosaure qui est sur une ville, genre il arrive dans la civilisation. Ah ouais? Et la fin du 2, il y a lion versus T-Rex. Non, il n'y a pas de civilisation dans le 1. Ça se finit comment le 1? T'es sûr? C'est juste Rexy qui gueule, non? Ouais. Je sais plus, peut-être. Avec cette. Non, mais c'est une scène post-générique, je crois. Non, je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est ça. Je vais vous dire comme ça nous a marqué tout ça. Oui, voilà. Non, mais en tout cas, je suis d'accord. Ils ont montré le truc de 2 secondes de Jurassic Park. Vraiment, World, genre, attention, c'est World. Non, mais tout ça pour dire. Ah oui, mais d'accord. Tout ça pour dire qu'ils ont vendu et survendu les dinosaures arrivent en ville, quoi. C'est ça. Quand on arrive en ville. Bien sûr. Tout le monde change. D'accord, les dinosaures arrivent en ville, tout le monde change de trottoir. Mais non, mais voilà, donc moi, c'est un film, je trouve, qui a son. Qui se dépatouille. Bah c'est le moins pire des trois. C'est le moins pire des trois. Bah oui, et moi je trouve ça mieux que le 3, hein, que Jurassic Park 3. Hein, moi je préfère le 3. Oui. Tu préfères Jurassic World 3 Je préfère Dominion à Fallen Kingdom. Ah ouais. Oh non. Ah c'est marrant. Oh, je peux pas vous laisser dire ça. Oh non. Alors désolé. Oh, est-ce qu'il y a Jeff Goldblum dans votre Vente aux Enchères? Ça part en Pascal Pro. Ah, cela dit, t'as Jeff Goldblum. Il est dans le 2, il est au tout début. On le voit pas. Début et fin. C'est gratos, là aussi, en termes de gratuité. Mais là, il a juste pris son chèque. Tu vois que dans le 3, il attention, Flo, il aime pas quand on dit ça. J'aime pas qu'on dit ça. Parce qu'on sait pas. Après, il a pris un chèque. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et effectivement, il devait être assez gros. Alors, si on veut être méchant et parler de prise de chèque, ça nille dans le 3. Bon, bref. Oui, oui. Non, mais je pense que quand même, Jeff Goldblum est à un stade de sa carrière où revenir 10 minutes dans Jurassic World 2. C'est plus pour le voilà. Oui. Ouais, je sais pas, il a fait Indépendance c'est... des deux, peut-être donc qu'il on en sait fait un petit peu. Mais oui. Mais en tout cas, moi j'aime bien Jurassic World 2. Il y a des trucs, encore une fois parce que je l'ai vu après le 1 et que j'avais été très très très déçu et énervé du 1 et aussi tout le monde me l'avait défoncé moi, je l'ai vu assez tard hein, le 2, je l'ai vu en salle mais je l'ai vu genre 3e semaine je crois. Oh là là, et tout le vu... Twitter ciné l'avait vu. Tout le Twitter partie des gens qui te l'avaient défoncé. Ouais, c'est ça. Non mais je me souviens, j'étais allé avec Pierre Lapin qui est pourtant pas non plus le plus gros dur mais juste. Oui, mais pour on était vraiment, on était sortis en disant bah, on est des beaux fous parce qu'on a bien aimé quoi. Enfin, tu vois, on est des gens, on a bien kiffé. Encore une fois, passer plein de choses de scénario. Bah, c'est l'enfant clone. Comme l'enfant clone, ça c'est très compliqué. Qui libère les dinosaures du coup parce qu'elle se dit je suis une clone. Ah oui, il y a le dilemme de fin, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est vrai. Moi aussi j'ai le droit de vivre. Comme les dinosaures, donc je vais tous les libérer dans la nature. Ouais, et ça c'est pareil. Moi j'étais en fait, la fin, il y a quand même plein de choses stupides, la fin de Fallen Kingdom. Et du coup, vu que j'avais plutôt bien aimé, j'ai fait bon bah. On va voir ce qu'ils en font, ce qui me donne une transition tout trouvée pour vous parler de Jurassic World Dominion. Il y aura des jingles, mais c'est adorable. Pardon, excusez-moi, mais c'est adorable. J'arrive pas à m'en empêcher. Mais je vois ça. Je sais même pas s'il y a ces musiques-là plus que deux minutes. À part en clin d'œil, il y a le thème dans le thème. Dans le World, il y a le thème. Ouais, dans le World 3. Dans World, oui, dans le 3. Dans le 3. Dans le 3, il y a quelques notes, mais pas en entier. Ok, ok, c'est vraiment clin d'œil. Un début préliminaire. Donc Jurassic World, le monde d'après, qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines. Donc on va. Bon, on spoil depuis le début, donc on va. Oh, on va continuer, mais énorme succès au cinéma. Hein, cela dit, tout le monde va le voir. Enfin, ça fait. Qu'on espère que ça sera mieux qu'avant. Ben, ou parce qu'on veut constater l'étendue des dégâts. Bah, en tout cas, voilà, le film est sorti. Alors, j'ai l'impression que par contre, sur celui-ci, il y a quand même tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est assez raté. Quand les notes sur internet sont très mauvaises. Raté, tout le monde est sorti déçu. Sauf Vesper, visiblement. Non, j'ai adoré. C'est ton film préféré. C'est ton film que t'as le plus vu. C'est ça que t'as mieux que Jurassic Park. Attendez, la barre est tellement basse. Préférer le 3 ou 2, ça veut pas dire que c'est bon. Non, mais moi j'avais envie un petit peu d'y croire, je l'avoue. Faut savoir qu'il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Le Jurassic World 3. Le monde d'après. Mais pareil, quel mauvais titre. Mais la promo sur l'avant-sortie, il y avait 2-3 trucs qui teasaient pas mal. Il y avait eu un court-métrage sur des gars dans une caravane qui était très cool. Il y avait aussi eu une espèce de prologue d'un T-Rex qui attaque un drive-in. Mmh. Et ces deux scènes-là étaient assez prometteuses. En tout cas, il y avait un espèce de « Ok, ça y est, les dinosaures sont dans notre monde. » Mais il aura fallu le temps. Voilà. Mais on y est. Peut-être qu'il n'y aura plus d'enfants clones et de mutants. C'est donc un spoil, mais c'est les 15 premières minutes du film. Ouais. Et après, même pas. Non, alors c'est celles-là qui sont pas dans le film. Mais les dinosaures qui sont dans notre monde. C'est le JT qui fait introduction. La chaîne YouTube, la vidéo YouTube. Voilà, ouais, oui. Et après, alors ils sont dans la ville, mais on les voit en fond, quoi. On les voit quasiment jamais. Et en gros, ce n'est pas du tout exploité, puisqu'en gros, toute la deuxième partie du film se passe sur une île avec des dinosaures. Même dans les moments où tu les vois en ville, t'as pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'impact, à part voir un mec se faire buter sur sa trottinette. Mais ça, pareil. Oui, non, mais c'est pas une grosse. Ça, pour moi, c'est comme. C'est tellement gratos. C'est gratos. Ils énervent un peu, les jeunes en trottinette. Attendez, j'ai une anecdote sur ce truc, parce que j'ai vu une interview de Chris Pratt où il racontait ça. En fait, en gros, ils ont fait un appel aux dons sur je sais pas quelle association, et ils ont dit la personne qui donnera le plus pour être dans le film, et en fait c'est ce gars-là. Ah. En fait, si tu regardes, lui il a fait un truc de trottinette, mais après la mort est complètement con. Hein. Oui, mais un peu marrant, mais du coup il est sur sa trottinette, je pense qu'ils l'ont filmé sur fond vert, parce que ça devait être pendant le Covid j'imagine. Et du coup bah voilà, il fait une apparition parce qu'il a donné à une association. Mais j'aurais bien voulu être bouffé sur une trottinette. Ça, c'est pas mal. Mais tout ça pour dire que la meilleure idée qui aurait pu germer d'une suite à Jurassic Park et le monde perdu, c'est les dinosaures dans la ville. Ah mais non, c'est ce que dit Flo depuis trois films. Et en plus, tu l'as trop peu et sans quand tu l'as, le peu que tu as, t'as c'est pas l'impression qu'il y a un impact. Mais c'est assez. Moi, j'en suis sorti. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois la déception, il y a eu des fois la colère. Là, je suis sorti où je ne comprends même plus. Enfin, c'est fou de faire toute la promo autour de ça et de pas te dire. Enfin, pour moi, là, c'est l'explication la plus logique, c'est de l'opportunisme pur. C'est de dire, bon, bah, ils vont y aller parce que c'est Jurassic Park et après, on fait un truc moins cher. Enfin, je ne comprends, j'allais dire moins cher, mais même pas, le film a coûté une blinde. Mais je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est. Je ne sais pas, tu vois. Mais c'est tellement bizarre de tout faire autour de les dinosaures sont dans la ville et de voir ça en tout et pour tout 6 minutes de film. C'est ça, parce qu'en plus, même donc le fameux JT qui est censé. Enfin, la vidéo qui a introduit un peu. Qui est dans, la qui est dans le générique du prologue en plus. Oui, donc, en ça, plus, tu peux le voir vraiment sur Internet. Du coup, et où en plus ils te font on a une augmentation des accidents liés aux dinosaures qui sont même pas des morts directes, enfin des fois c'est juste ils donnent un coup de queue et la bagnole elle tombe dans le ravin, enfin, t'es là. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça en accident, en dommage collatéral, et l'autre vraie question c'est dans la nature, enfin une fois que t'as déjà cette déception là ensuite ça vient de commencer, t'es tu as les sauterelles quoi, et donc, oui, non mais. Donc non seulement vous nous donnez pas ce qu'on veut en termes de dinosaures, mais en plus de ça, vous t'avez fait des sauterelles. La menace, vraie menace, c'est que ça va être vraiment des sauterelles géantes. C'est étrange, C'est comme quand tu disais tout à l'heure, mais vous pensez vraiment qu'on a envie de voir ça? C'est surprenant. Bien sûr que non. Si vous voulez un très bon film avec des sauterelles, je vous conseille La Nuée, que j'ai vu récemment. J'ai pensé à La Nuée aussi, moi. Surtout que moi, à la limite, la première scène des sauterelles, je la trouve pas mal. C'est-à-dire que je la trouve assez impressionnante. Alors, quand sur des gosses, les et tu sais pas pourquoi il y a ça, et tu sais pas pourquoi. Et tu dis, toi, c'est étonnant. Selon vous, les enfants sont morts ou pas? Non, la mère a l'air pisse quand même. Mais après, alors, la grange, elle a pas tenu, je pense. On sait pas si c'est la mère en plus. Ouais, c'est un peu bizarre. Et on n'a pas de nouvelles, tu vois, autant dans le 2. Ouais, dans le 2. Ils disent quand même que la petite, ça va. Et là, c'est les gamins ou sont morts, ou se sont chiés dessus. Ils sont chiés dessus, je pense. Et après, donc, t'as Laura Dern qui arrive avec son équipe. Ah super, alors il y a eu des sauterelles, on fait ci, on fait ça, et il ne restait rien des enfants, donc mais on sait pas. Mais oui, je pense que c'était bouffé par les sauterelles. On parle de tout ça, d'accord, mais enfin, ils ont refait Jurassic Park, mais mal aussi, surtout. On peut parler de ça ou pas? Revenir les anciens. Refaire le parc, enfin, de refaire un. En fait, c'est la même chose, c'est un endroit. Ils ont refait des trucs avec un mec qui avait de l'argent, et il faut. Enfin, mais ça, tu pourrais presque acheter le fait. Chiant. Oui, non, c'est chiant, mais tu pourrais presque acheter le. Bon bah visiblement c'est ça dans leur tête Jurassic Park. Il faut que ce soit un endroit clos et que ce soit des gens. Mais pourquoi refaire encore la même chose? Je suis d'accord, mais dans ce cas-là ne vend pas ça. Je suis d'accord. Ouais, dans ce cas-là, complètement. Mais quand je dis ne le vend pas, je parle même pas de marketing. Je parle du début de ton film. Ne mets pas ça. Ouais. Parce que moi, je vais revenir surtout sur le début du film, parce qu'après il y a tellement de choses à dire sur un film que je trouve assez qui a l'air malade en fait. C'est un film qui a l'air de pas avoir été pensé comme ça. Ça sent le rafistolage. J'étais pas là, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être rafistolé de partout. Le tout le début du film, il y a vraiment un souci de 12 intrigues qui démarrent en même temps aussi, c'est-à-dire que la cabane, t'as Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans une cabane avec leur fille qui est pas leur fille mais qui leur parle pas bien et bah c'est et la meuf clonée, c'est la meuf clonée qui a grandi ouais. Et alors ça s'appelle Georges je crois. C'est ça. Et en gros tout le clou. Oh, ça va. Oui, Georges connaît. Bah, on l'avait. Non, mais attendez. On l'avait. Bah, on l'avait. On attendez. L'avait. Mais toute l'intrigue, c'est que cette petite fille se fait kidnapper. Ouais. Et ça paraît. C'est genre, mais qu'est-ce qu'on vient voir dans un. Non, mais qu'est-ce qu'on vient voir en fait, ça dans un Jurassic Park. C'est là-bas pour aller rattraper la team B. Qui là est une team B. C'est les anciens qui sont. Pareil, on va les chercher. En fait, t'as l'impression qu'on va chercher les gens à droite à gauche. Ils se font pas chercher pour cet enfant. C'est à la base. Non, c'est ça. C'est un. Comme tu dis, elle y va pour les sauterelles. Bien sûr, bien sûr. Et alors, même, tu parlais du 3. Oh là là, Alan Grant, il se fait chercher pour l'argent. Là, littéralement, elle dit j'ai besoin d'un témoin. Ouais, oui. C'est-à-dire que c'est trop bizarre. C'est tellement c'est étrange. Bizarre. C'est-à-dire qu'il y a genre, laisse-le, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Mais si elle avait dit, en fait, on veut te faire revenir pour faire de l'argent, est-ce que tu peux revenir? Le pire, c'est qu'en plus, c'est la première fois de toute la saga, c'est la première fois de toute la saga où t'as l'impression qu'il y va un peu parce qu'il a envie de. De la quête, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Tout ce qu'ils avaient réussi à garder d'un peu. D'un peu classe et de. Ouais, et d'intime. Un peu classe, un peu. Il y avait un peu de pudeur autour de leur relation, fini, là, que j'aimais bien. Ouais. Bah, comme et là, dans le 3 genre... d'ailleurs, quand on le revoit, on en a pas parlé, mais vite fait, dans le 3, quand justement quand il va la voir au début, c'est joli. C'est joli, tu vois. Qu'elle a refait sa vie. Et là, elle va le voir, allez, on est. On est tous les deux célibataires. On est tous les deux célibataires, allez, quoi. Et alors. Vraiment, j'étais mal à l'aise. Quand ils s'embrassent à la fin, c'est terrible. Il y a vraiment un truc horrible de voir tes deux parents divorcer, essayer d'un nouveau. Ah, attends, ça c'était mignon. On disait que t'as trouvé ça mignon. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant parce que moi vraiment ça m'a saoulé. C'est l'accomplissement que t'as trouvé mignon. Moi j'aime bien les bisous. Non, mais parce que j'aime bien les bisous, mais là j'étais alors. On disait sur Park 1 que c'était cool qu'ils s'embrassent pas. Bah là en fait, même si c'est 20 ans plus tard. Oui, mais là, bon, là c'est 20 ans, là c'est bon, tu vois. C'est la fin. Mais tenez-vous la main dans ces cas-là, on comprend, il n'y a pas besoin de emballé avec la langue. Ah mais vous aimez pas les vieux qui s'embrassent. Non mais je suis assez d'accord sur le côté tes parents divorcés qui se. Mais c'est il a 20 ans de plus qu'elle. En plus mais putain. Ouais, mais maintenant ça choque moi quand même. Mais j'aimais bien la pudeur du truc. J'aimais bien le côté non dit. Il y avait vraiment de la pudeur. Il y avait un truc non dit que bon bref. En revanche, on va quand même essayer de temps en temps de chercher des petits points positifs. Je sais pas. J'ai oublié son nom. Mais le personnage qui joue le guide dans l'espèce de complexe là, le bras droit du mec qui ressemble à Steve Jobs là. Ah non. The Evil Steve Jobs. Oui, le gentil. Non pas le Steve Jobs. Le gentil. Je le trouvais cool, moi. Le twist. Non, parce que justement, tu crois qu'il va y avoir un twist. Moi, je me suis dit, il est trop gentil, lui, il va être méchant, c'est sûr. En fait, non, il est juste gentil tout le temps. C'est un peu un twist parce qu'il est à la botte du méchant au début. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé que pas... l'acteur jouait bien et que le perso. Ah, non, l'acteur, mais ah oui, d'accord. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, il était de leur côté. Oui, mais parce qu'ils devaient se méfier. Il dit, ouais. Il faut surtout pas aller à droite, hein. Et il leur donne le pass dans le dos, il se met devant la caméra, il leur dit ça. Et quand à la fin il vient les sauver, ils sont là. Quoi? Mais Michel, t'es de notre côté, mais c'est dingue. Bah, c'est oui, frérot, mais c'est là qu'on est dans le summum de. Et encore une fois, on sait pas si c'est ça, mais genre est-ce que les scénaristes veulent nous faire un message un peu trop malin? C'est de dire le grand méchant qui au début tu dirais il a l'air sympa et tout machin, mais en fait tu vois que c'est un espèce de gars un peu chelou, il a des tics, il est un peu bizarre socialement. Et puis son assistant, effectivement, est-ce qu'il est gentil ou pas? Jeff Goldblum qui parle en secret en dehors des micros, tu dis ok, il y a une conspiration. Enfin pareil, t'as pas besoin de ce truc là. Ouais, c'est en fait pour moi le y a trop un constat un peu d'échec du film, c'est que tout se passe un peu dans des espèces de labos. Enfin, c'est comme si Jurassic Park 1 se passait dans les labos du début, oui, là, après, temps, après Monsieur ADN. Et là, c'est que des trucs de. En fait, tu sais pas qui est gentil, qui est méchant. T'as des scènes, mais je trouve d'un. Enfin, il y a tout. Je comprends même pas l'intérêt de ces scènes-là. Je sais pas pourquoi ils les gardent au montage. Il y a tout un truc où qui tournent les personnages en ridicule. C'est ça. Bah moi, c'est la scène où ils s'incrustent avec Sam Neill et Laura Dern. Est-ce que t'avais l'impression d'être devant Austin Powers ou quoi? Ouais, c'est ça. Ah c'est oui. Que t'as Alan ils sont Grant. Dans leur combi et qui c'est ça. Mais c'est Austin Powers en fait. Ouais, c'est très bizarre parce que ces personnages en plus ont été iconisés, ont été dans des costumes. Oui, ils s'habillent pareil. C'est-à-dire que vraiment. À la limite, ça peut être un truc de cinéma. Elle a 50 ans, elle a plus le droit de mettre autre chose. Mais c'est une chose. Je suis d'accord sur le fait que ça peut être un truc de cinéma. Genre, oui, c'est le personnage. C'est, je peux l'acheter. Mais là, du coup, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a ça et en même temps, ils se mettent dans des combis. Sam Neill, il fait tout papy derrière qui fatigue un peu. Parce qu'elle, à la limite, elle est toujours aussi classe. À un moment, il court et il fait syndrome Harrison Ford qui court dans Le Réveil de la Force où tu fais ouais, c'est trop. Il a l'air fatigué. Laura Dern, je trouve que c'est la mieux du film en fait. Je trouve que ça a l'air d'être de celle qui s'amuse le plus, même si là, le scénario n'a aucun sens, c'est celle où il y a le plus de raisons pour laquelle elle soit là. Il y avait une interview de Trevorrow qui disait vous comprenez, Ian Malcolm a eu Jurassic Park 2. Ouais. Alan Grant a eu le 3, donc du coup Ellie on lui donne Dominion. Et t'es là, ah ouais, putain, le cadeau empoisonné. Mais donc, surtout que, alors effectivement, elle, c'est celle qui a l'air de le plus s'amuser et tout, mais il y a, tu vois, il y a des trucs qui sont vraiment très très gros sabots, quoi. Ouais. Là où tu la vois, s'éclater à taper sur en ayant clairement un orgasme, quoi. Tu vois, il y a des moments où j'étais alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me montrer là? Ouais, en fait, c'est ce truc de. Parce que pareil, il y a Ian Malcolm qui donne un espèce de. C'est cringe, quoi. Qui donne un espèce de passe. Pour entrer dans une porte secrète pendant que l'autre se fait un macchiato, qu'il y a des blagues de Starbucks et tout. C'est d'ailleurs très chelou que lui il ait accès à tout alors que c'est un philosophe en fait à la base, le gars. C'est pour ça, c'est trop chelou. C'est-à-dire que même au sein de la trilogie World, c'est-à-dire que maintenant le personnage de Marcy est agent de la CIA. C'est qu'on en a pas parlé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Mais normal, t'es éleveur dans un zoo, tu deviens agent de la CIA. C'est ça, il dressait des dinosaures parce qu'il t'explique que vu que ça a été un scandale d'État, tu dis ben oui, mais pourquoi ? Et à côté de ça, alors on va passer tous les trucs de personne ne tire sur des dinosaures dans ce film, c'est-à-dire que t'as quand même des dinosaures qui attaquent. T'as littéralement Omar Sy et ses deux potes avec des flingues sur des dinosaures en disant c'est les plus dangereux du monde. Et ils ne tirent jamais, ils courent en fuyant alors qu'ils ont les flingues dans les mains. Et il y a un vélociraptor qui fait la scène de fenêtre de Jason Bourne aussi, on l'a pas trop dit. C'est vraiment la scène de fenêtre de Jason Bourne. C'est vraiment de la même manière. C'est la même chose. Ouais, mais alors, pardon, mais le un des gros problèmes pour moi qui arrive dans le dernier tiers du film, c'est quand on a pris la team A des nouveaux et la team B des anciens, on les réunit et il y a beaucoup trop de gens à l'écran et tout le monde, il y a des doublons partout. Ils sont 5 pour aller changer à une ampoule ou appuyer sur un bouton. Trop bizarre. Le team up veut rien dire, genre bon allez les ouzes, on va les mettre ensemble. Elles vont être avec les insectes parce que les ouzes s'aiment pas les insectes, elles vont un peu crier. Et surtout faut juste appuyer sur un bouton et elles sont deux, quoi. Mais c'est un peu la scène du 1, c'est quand elle doit remettre l'électricité. Mais là du coup c'est on va team up les deux meufs ensemble avec les insectes. Et les insectes, on ne sait pas ce qu'ils font surtout. À la limite, si t'avais vu les insectes tuer les deux gosses, insectes tuer des gens, à la limite, tu peux là, dire c'est ok, juste, c'est toujours trop bizarre dans un Jurassic Park, mais au moins tu comprends la menace. À un moment, tu te dis juste, mais c'est une menace. Ça, c'est le syndrome, le temple maudit. Tu vois, c'est genre la Zeus qui aime pas les insectes et qui va hurler. Le temple maudit, c'est 40 piges avant, quoi. Ouais, non, mais c'est dire. J'avais l'impression qu'il voulait faire un truc, tu sais, comme dans King Kong quand t'as des insectes géants, enfin de faire d'autres faunes pour faire genre, il y a sa grouille, mais en fait, ça marche pas trop. Là, ça marche pas. Mais dans King Kong, ils arrachent des têtes. Franchement, à la rigueur, la seule que je sauve, c'est du coup la pilote qu'on voit. Elle est pas dans le bon film quoi. Et elle est un peu comic relief comme Ian Malcolm. Enfin, tu vois, c'est chiant. Elle est pas dans le bon film. Tu la mets dans Indiana Jones ou Ian Malcolm, on en parlait avec des potes où vraiment j'avais plus l'impression de voir Ian Malcolm. J'avais l'impression de voir Jeff Goldblum qui fait des vannes. Qui est même plus dans le. C'est-à-dire que c'est pour moi, encore une fois, dans Jurassic Park 2, il y a un truc où il est quand même dans le danger. Fait des vannes, mais il est impliqué. Mais il est dans l'action. Il y a cette scène où ils sont à deux doigts de se faire bouffer parce qu'il y a machin, il doit mettre un code. Et il y a plein de blagues, tu vois. C'est même pas lui qui ouvre et il croit que c'est lui qui ouvre. Oui, voilà, c'est ça. Ça, à la rigueur, s'il y avait pas eu le sketch d'avant, ça je le garde. C'est rigolo. Mais par contre, c'est pas plus con que le burger. Il garde quelques punchlines. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Là, il disait exactement ce que je pensais. Oui, c'est ça, c'est qu'il garde. Il dit Jurassic World, not a fan. Et ça, tu vois, à quel moment Colin Trevorrow, quand il. Enfin, c'est peut-être pas lui qui a écrit ce dialogue en particulier, mais. Après Trevorrow, il sait qu'il est quand même sur celui-là scénariste, réalisateur, producteur, donc je pense qu'il a quand même un peu de liberté. Quand ils font sortir de la bouche de Ian Malcolm Jurassic World, not a fan, à quel moment ils se disent oh là là, on est quand même trop fort parce que. Nous on est tellement fort. C'est, ils le pensent, enfin tu vois, genre c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont en tête en se mettant ça et en se disant putain, on est vraiment trop fort. C'est le truc qui est surprenant avec ces films. C'est le truc qui est surprenant avec ces films, c'est que tu n'arrives même plus à vraiment. comprendre l'intention. C'est ça qui est surprenant quand moi même. Ça me fait rire parce qu'effectivement je suis not a fan, tu vois. Donc que mon personnage me dit ça, ça me fait rire, mais et ou qui souligne, tu vois, ça sert à rien de mettre des incohérences dans le scénario si c'est pour faire dire un qui passe ah oui, c'est incohérent. Bah oui, mais ça reste incohérent en fait. Enfin, ouais, du coup, c'est après, il y a incohérence et incohérence. Tu vois, je peux excuser une incohérence. Oui, non, mais faire une promesse à un dinosaure. Ouais, tu ouais. Vois, oui, non, c'est d'accord. Mais tu vois, je veux dire, si par exemple, il y a un truc qui va pas, oui. Une erreur de montage, on sait rien, pourquoi pas. Une énorme. Oui, idée de merde, je voulais dire. Voilà, idée de merde, ou en tout cas, truc où vraiment non sens, c'est la team de. Donc, ce que j'appelle les nouveaux, donc Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, viennent chercher leur fille. À un moment, ils sont en galère dans l'avion, donc elle est éjectée. Bryce Dallas Howard, il lui dit, va chercher notre fille. Vas-y, franchement, c'est ton objectif. T'inquiète pas pour nous. Elle se fait éjecter, je sais pas où. Ouais. Eux se crachent dans la glace. Bon, ils vont la chercher. Et ils vont la chercher. Ouais. Mais meuf, enfin, t'as dit à ta meuf, va chercher ma fille. Au moins, retrouve-la à l'endroit où il y a ta fille. Alors, va pas la rechercher dans la jungle. Surtout qu'on en a parlé. On en a parlé avec mon meilleur pote, genre vraiment. À l'instant où ça s'est mis, c'est vraiment. Ils vont donc l'avion va s'écraser, ils sont en danger de mort et il met la charge mentale de leur fille qui n'est pas leur fille à sa meuf en disant non mais c'est toi sa mère, va la sauver. Wesh, toi c'est pareil, genre pourquoi tu lui as dit allez vas-y. Parce que justement cette scène dans la glace qui bon pourquoi pas, le crash on s'en fout, c'est trop bizarre. La glace, le dinosaure qui arrive à ce moment-là est très cool et en plus il a des plumes. Ouais, il y a quelques petits trucs cool. Non mais en fait c'est parce que encore une fois c'est des promesses qui ne sont pas abouties. Ouais. C'est-à-dire que moi, une scène de glace avec un dinosaure qui peut aller au-dessus. Il fait tout le truc. Mais sauf que dans ce problème, dans ce film, et qui était le problème des Jurassic World, c'est que je ne sais enfin comment ils se débarrassent des dinosaures à chaque fois. Ouais. Les dinosaures ont au bout d'un moment la flemme, quoi. C'est toujours ce truc. Non, mais c'est. Je dis ça sans vouloir faire une punchline. C'est vraiment. Non, mais un c'est truc comme les méchants de jeux vidéo qui arrêtent de te poursuivre quand tu vas suffisamment loin d'eux. Quand c'est ça. T'as fini le stage. Ah bon, attends. C'est ça. Et c'est très bizarre. Et tout le truc du crash d'avion, tout le truc de. Parce que moi, il y a des scènes. La seule scène moi dont je me souviens à la fin du film c'est quand en me disant elle était cool c'est quand Bryce Dallas Howard est vue par le dino et va sous l'eau là tout doucement elle retient sa respiration, voilà, là je me dis putain il y a un truc pendant 10 secondes, c'est beau, ouais c'est joli, il y a un truc de suspense, j'ai envie que ça marche, il y a zéro musique donc il y a une promesse. La scène de Vienne elle est sympa mais moi je suis trop, j'allais dire la poursuite à moto avec les tirés avec les raptors, elle est pas mal, mais moi le problème que j'ai avec ce truc c'est que à Malte, bien sûr, n'importe quoi, c'est en Italie, mais sauf que mon souci avec cette scène, c'est que déjà le truc de base, c'est ce que je dis, c'est des gens de la CIA qui devraient tuer des dinosaures. C'est très bizarre, et là, il y a ce truc très chelou de quand tu pointes un laser sur un dino, le dino attaque, qui est là vraiment une idée vraiment très peu plausible quand même. moi, j'ai toujours cette phrase de Spielberg qui dit c'est des animaux. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de me dire, ok. À la limite, dans Jurassic World 1, Chris Pratt qui peut dresser des vélociraptors, ok, il y a des dresseurs de lions et de tigres, mais. C'est pas un animal où tu mets un laser. Il les a dressés toute leur vie. T'apprends qu'il les a dressés tout petits aussi, c'est ça. Il les a dressés toute leur vie. Non, mais c'est un peu plus crédible, c'est ça que je veux dire. Non, mais il en a dressé que 3. Il en a dressé que 3 et toute sa vie. Et il les a dressés juste à ne pas l'attaquer. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas genre fais ci, fais ça, quoi. C'est pas genre t'es ma bitch, comme là, avec les. Là, le laser, il est vénère. Pareil, dans la catégorie, est-ce que j'avais vraiment envie de voir ça, la course-poursuite à pied de Bryce Dallas Howard avec le dino. Ouais. C'est non. Ouais. Et la moto où ils ont pas d'espace, où ça se cogne et tout, et que en plus le dino fait une Jason Bourne, enfin ce que tu veux. Ça, j'ai pas envie de voir ça, tu vois. En fait, moi je trouve la scène impressionnante, mais après, c'est ce que je disais à Ben, c'est que pour moi, en fait, elle tient tellement pas debout au début que je peux pas être investi. En fait, il y a vraiment ce truc. Moi, je trouve ça badass, tu vois, quand elle met l'espèce de barre qui fait que l'autre il se prend le truc dans la gueule et tout. Ouais. Sauf que là, on a atteint un moment où dans ce monde-là, tu dis, mais donc vous ne les montrez pas morts, donc why not, ok, on monte pas de dinosaures morts dans Jurassic Park, mais. Il y a un nain qui est quand même dehors et qui bouffe. C'est-à-dire qu'en fait, les règles sont incompréhensibles. Il n'y a pas de logique. Je trouve ça mignon. Je trouve que c'est une idée marrante, le marché noir des dinosaures. Mais pourquoi pas, à la limite. Ouais. Mais dans le marché noir des dinosaures, donc ça veut dire qu'il y avait un espèce d'énorme truc là, qui n'est pas un T-Rex, mais qui se barre et qui bouffe le gars On ne sait pas comment il s'est barré. Comment il s'est barré ? Qu'est-ce qu'il foutait là ? Et puis après c'est le type qui se tape au milieu de l'arène avec des dinosaures autour, il se passe rien. Et donc ce dinosaure a bouffé quand même un gars avec une trottinette. Vu que les héros sont barrés en avion, on n'en parle plus. Mais potentiellement t'as une trentaine de dinosaures à Malte en liberté. C'est la boucherie. Et ils disent non mais c'est bon, il y a Omar Sy et ses potes qui gèrent. Mais comme du coup il a déjà plein en liberté. Oui non mais pareil, c'est les règles ne sont pas claires. Le lien entre le 2 et le 3. Ou le 2, il y a quoi, je sais pas, il y a 20 dinosaures qui se barrent, un truc comme ça. Et que le 3, ça démarre direct en disant, alors, c'est plus 20 aux États-Unis, c'est genre maintenant, ils sont sur toute la planète, partout. Mais tu vois, t'as envie de le voir. En fait, c'est ça, c'est l'action, enfin, la réalité n'est que ce que tu vois à l'écran. C'est-à-dire, tout le reste, ça existe. Enfin, c'est vraiment un jeu vidéo, quoi. C'est, tu passes de stage en stage. Chers amis, on a parlé pendant 2h47. Je pensais que c'était plus cool. On s'est lâché sur Dominion. Il y avait une colère. Ouais, mais voilà, il fallait qu'on expulse. 2h30. Mais non. Ah oui, si. Mais ne dors pas. Non. Non, non, on va y aller, on va y aller. Où est-ce qu'on peut ça. Chacun vous retrouver? Ben, t'as sorti la dernière fois, depuis la dernière fois que tu l'as vu, tu as sorti une bande dessinée. Oh là là, c'est vrai. Oh là, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Bah oui, oui, oui. Oui, oui, ça s'appelle Le Mode d'Emploi de Tout. C'est écrit par Yacine Bellous. C'est une idée originale c'est de lui. C'est de l'absurde, tout simplement. C'est que voilà, dessiné, que j'ai dessiné effectivement. Enfin, on a fait à quatre, tout à quatre mains, mais en gros, c'était à peu près ça. Et voilà, c'est les objets de la vie, comment les utiliser. Évidemment, c'est tout. C'est un peu comme Jurassic Park. On pense que c'est normal, puis tout part en couille. Donc voilà, c'était très cool. C'est très cool de faire ça avec lui. Et puis sinon, sous scellé, les enquêtes criminelles bien qu'on sûr. Fait avec Chloé Blondel. N'hésitez pas si vous aimez les enquêtes ultra réalistes. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un graphiste, benrenaud.com. N'hésitez pas. Et sinon, pas. Les podcasts, il y en a des millions. Oui. Voilà, bah oui. Avec Joey notamment. Dont 20th Century Toys, Comics Outcast. Bien c'est sûr. Cool, c'est quoi Je Twitch un peu depuis peu. Ah, mais je suis kiff. Je suis tout bébé, j'adore. Ouais, j'adore ça, mais je suis micro bébé, mais c'est très cool. Les gens sont gentils. Bah ouais. Et je joue à des petits jeux à la con et on discute. Trop bien. Voilà, et puis j'ai fait aussi un petit quiz. J'ai fait ça avec Daz, mon pote Daz qui est fort en hip-hop. Mais j'aimerais bien le faire avec vous. Genre Joe lui faire un quiz sur la musique, toi faire un truc sur les films. Ah bah grave. On va se faire un truc sur la SF, des trucs comme ça. Des petits quiz en même temps, on apprend des trucs en même temps. Un genre de c'est cool, c'est quoi en one-to-one et sur Twitch. Voilà. Trop bien. C'est, bah, ça va, dans les prochains mois, je vais faire ça avec des gens intéressants. Donc vous. Ah, avec plaisir. Ah, voilà. J'ai hâte. Je t'oublierai pas. Oui, bah moi le plus simple c'est mon Twitter. Je vais essayer de remettre. De remettre une pièce dans Twitch aussi, donc on essaiera de faire un feat avec Ben. Il viendra aussi. Mais surtout, le plus simple, c'est qu'il centralise tout, et tous les podcasts, les machins que je fais. Voilà, et donc, effectivement, tu as participé à ce podcast, La Saga. Oui, entre autres. Ouais, ouais, ouais. Qui parle de Jurassic Park, pas que, mais. La semaine prochaine, on fait un shitlist cast aussi sur les pires films de Popstar. Ouais, depuis, on a enfin réussi à caler nos agendas. Le podcast où on menace les gens de mort. Oui, ouais. Oui, c'est pas une blague. Ils ont reçu des menaces de mort. Ah merde. Ah oui, c'est pas eux, c'est d'accord. Parce qu'ils disent du mal de films. Ah bah oui, le fandom, c'est chaud. J'ai choisi la thématique. Ils prennent moins de pincettes que moi, tu veux dire. Ah oui, ouais. Ils prennent moins de pincettes, ça leur. Et voilà. Et tu vois ce que ça donne. Donc, du coup, là, c'est les pires films de pop star, donc c'est voilà, j'ai choisi la thématique. Ah sympa, c'est bien, ça va bien. Être marrant, ouais, mais voilà, le plus simple c'est Wonder at, enfin at Wonder _ Vesper. Super, Joe. Oui. Bientôt en vacances là. Il va falloir bientôt, là déjà. Ouais. Ah, alors monsieur. Faut dormir monsieur. Non non, en fait moi vous pouvez me retrouver le matin de 6h à 10h sur WeFM, mais si vous écoutez ce podcast après le 7 juillet, je suis en vacances. Ah bah c'est pile. Alors ciao. Tu reviens à la rentrée. Rendez-vous à la rentrée. Voilà. La rentrée à partir de la dernière semaine d'août, 6h 10h tous les matins sur WeFM. Génial. Et puis à côté de ça Toy photographie, photographie de jouets sur French Toy Love sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir le taf si ça vous plaît. Et puis, tout un tas de d'autres petits trucs. Oui. Aller sur Twitter, des friches tout ça. Je n'ai plus aucune énergie. Bien sûr, ils sont toujours longs ces podcasts. Toujours, on essaye. Merci tout le monde. Bisous. Bah, merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir reçu Blumère. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.